Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Retro Nouveau. Hey, salut tout le monde et bienvenue à ce sixième épisode de Rétro Nouveau. On s'est rendu à 6, ça va bien, Dom? Ça va très bien, toi? Mais hein, que ça va bien. Et toi, Jeff? Bien sûr, ben oui. Bien reposé. Donc, on est une semaine en retard sur le live, si on peut dire. Ouais. Mais l'épisode va sortir à la même date que prévu. Alors, exact. Ça ne change rien à ce niveau-là. Non. Mais c'est parce que Jeff, t'es en vacances. Ouais, je m'excuse, ça n'arrivera plus. Ah non, t'as pas le droit d'aller je en m'en vacances. Je m'en vais une semaine, toute lâche, toute pète. Tout a pété quand t'es parti. J'étais parti au paradis, puis ça a été l'enfer au Québec, ça a l'air pendant que j'étais pas là. T'as pris tes emails une fois. Une fois, en fait, voyage, 65. Un flot d'emails. Tout était scrap. Des problèmes, RZO est planté. Qu'est-ce qui se passe, Jeff Crompe, le gérant d'Internet. Je suis parti. Mais des blagues une semaine, l'Internet tombe. Je suis désolé, c'était de ma faute. Ah, c'est tout de sa faute. Il ira plus en vacances, on y a dit. Exact. Non, si votre connexion Internet est lente des fois, dites-vous, c'est peut-être à cause de Jeff Crompe qui est en vacances, qui est aux toilettes. Ouais. C'est parce que Jeff est parti aux toilettes. C'est ça qui fait ralentir Internet. Il revient pas qu'il voit les lumières rouges sur l'ordi. C'est un paillot de s'essuyer. Mais sur une main, je programme de l'autre. Let's go, let's go. Ah, oh boy. C'est ça qui s'est passé. Eh oui. Il s'est passé d'autres choses, par exemple. Oui, il s'est passé d'autres choses de gros, toi, dans ta vie. Oh, oui, j'ai reçu une ristourne de jardin. Pour vrai. Pour ceux-là qui ont écouté l'épisode Rétro Nouveau Radio 5 avec nos invités. Ouais. Bon, là, je suis parti en feu, moi, là, en niaisant avec les ristournes de jardin. Ben, une semaine plus tard, j'étais ici, en train de travailler chez nous. C'était J'ouvre mon courrier. Là, je pensais que c'était whatever, là. Puis, ben, c'était, là, le papier des ristournes. C'était le temps des ristournes. J'ai eu 60$. Hey, c'est incroyable, là. Parce qu'habituellement, c'est genre 2 piastres. Pareil, hein? Ben, il y a peut-être quelqu'un qui travaille chez Desjardins qui a fait du press. Ils ont dit comme, oh, calme. Oh boy. On va compresser ces 10 prochaines années, Tristo. On y envoie tout de suite pour y fermer la gueule. Puis il y aura en cinquantaine les 10 autres années. Exact. Mais en tout cas, j'ai eu 60$, je capotais. C'était cœur, hein? C'est vraiment drôle. Et le pouvoir du podcasting. Ben, mais ça, fait que dorénavant, je vais juste chialer tout le temps sur plein d'affaires. Puis je suis sûr de recevoir tout ce don sur quoi je chiale. C'est un bon plan, man. Exact. Les maudites BMW, ça roule-tu mal, c'est ça y est qu'un merde. Peu? Ah, c'est tellement BMW de la merde. Oh, j'haïs ça, char de colon. Mais là, t'as reçu ta ristourne, fait que là, tu vas pouvoir partir dans un autre projet, là. Ouais, fait que là, j'ai investi tout cet argent-là et puis plein d'autres argents que j'ai pas. Pour, les argents. Tous les argents que j'ai pas pour meubler mon local de Papa Cassette. Oui. On est allé faire un tour tantôt. Mais on est allé chez Papa Cassette. Ben oui, Bruno, il est arrivé tôt pour le tournage. Oui. Fait que là, on est ma blonde est partie avec mon plus vieux au baseball. Fait que moi puis Bruno, on était tout seul avec le bébé. Fait que deux hommes et un bébé. Ah ouais, on était qui autant mou. Fait qu'on est allé se promener en poussette. On a passé derrière du Sex Mania. C'était fantastique. Ouais. Puis on est allé à mon local. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, aujourd'hui, j'ai acheté 2 futons. Okay. Comme l'achat le plus rapide de toute ma vie. Ben là, oui. Dans une place louche. Là, pour que ça rentre. Exact. Papineau Beaubien. Okay. Je rentre là. Tu sais, des meubles usagés, genre. Là, ah, mais ils sont beaux, ils sont propres. Ben oui, ils sont bien corrects. Puis ils sont neufs. Ben, c'est pas de grande qualité. Là, mais je les ai dealés. Puis tout, ils ont livré tout de suite. Donc, une affaire de régler. Génial. Fait que j'ai acheté ça. C'est ça. J'ai déménagé dimanche matin dernier. En tout cas, en date d'aujourd'hui. Oh, oui. Puis j'ai tout clenché ça en une avant-midi. L'après-midi, je me suis placé. Fait que là, c'est ça. Là, je suis en train de peaufiner les détails. Il manque une table de cuisine, peut-être d'autres TV, tu sais, je travaille là-dessus. Puis aussi, il va y avoir une arcade MAME ou MAME. Comment est-ce qu'on dit? Ben, je pense qu'on dit MAME en anglais. MAME, hein? Là. Nous autres, en tout cas, au Québec, tout le monde me dit MAME tout le temps. J'aime pas ça, ce mot-là, MAME. Mais je sais ça pas. Ça fait mamelle. Ouais. Ça, c'est pas beau. Pourtant, t'aimes ça, toi. Ben, tout le monde aime ça. Les mamelles de toutes sortes. Mais moi, on va dire MAME, OK? Ouais, on va dire MAME. Ça fait plus street, je trouve. Exact. Fait que dans le fond, c'est de monsieur Ellie. Rodrigue qui vient au Funzo, exact. Qui nous a fait un super beau don. L'autre fois, on a parlé sur le show. Lui, il avait ça chez eux, puis il l'a vendu. Dans le fond, j'ai un partner aussi dans Papa Cassette. Fait que c'est lui qui a acheté cette arcade-là, puis elle va se retrouver dans le local la semaine prochaine. Donc là, ça va être génial. En plus, il va avoir ça. C'est hot, man. Fait qu'on ajoute des affaires aussi. J'ai commandé une arcade comptoir. Tu sais, là, que tu mets sur le comptoir. Ah, oui. Ça ressemble un peu à un iCade, là, si je peux dire. Mais de Atari 2600. Wow, fait que là, tu peux feeder sur le côté les cartouches, là, tu sais, de 2600 puis jouer sur le comptoir. Fait que j'ai bien des idées, puis ça avance, le local. Oui. Fait que, puis j'ai fait un petit sondage sur Facebook, vite, pour faire des événements, parce que c'est ce que je veux faire là-dedans, dans le fond, avec un cover de 20$. Mais la bouffe fournie, cuisinée sur place par maman cassette elle-même. La bonne bouffe. Si c'est une soirée. Ben oui. Puis si c'est une soirée turtles, mettons, ben tu sais, des sortes de pizzas différentes. Ben thématique. Croûte mince, whatever, des affaires fancy un peu. Là, oui. Donc, c'est ça. Des prix pour la compétition, whatever. Là, tout ce qui se passe dans le fond, tu arrives chez Papa Cassette puis on t'organise. Tu payes 20$ puis tu es sûr de passer une bonne soirée. C'est ça. Il y a du gaming partout. La bouffe est là. Il y a tout ce qu'il faut dans le frigo. Apportez votre alcool, par exemple. Oui. Parce que ça devient un petit peu compliqué pour moi de gérer ça. Mais oui. Fait que, c'est ça. Fait que puis il y a une belle cour en plus. Super ça, c'est... belle grande cour en arrière. J'ai visité le local, la cour. C'est magnifique, vraiment. Une belle place. Ouais. Pour aller prendre l'air en arrière. Puis des fleurs, des arbres matures. Ben oui. Non, c'est vraiment propre, sérieux. Ça va être, ça sera pas une ambiance de bar, bien sûr. Ça va être plus une ambiance de party de maison. Oui. Fait que 20 personnes, je pense, ça va être pas mal le max qui peut rentrer là-dedans. Ouais. Je vais faire un test avec ça. Puis ça va être très, tu sais, friendly, gamer. Mais moi, je trouve ça va. C'est, moi, déjà, juste en rentrant là, je sentais justement la vibe, le feeling nostalgique qu'on avait quand on était kid, quand t'allais jouer dans la cave d'un de tes amis. C'est ça, c'est le feeling cave de ton ami. T'as le feeling cave, tu sais. Pas ton ami cave, ouais, là. Pas c'est ton ami Marcel là, qui s'est fait cogner par une roche quand il était kid. C'est ça. Mais ouais, non, il y a un bon feeling dans la place, puis j'ai l'impression que le monde va se l'approprier assez rapidement. Là. Ouais, je pense c'est que très, oui, c'est très friendly. Toujours garder ça très friendly, justement. Ouais, plus ça va, plus les attentes sont hautes pour ton local. Là. Ouais, ouais, à chaque fois que tu en parles, ça a tout dans l'air de plus en plus épique. Là. Mais c'est ça qui est drôle. Les attentes sont hautes, mais pourtant, ça se veut quand même quelque chose d'assez simple quand tu y penses. T'sais. Ça, c'est le projet embryonnaire, ce local-là. Ouais. Parce que ce que Martin et moi, on veut faire, Martin, pour ceux qui sont habitués au Funzo, vous pouvez le voir là, Martin Hébert, un gars bien relax, mais très cool, qui adore Mortal Kombat. Yeah. Et puis, ça, c'est l'embryon, dans le fond, ce projet-là. Puis, c'est juste pour comme apprendre à se connaître un peu, puis à travailler ensemble. Puis, plus tard, on veut que ça devienne un café / barcade Papa Cassette. Là, vraiment un lieu d'événement, là, de party de jeu à longueur de journée avec de la bouffe. Là, exact. Une vraie place. Comment ils disent ça? Donc, dans mon plan d'affaires. C'est quoi, un commerce d'ambiance. Avec débit de boisson. Hein? Okay. Puis tous ces termes-là. Alors, c'est ce qu'on vise, puis on commence comme ça. Alors, faut commencer quelque part. Ouais, fait que j'aimerais faire un party. Moi, j'ai mes vacances en juillet. Oui. Ça risque d'être un peu occupé en juillet. De toute façon, les vacances de tout le monde, fait que c'est peut-être pas le bon moment. Peut-être que je ferais un party d'essai, genre fin juin. Ben oui. Et après ça, ça irait en août, dans le fond, avant que les parties officielles commencent. Certain. Mais en même temps, je continue de faire le funzo, là, tu sais. Oui. Puis ça roule, puis on va voir qu'est-ce qui va se passer. Exact. Mais en tout cas, bonne chance. Yes, merci. On je vous tiens au courant. Je continue à vous tweeter puis vous teaser un grand coup de tweet. Yes. À chaque fois que j'achète une chaise. J'achète une chaise! Checker les belles boîtes de chaises qu'on a achetées. C'est ça. J'ai acheté des linges à vaisselle. Il restait plus de papier de toilette. J'ai acheté que ça, c'est bon. J'ai acheté du doux. Pas celui qui reste collé sur le... Non. Qui s'était fait sur ton... Ah non, vraiment pas. Pas, ça, pas les petites feuilles transparentes. Non, non, là. Non. Pas niaisage et papa cassette double épaisseur. Ah ouais, c'est non. Ouais, avec une ristourne, tu peux en acheter du papier de toilette. Mais ça, c'est clair. Fait que dans le fond, si je regarde aussi l'horaire... C'était tout de commencer, c'est encore à man. Moi, c'est toi qui brise la glace. Bon, ben je commence. Je voulais parler des gars de Québec. Oui. Qu'est-ce que tu vas dire, ces gars de Québec? Ça sonnait vraiment comme une montée de l'eau. Exact. Hey, là, on va parler des gars de Québec. Non, c'est pas. En fait, c'est pas ça du tout. C'est tout à fait le contraire. À force de de jaser sur Facebook avec les fans de rétro et tout ça. Oui. Je me suis rendu compte que jase avec du monde de Québec pas mal, puis il y a une scène rétro intéressante là-bas. Oui. Qui, d'ailleurs, on devrait aller visiter ça à un moment donné. Le beau barcade qu'ils ont là-bas, là, ouais, aussi, le bien c'est ça, le McFly Barcade. C'est ça. Et puis à Québec aussi, je vais nommer des gars. Il y a Vidtendo qui est là, oui, avec qui jase quand même de temps en temps. Là, mm-hmm. Ça, c'est pour ceux qui le connaissent pas, il y a sa chaîne YouTube. Puis c'est un gros collectionneur. Là. Genre, tu le vois sur ses murs. Ah, c'est malade. Ben, sans joke, c'est probablement une des plus grosses collections qu'il y a certainement au pays, j'ai l'impression. Là, que presque des complete sets, là, tout en boîte complète, puis des affaires de fou. Là, il collectionne depuis très longtemps. Fait que le genre de ce gars-là, il est super gentil. Et puis lui, il est ami avec M. Gilles Kelly. Okay. Ben, je dis monsieur, il est jeune. Puis lui, c'est le propriétaire de la boutique Jeux Rétro Revo à Québec, qui a des excellents prix. Et puis c'est un passionné, ce gars-là, genre, il a lâché sa job sérieuse. Il a deux enfants, une hypothèque, puis il vit, man, où il essaye très fort, en tout cas, de vivre la vente de jeux vidéo strictement. Il nettoie toutes les cassettes, change les batteries, tu sais, c'est tight, là. Okay. À Québec, c'est une très bonne place. Puis Gilles, il est vraiment super gentil aussi. Oui. Il nous écoute même probablement présentement. Il dit qu'il aime ça nous écouter live, là, pendant qu'il est à sa boutique en train de travailler. Nice! Fait que lui, il est très cool. J'ose aussi avec M. Jason Vachon. Oui. Une autre boutique à Québec qui s'appelle Flip Jeux, qui, eux, ont l'air d'avoir un inventaire assez gigantesque. Okay. Puis, je dirais que c'est un petit peu cher comme prix, là, par exemple. Ouais. Là, moi, je trouve. Là, mais bon, en même temps, le gars, ils sont bien smart, tu sais, puis ils sont présents un peu sur les pages Facebook. Fait que, checkez ça aussi. Et puis, Jean-François Dupuis, qui est le gars de Collector Vision, qui m'a donné une case de Pong puis de Space que j'ai parlé sur le podcast l'autre fois. Oui. Dans le fond, qui fait de Homebrew de Coleco puis il fabrique des arcades aussi. Exact. Fait que j'osais avec ce gars-là. Puis dans le fond, lui, il a fabriqué le cabinet d'arcade qu'il a vendu à Ellie. Puis la même. Puis dans le fond, nous, on l'achète de Ellie. C'est vraiment un peu hasard. C'est vraiment drôle. Puis c'est à lui que j'ai commandé ma petite arcade comptoir d'Atari. OK. Fait qu'on va voir avec ça. Mais il est vraiment super gentil aussi. Oh, c'est clair que si je vais à Québec, je veux voir ce gars-là. Puis Eric Burt, qui est venu ici, un gars de Québec aussi, qui est dans le CCJVQ. Qui, on a fait il m'a acheté des jeux, on a fait un trade. C'est la première fois que je le voyais. On jase, là, tu sais. C'est vraiment un cool collectionneur. Puis je veux finir avec notre ami Renaud Dorval. Oui. Bien sûr, qui nous suit toujours. Ah, depuis, dans le chat présentement. Il est dans le chat présentement. Ouais. Il m'a fait un cadeau de fou. Il avait noté à un moment donné que j'avais mentionné que j'aimerais beaucoup avoir Dinner complet sur l'intellivision. Sur ta liste de cadeaux qui finit plus, là? Oui! Ouais. C'est la première fois que quelqu'un comme coche quelque chose sur ma liste de cadeaux. Je suis vraiment content. Il m'a envoyé, on peut le voir ici, là. C'est Dinner, ça, c'est la suite de Burger Time. C'est exclusif à l'intellivision. Puis, dans le fond... Vue isométrique, en plus. Exact. Dans le graphisme. Ben, j'ai joué, puis je vais en parler tantôt. Ah, oui. Ça va faire un segue par-dessus ton bout. Exact. Mais il m'a donné ça, man. Il m'a juste envoyé ça par la malle. Ça vaut genre 100$, ça, là, ou à peu près. Là, wow! C'est un super beau cadeau, là. J'étais super content, vraiment, là. Vraiment un bel item pour ma collection. Superbe. C'est génial, là. Check le box rose, toi. Ben puis, oui. C'est vraiment... C'est le real deal. Fait que merci Renaud. Puis je salue tout le monde de Québec avec qui je jase. Vous êtes tous très cool. Puis on va aller vous voir quand on sera de passage dans la vieille capitale. Ben c'est ça, ça c'est vrai parce qu'on a bien des fans à Québec. Puis c'est tout le temps la même affaire. Comme ah, ben j'étais un peu loin, je peux pas venir aux soirées Funzo. Dans le chat, il y a du monde qui dit qu'il va falloir faire une run de Québec pour aller voir la boutique Papa Cassette et voir l'impact. Puis je leur ai répondu qu'éventuellement on devrait faire un épisode sur la route. Oui. À Québec, de Rétro Nouveau. C'est vrai. Oui, parce que là, on peut-tu spoiler? On va faire un épisode de Rétro Nouveau sur la route à Ottawa. Ouais, on va avoir nos fans à Ottawa. Ouais, c'est ça. Non, en fait, on va à Ottawa parce qu'on veut faire un game chasing au Blue Griffin. Excusez, qui est à Gatineau, que Michael Larouche puis les gars de RetroGamer.ca ont sorti. Puis ça a l'air très chouette comme place pour acheter. Puis on s'en va au House of Targ, qui est le barcade d'Ottawa, où est-ce qu'ils ont des pinballs, des machines d'arcade et puis des pierogies. Ouais. Oh, ça, c'est des genres de pâtes là, polonaises. Ouais. Là. Les pâtes polonaises. On va se bourrer à la face au-dessus des machines à boule. Exact, c'est un drôle de mix. Ça mais on va faire un épisode spécial. Dans le fond, ça va être un épisode complet sur la route. Fait qu'on va faire à peu près ce qu'on fait d'habitude avec des nouveaux segments parce qu'il va y avoir le barcade justement, mais si on fait des gameplays, ça va être à l'hôtel, mettons. Puis tout va être vraiment fait sur la route c'est pour ça. Cet épisode-là. Dans le genre de filmer sur le bord du chemin. Ouais, c'est ça. Fait que, fin juin, on fait ça. Si je réussis aussi, j'aimerais avoir peut-être une petite entrevue avec Claire, là, avec le proprio là-bas. Ben oui, ça serait comment génial, ça fonctionne, puis tout ça, tu sais, parce que... Faut leur parler à nos amis anglophones. Ben oui. Fait que puis c'est intéressant aussi. Donc, oui. Puis toi, tu vas pouvoir te trouver des tips pour ton, ton prochain pour mon projet. C'est clair. Je veux savoir où est-ce qu'il se feed, où est-ce qu'il trouve ses machines. Fait que c'est ça. Nice. Fait que vas-y avec toi. Toi, moi, je suis rendu où, là? Watch Dogs. Ah oui. Sonic World. Ben, je vais pas tout spoiler. Ouais. Merci, bonsoir. Okay. Merci, bye-bye. non, c'est ça. Ben, j'ai commencé à jouer à plusieurs jeux, mais j'ai pas joué assez longtemps pour faire une critique comme telle. Je vais parler rapidement. J'ai commencé Watch Dogs. Puis, tu sais, le jeu là, que tout le monde parle, là, comme Watch Dogs, Colin, c'est quoi cette affaire? Puis finalement, ça a été overhypé. Ben, c'est sûr que ça a été un peu overhypé parce que tout le monde en parle. Ouais. Mais l'affaire, c'est ça. Pourquoi tout le monde en parlait autant que ça? C'est à cause que le jeu a été retardé. Il était supposé sortir au lancement de la PS4 et la Xbox One. Ouais. Puis finalement, il n'est pas sorti à cette date-là. Ça a été reporté parce que chez Ubisoft, il y avait des problèmes avec le jeu. Ils voulaient vraiment le peaufiner pour que ça soit le meilleur nouveau IP possible. T'sais, parce que c'est une nouvelle... C'est une nouvelle franchise. Ouais, c'est une nouvelle franchise. Sur l'engin de Assassin's Creed, par exemple. Exact. Ouais. T'sais, tu le vois vraiment que dans ce jeu-là, là, c'est Assassin's Creed mélangé avec l'engin Driver pour le char. Sauf que, justement, le plus gros point faible de Watch Dogs, c'est les chars. Vraiment pas terrible. Parce que j'écoutais le podcast Vic's Basement. Oui. Marissa Roberto. C'est ce qu'elle aimait faire, elle, chauffer. Si bol. Ça avait l'air le fun, chauffer dans le ben, jeu-là. Moi, je trouvais que ça avait l'air le fun, mais j'ai pas de fun encore avec les chars. Ça fait environ 4 heures que je passe dans le jeu. Mais t'es pas un gars de char. Puis, ouais, non, mais non, j'suis un gars de... T'es un gars de chauffer des chars dans les jeux vidéo. Chauffer des chars dans les jeux vidéo, j'adore ça. J'adore les jeux de course. C'est vrai, t'aimes ça, toi. J'suis un gros fan de ça. J'aime plus les jeux style arcade. Puis, dans Watch Dogs, c'est vraiment une conduite arcade. C'est fait un peu dans le genre de Grand Theft Auto puis ces jeux-là. Ouais. L'affaire, c'est que Grand Theft, la conduite était poche avant, mais là, dans le dernier jeu, dans le cinquième, la conduite était très bonne. Dans celui-là, tes chars, t'as tout le temps l'impression qu'ils sont super lourds, c'est blocky, t'as vraiment l'impression que tu contrôles pas ton char. On dirait qu'il y a quelque chose qui marche pas dans le char. Okay. Puis même quand tu changes de char, ça règle pas vraiment le problème, ce qui est dommage pour l'instant parce que quand tu te promènes, ce qui est intéressant dans Watch Dogs, c'est que tu peux hacker. C'est ça, la grosse affaire de Watch Dogs, c'est que tu as un téléphone puis tu peux hacker tout le système, tous les systèmes électroniques qui existent dans la ville de Chicago. Puis ça, c'est cool parce qu'en fait, ça ouvre une tonne de possibilités. Quand tu es en char, tu peux justement brûler un feu, tu peux changer les directions. C'est bien le fun aussi de faire monter des poteaux pour que les chars foncent dedans ou lever des ponts ou des trucs comme ça. Okay. Ça, c'est cool. Ça m'a fait penser justement au jeu Split Second dans lequel tu pèses sur un bouton pour pouvoir déclencher des booby traps un peu à gauche et à droite. C'est vraiment le fun. Sauf que c'est ça, le char, c'est pas terrible, mais mis à part le char, c'est vraiment cool, ce jeu-là. Ouais. Moi, j'avais peur de pas aimer ça parce qu'Assassin's Creed, c'est vraiment pas mon jeu. Exact. Sauf que, mets ce gameplay-là dans un autre jeu, puis aussi, je trouve que ça fonctionne un peu mieux qu'Assassin's Creed. Je sais pas si c'est à cause que t'es pas dans le même environnement, t'es vraiment dans une ville. Ouais. Mais ça fonctionne bien. Le hacking, c'est super le fun. Tu peux perdre énormément de temps là-dedans parce que, moi, justement, j'ai perdu beaucoup de temps parce qu'à un moment donné, tu sais, tu vois une caméra au loin, là, whoop, tu rentres dans la caméra. Là, dans la caméra, tu vois du monde. Fait que là, tu vois tout leur profil pendant que tu regardes. Genre, lui, il aime le sadomasochiste. Lui, il a brûlé un feu puis il a pas payé son ticket. Tu sais, tu vois plein d'affaires. Ouais. C'est super intéressant. Puis de cette caméra-là, tu peux te rendre dans une autre caméra. Tu peux te rendre dans le cellulaire de la personne puis écouter sa conversation. Aïe, aïe. Imagine si ça existait dans la vraie vie. Ça, t'es juste assis chez vous, man, puis tu scannes le monde. Hey, gros bonhomme. Tu fais juste ça. Tout ça à partir de ton Nokia. Ouais, exact. Mais le côté hacking est vraiment intéressant. Le côté gun, le gunplay là-dedans, tirer bon. Du monde, il est vraiment bon, il est vraiment en tête. Je trouve ça super le fun. Puis aussi, une autre affaire que j'aime, c'est que tu te promènes, puis là, il y a un crime en cours pas loin, puis tu vois que ça arrive. Puis là, ben, tu retrouves la personne, puis tu y cours après. Mettons un gars qui a volé une sacoche, whatever. Puis je trouve que t'as un feeling de super-héros. Ouais. Ça, je m'attendais pas tout à ça de ce jeu-là, mais je trouve que tu te sens super gros comme un super-héros parce que tu prends la situation en main tout le temps. T'as le moyen quand même d'esquiver la police ouais. tout, même si elle est là. Mais la police, ça te court après en char, t'es vraiment fait. Là. Okay. C'est vraiment dur parce que même si la police a arrêté de te courir après, il y a comme des grosses cannes un peu partout dans la ville qui partent parce que la police continue à chercher puis continue à chercher sur le réseau. Ouais, là, ouais. Ils ont plus de chances de te trouver. Fait que c'est un peu plus réaliste. Okay. Fait que en tout cas, mes premières heures de jeu, moi, je dirais au monde, achetez-le, sérieusement. Et oui, il n'y a rien d'autre. Vraiment excellent. Non, mais il y a des jeux, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça. Des gros jeux, là, mettons. Ouais, c'est, on pourrait dire mais que c'est... vrai qu'il n'est pas beau? Non, j'ai entendu du monde dire qu'il est vraiment pas tight, là, surtout comparé à la version PC, là, bien sûr. Mais ben ça, la version c'est tout PC, souvent, c'est tout est pas jouable en plus. Parce comparé que, à une Famous, mettons. C'est compliqué. Comparé à une Famous, c'est plus beau. OK. Puis, mais je saurais pas dire, par contre, si c'est peut-être le style graphique qui a été utilisé okay. pour Watch Dogs qui fait qu'il est moins beau. Parce que les personnages, je veux dire, quand tu regardes les visages des personnages, ils ont pas l'air, sont pas aussi réalistes qu'une Famous. Une ouais. Famous, t'avais vraiment l'impression d'écouter un film quand tu exact. Regardais Lightning puis tout ça. Là-dedans, c'est vraiment pas le cas. Là. C'est un petit peu plus cartoon dans l'approche. T'as vraiment l'impression de regarder des personnages de BD. Mais ça change rien. La ville est vraiment très bien faite, est très belle. Des beaux effets de lumière dans le jeu. Mais bizarrement, le graphisme, c'est pas vraiment l'affaire que j'ai checké quand j'ai joué au ouais. jeu. Moi, c'était le gros fun sale du hacking parce qu'on n'a jamais vu ça dans un jeu. En tout cas, pas de cette façon-là. Non, je pense que c'est assez nouveau. C'est là, pas mal une première. Puis je trouve ouais. que c'est un beau tour de force d'Ubisoft. Ben, c'est le fun d'une nouvelle licence. Bravo. Oui, ouais, là, ouais, bravo. Lancez-en des nouvelles licences. Ben oui. Il me semble que c'est ça le but là, de faire des exact. Jeux vidéo dans la vie. Là, ben essayer oui. des nouveaux projets. Puis il y a aussi Ubisoft, dans le fond. Ils ont-tu fait des jeux de char, eux autres, avant? Oui, ils ont fait des jeux de char. Ils ont fait... c'est quoi dans l'autre jeu de char qu'ils ont fait? Avec ses chiens parce que je me dis blanc. Je me dis que si le char est pas bon dans, ben, c'est peut-être parce qu'ils sont pas habitués d'en faire dans Driver c'était pas top non plus ouais, là, c'est le, ça. Le char fait que The t'sais... Crew que Ubisoft ont fait ça se peut-tu ouais mais The Crew est pas sorti encore non ok bon, The Crew moi je l'attends avec impatience ça, c'est un de mes jeux les plus attendus du E3 parce qu'il a de l'air le fun puis les premières impressions sont assez fortes là. Mais c'est ça. Bref, c'est un très bon jeu jusqu'à la date. C'est sûr que je suis pas rendu encore super loin. C'est un jeu qui dure à peu près une trentaine d'heures. Ouais. Mais vraiment, c'est un super bon jeu. Puis c'est différent. Les gens ont comme un peu peur d'approcher ce jeu-là parce qu'ils pensent que c'est Assassin's Creed dans une ville. Mais je trouve que c'est vraiment ridicule de le nommer comme ça, ce jeu-là, parce que moi, j'aime pas Assassin's Creed. Ouais. Puis j'adore Watch Dogs. Fait ouais, que, c'est ça. Dans le fond, that's it. Excellent. Fait que je vais parler aussi très rapidement de deux autres jeux parce que Watch Dogs, j'ai passé beaucoup de temps, mais ces deux autres-là, j'ai pas passé tant de temps que ça. Entre autres, je vais commencer par celui-là. Mafia 2. Ouais. Moi, j'aime bien c'est quoi ça donc, les jeux de mafia. Ouais. J'aime bien ça. Toutes les affaires de mafieux, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup The Godfather. Le jeu de Godfather c'est sur bon, PS2, hein? C'est ouais, un c'est, bon, ça. C'est super bon. Surtout si t'aimes contrôler. T'aimes contrôler des districts puis tout ça, pis ouais. tu t'en vas voir le boulanger puis tu fais comme donne-moi ton cash. Exact. Sac des claques. Moi j'ai tout le temps rêvé de faire ça. Je rentre en caisse pop, tu rentres en caisse pop, mes restos sont pourris, donne-moi ton cash. En broyant. Mais ouais, Mafia 2 en fait, t'es un petit mafieux, ça comme pas de lien direct avec le premier. C'est une autre histoire. Ouais. Puis t'es un petit mafieux, tu commences au bas de l'échelle, puis tu montes sans arrêt. Puis le côté histoire de ça est vraiment écœurant. L'histoire est excellente. Le gameplay est super bon. Les chars là-dedans, c'est très réussi. Jusqu'à maintenant, je ça sais pas... Ça se passe dans le monde récent, ça? Non, c'est ça. Ça se passe des années 50. Ça se passe après la guerre. Al Capone, style, ouais, genre? Exact. Tu sais, dans le fond, le personnage principal, il revient de la guerre. OK, OK. Là, justement, il cherche une petite job-in, puis il va finir par devenir un mafieux, mais ça se fait tranquillement. Ah, c'est cool, ça. Des petites jobs, puis il va voler des chars, puis... Ouais, ouais, mais ouais. c'est cool, c'est le fun. C'est... Puis en plus de ça, c'est un jeu qui se passe l'hiver. Je sais pas si ça se passe l'hiver tout le long du jeu, mais ça apporte aussi une autre ambiance. Je te confirme que non, sur les images, il y a des séquences l'été. Donc... Nice! Ah, peut-être parce que tu moi, fais un voyage. Encore juste l'hiver. Peut-être, là, je sais pas. Je suis encore juste l'hiver, mais les scénarios, l'émission, c'est vraiment le fun. T'as vraiment l'impression d'écouter un vieux film. Parce que quand t'es mafieux, t'as tout le temps un voyage à Miami à aller faire, pour aller chercher un deal genre pour fesser du monde du cartel de Miami puis revenir à New York. Ou aller voir ta maman en Sicile, faire un repas. Exact. T'as ressourcé. Ouais, c'est ça. C'est peut-être pas une job pour moi. Mais vraiment, c'est écœurant ce jeu-là. Il m'a coûté comme 20$ sur PlayStation Network. C'est un jeu que j'ai toujours voulu essayer. Puis je me suis payé ça en digital. Puis je joue encore. Puis j'ai bien du PlayStation fun. PlayStation 3, ça? Ouais, PlayStation 3. Puis c'est un jeu c'est un jeu type carré de sable. Là, fait que ouais. Tu te promènes un peu partout. Puis c'est drôle, j'arrête pas de chialer contre les carrés de sable. Puis de ce temps-là, je joue rien qu'à ça. Mais du riz, là, ben, si j'étais un développeur, je pense que je ferais un jeu de carré de sable. Dans un vrai carré de sable. Tu construis des affaires dans le carré de sable. Ça s'appelle Sandbox. Sandbox, the game. Sorti en 2010, Mafia 2. 2010, quand même. Fin août 2010. Ça fait longtemps. Sur Windows, Mac OS X, PS3 et puis Xbox 360. Exact. C'est 2K, il me semble, qui a fait ça. 2K Games avec One C Company, Feral Interactive et Connect2 Media. Bon. Pour les différentes versions. Là. Mais c'est 2K Games qui est le principal publisher de ça. Bon. Vraiment, vraiment un bon jeu, sérieusement. Une super bonne trame sonore de vieilles tunes qui grichent. Ouais. C'est excellent. Si vous tripez sur Boardwalk Empire, vous allez être au paradis. Je vais aller loader ça de bord. Ouais, ben, load ça, man. Puis l'autre jeu que je voulais parler très rapidement, mais c'est sûr, je vais faire une critique complète. C'est un jeu que je veux essayer depuis un bout sur Wii U. C'est Sonic Lost World. C'est un nouveau jeu, ça. Je suis un peu perdu dans Sonic, là. Ouais, c'est un nouveau jeu. En fait, il y a eu Sonic Colors. Après ça, sur les... Oui. OK. Après ça, il y a eu Sonic Generations. Ça, c'est un remake de tous les anciens. Là. Ben oui, puis non. C'était un nouveau jeu quand même, mais inspiré des anciens aussi. Okay. Fait que t'avais le nouveau Sonic puis le vieux Sonic. Pis Sonic Generations, j'en avais parlé dans un épisode qu'on a fait avec Benoît Mercier. Oui, je m'en rappelle. D'ailleurs, il avait parlé de Sonic. Ça fait un bout de bonne, ça, par exemple. Ça fait vraiment un bon bout. Puis c'était vraiment ça, c'était un sur, super jeu. Là. PlayStation 3. Ça, c'est PlayStation 3, Xbox 360. Il n'est pas sorti sur les autres consoles. Je pense qu'il est sorti sur PC aussi. Mais c'est ça. Lost World, en fait, ce qu'ils ont voulu faire, c'est littéralement Mario Galaxy mélangé avec Sonic. Ça, c'est dans le fond, c'est le dernier jeu de Sonic. C'est le dernier jeu de Sonic. Il n'y en a pas eu après ça. OK. C'est nouveau, là. Ça date de... Attends. Octobre 2013. Merci, GF. C'est exactement ça. Puis, ce qui est bon, c'est que... Sonic, là-dedans... le contrôle est quand même assez tight. T'sais, les contrôles sont bons quand parce que tu te promènes sur une espèce de planète d'un air dans le vide, un peu comme dans Mario Galaxy. Sauf que c'est comme des longs tunnels. C'est comme des longues planètes phalliques. Okay. C'est comme un long cylindre. Ouais, ouais, ouais. Puis tu te promènes là-dessus. T'sais. Parlant de phallus, tu m'avais pas envoyé une vidéo YouTube que genre ils ont fait ce jeu-là, mais à la place de Sonic, ils ont mis un pénis. C'était Sonic Generations avec le pénis qui coach. C'est juste un pénis qui coach. Je suis pas sûr que j'ai vu ça, non? Non, je te l'avais envoyé toi avec, c'est vraiment drôle. Mais oui, c'est ça, c'était... Bref... On veut pas dire au monde que tu m'envoies des vidéos de pénis pendant qu'on travaille. Là. On veut garder ça secret. On veut pas dire ça, mais c'était un peu ça qu'on vient de dire. Mais c'est ça, fait que... dans Lost World, tu te promènes sur ces espèces de planètes-là, puis tu as le choix de courir ou de marcher. T'es pas obligé, on te force pas la main à courir à 200 à l'heure. T'sais. Okay. Fait que tu peux jouer à ce jeu-là comme un 3D platformer bien normal où tu prends ton temps, puis tu sautes sur tes ennemis, puis tout, ou tu peux y aller super vite. C'est ça long. Ah, d'accord. Puis. Mais est-ce que c'est à chier d'y aller lentement, comme dans Sonic 1, quand tu marches, t'es. Ouais, exact. Bonhomme, il avance pas, là. Puis là, ben, c'est ça, c'est un peu plus le fun d'y aller vite quand même. Là, ça reste plus le fun, mais j'ai l'impression que moi, les développeurs, en faisant ça, ils veulent aussi un peu prouver un point. Tu sais, genre, OK, vous chialez que ça va trop vite, mais allez-y lentement, voir à quel point c'est pénible. T'sais. Ouais, c'est ça. Puis là, tu y vas lentement, tu fais comme, ouais, je pense que j'aimerais mieux courir. Fait que là, tu pars à courir, tu sais, that's it. Mais le jeu est le fun jusqu'à la date. Il est le fun, il est super beau. Ouais. Mais je comprends que les gens ont eu de la misère avec ce jeu-là. Ils l'ont mal reçu. C'est un jeu que, des fois, t'es en 3D platformer, puis d'autres fois, t'es en 2D. Ah. Encore de côté, gauche à droite, tu sais. Mais quand il est en 2D, ouais, les contrôles sont poches. Oh. Parce qu'on dirait que, en 2D, ils ont gardé les contrôles du 3D. OK. Tu sais, en 3D, quand tu te promènes dans un environnement 360, t'as tout le temps un espèce d'effet un peu flottant, pas... Tu sais, tu pèses sur ton bouton, puis ça arrive pas exactement tout de suite. On dirait que t'as tout le temps une certaine marge de manœuvre vu que t'as plus de terrain à couvrir, tu sais. Ouais. Dans un 2D, il faut que ça soit comme... Tu pèses sur ton bouton, snap, il saute, puis il se rend direct dessus, puis c'est pas long, pareil comme dans Mario. C'est ça, il y a comme un retard, là. Ouais, il y a comme un léger retard que j'aime pas trop d'un tableau 2D. Fait que les tableaux 2D, c'est pas terrible. Tableau 3D, c'est quand même assez bon jusqu'à la date. Mais c'est ça fait pas super longtemps que je joue. Jusqu'à la date, j'aime mon expérience, sérieusement. Là. Mm-hmm. C'est pas le meilleur jeu au monde, mais ça vaut la peine. Surtout, moi, je l'ai payé 35$. Ah, c'est un peu cher, spécial. Mais ouais, mais tu sais, c'est considérant qu'il est 60$. Tu sais, les jeux de Wii U, ça descend pas. Là. Ça descend jamais. Ça, les belles volontés de Nintendo. Mais mais c'est ben en fait ça c'est un jeu de Sega sauf qu'en même temps il y a des trucs de Nintendo dedans même qu'à un moment donné je me promenais dans un tableau du désert puis il y avait des Triforce partout tu sais il y a plein de ouais il y a plein de clins d'œil à d'autres licences de Nintendo même qu'il y avait un ennemi de Mario Galaxy dans un tableau Sonic Lost World, tu sais. Qui aurait cru ça, pareil, hein? Quand on pense au passé, là, c'était tellement la guerre. Eh oui, tu te dis c'est que drôle. C'est impossible que ces deux-là fassent la paix, mais finalement, ils sont rendus bien chummés, les deux. Ben oui, ça se tape même, c'est bien, ça fait les Jeux Olympiques. c'est ça. Il n'y a rien qui font pas. Exact. Puis il y a du DLC aussi pour ça, que tout le monde peut essayer parce que c'est gratuit. Il y a un tableau de Yoshi qui est basé sur le jeu, justement, le jeu qu'il y a eu sur 3DS. Puis il y a un tableau de Zelda. The Legend of Zelda Zone. Exactement. Puis c'est un jeu en 3D, en fait. C'est encore un 3D platformer basé sur Zelda qui est super cool, qui est vraiment bien fait. Sauf que tu le finis puis t'es comme « Fuck! » T'en prendrais comme 4-5 autres de même. Ouais, ouais. Mais c'est un bon pas en avant. Mais c'est ça, c'est pas le meilleur jeu de Sonic, c'est pas le pire jeu de Sonic. Je dirais qu'il est correct jusqu'à la date. J'ai hâte d'en faire la critique complète. Bon, ben, that's it. Fantastique. Fantastique. Bon, hey, moi, c'est ce que j'ai fait? J'ai joué aux jeux vidéo avec ma blonde. Oui, parce que des fois, on prend le temps. Puis ce qu'il y a de le fun avec ma blonde, c'est qu'on... Comme le disait Léandre. Exact. Oh boy. Non, mais une fois de temps en temps, on joue, puis c'est cool. Puis ce qu'il y a de bon avec ma blonde, c'est qu'elle aime les vieilles affaires. Fait qu'on joue à la télévision, on joue à l'Atari, tu sais. Ben, tu me disais justement qu'elle était bien fan de Othello. Elle était très, très fan de Othello. Ben oui. Elle vient faire un thumbs up. C'est clair. Maman cassette. Mais c'est ça. Là, ce qu'on a fait, par exemple, on a sorti la télévision, puis on a joué justement à Dinner, que Renaud m'a donné. Je vais en parler un peu. Fait que comme tu disais, c'est comme un jeu, il y a de la dimension. Ouais. Parce que dans le premier, tu piles sur des étages de burger, puis ça tombe d'étage en étage. Ouais. Ben là, les plateformes, ils ont une profondeur. C'est isométrique, dans le fond. Puis là, d'après ce que ça dit dans les instructions, il y a des boules de nourriture. Dans le fond, t'es dans le restaurant de comment il s'appelle? Le nom, ça l'a... Attends, comment... En tout cas, c'est le créateur du jeu. Là, le restaurant dans lequel tu es porte son nom. Puis chaque tableau est comme une partie du repas. Boules de nourriture, mettons, dans le premier tableau, c'est des boules de salade. Faut que tu bottes toutes les boules de salade qui dégringolent sur les plateformes. C'est-tu Peter Pepper? Ça, c'est le nom du personnage. C'est le nom du personnage, OK. J'essaie de fouiller. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur Dinner sur Internet. Là. Ah non, il n'y a même pas de wiki sur ça. Ah, ben, Dinner et Télévision, tape ça. Dinner et Télévision, wiki. J'ai Giant Bomb, ça a l'air d'être... Wow! Ça, c'est une information qui est géniale, là. Jeff, si tu peux le dire. Dinner a été créé comme un prototype du jeu Masters of the Universe. Ah ouais? Ouais. Je le savais c'était pas. C'était écœurant, man. C'est hot, ça. C'était un jeu d'E-Man avant d'être... Hey, le pire, c'est que je l'ai, moi, E-Man à l'intellivision. OK. Puis c'est un shmup. C'est carrément autre chose. Il y a une partie... Oui, c'est un shmup. T'es sur le vaisseau de E-Man. Okay. T'as une autre partie que t'es debout. Je me rappelle plus trop ce que tu fais. C'est un peu fucké. Et le Dinner est appelé Raze. De Ray Kastner. Oui, Raze. C'est ça qu'il dit. Exact. Called Raze. Donc voilà, t'es dans ce dinner-là, ce restaurant-là. C'est le restaurant chez Raze. Puis tu bottes les boules de nourriture qui dégringolent les plateformes, puis ça écrase là, les saucisses. Puis c'est encore des saucisses, puis des là, il y a des nouveaux. Il y a des bananes, il y a des cerises, il y a des bières des qui courent bananes. Après. Fait que dans le fond, c'est ça. Tu te sauves de ce monde-là, puis quand t'as tout botté tes boules de bouffe jusqu'en bas, t'as fini le tableau. Mais ce qu'il y a de cool, c'est qu'il y a des niveaux bonus. Après cinq niveaux, il tombe genre des affaires du haut de l'écran. J'ai pas trop compris c'était quoi. On dirait de la bouffe encore. Faut que tu l'attrapes. Okay. Puis ce qu'il y a encore de plus cool, ça m'a vraiment surpris au niveau du platforming, c'est que les plateformes, mettons, il y a des plateformes qui montent, tu sais, mettons, t'as tout ton tableau devant toi, puis là, soudainement, t'as un bout qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, une échelle qui disparaît, qui réapparaît, tu sais. Bon, okay. Là, pensez que c'est vieux, ça, là. Là, oh, oui. Dans le temps, quand t'avais ça qui arrivait dans ton level de Burger Time, tu disais « Oh my God! » là, tu sais. Fait que je trouvais que c'était quand même assez next level. Il était next là, comme... gen, ça, ah, là. Ouais, au niveau du platforming sur la télévision, là, ça, c'est vraiment quelque chose. Là, tu sais, ça m'a vraiment surpris. En fin de vie de la télévision? C'est sorti en 87, ce jeu-là. Et quand même! Ah, ouais, Nintendo était sorti. Le NES venait de sortir. Là. C'est pour ça que ça vaut cher. Il n'y en a pas eu beaucoup. Là. Okay. Puis ici, j'ai le price tag du Toys R Us, justement. Il vendait 17,99. Oh. Donc, tu vois que ça a pris beaucoup de valeur. Mais c'est ça. Il n'y a pas grand-chose de bon sur la télévision. Ben, en tout cas, faut chercher, faut essayer. Ouais. Ce jeu-là n'utilise pas le clavier sur les manettes. Fait que ça, merveilleux. Puis le platforming est bon. La musique est bonne. C'est un bon petit jeu. Là. J'ai eu vraiment du fun. Ouais. Fait que ça, c'est très cool. Nice. On a joué à Buzz Bomber. J'en ai déjà parlé dans une capsule. Buzz Bombers. Dans le fond, t'es une canisse en bas. C'est comme Space Invaders, sauf que c'est des abeilles qui descendent. Puis toi, en bas, t'es une canne de repousse insecte. Ouais, repellent. De repellent, du buzz-off ou du raid. On a joué à ça, man. On a eu bien du fun. On a joué à Snafu. Tu sais quoi, Snafu? C'est comme t'es comme un carré, dans le fond, puis t'avances. Puis quand t'avances, ça laisse une traînée en arrière de toi. Okay. Puis cette traînée-là, tu t'en sers, puis t'es plusieurs dans l'écran, tu t'en sers pour essayer de bloquer les autres. Quand les autres foncent... Ah, c'est comme le jeu de serpent, là. C'est des serpents. C'est Snake, ouais. Je vois ici les images, puis c'est Snake, là, carrément. Là. Ah, Snake, c'est quoi, ça? Je sais pas si c'est ça. Il y avait ça sur d'autres consoles aussi. C'est juste vraiment c'est un serpent que plus le jeu avance, plus tu deviens grand. Ouais, faut pas que tu manges la queue, c'est ça? C'est ça. Ben, c'est pas juste manger la queue. Faut pas que tu fonces dans rien. Fait que faut que tu essaies de coincer l'autre, genre, de l'enfermer dans un raccoin. Puis là, il n'y a pas le choix de se lamer dans le mur. Puis tu vois, ici, sur Atari, j'ai Tapeworm qui utilise la même mécanique. C'est une mécanique assez connue. Fait que sur la télévision, ça, c'est un jeu bien, bien le fun à jouer à deux, en tout cas. Puis on a joué au Super NES à Tetris Attack. Yeah. Moi, ma blonde, elle adore les jeux de puzzle. Ouais. Elle aime les jeux que tu peux pas mourir dedans. Ouais. On est déjà assez stressé dans la vie. On va besoin de plus stressé davantage. Fait que là, je cherchais dans mes jeux de puzzle. Là, je me suis dit, ah, Tetris Attack. T'sais, moi-même, je connais pas Tetris Attack. Je l'ai acheté. Tout le monde a dit que c'était hot. Je l'ai gardé tellement pour moi. Fun. Puis je me suis dit, ça va servir. Fait que j'en ai sorti. Puis je me suis vraiment mis dedans avec elle. Puis on a du fun, là. Même que, tu sais, comme on écoute ça à la TV, non, on va jouer à Tetris Attack. Ouais. Je fais comme jamais ça, tu sais, passer du temps à jouer avec ma blonde au lieu de checker à TV ou jaser ou faire d'autres choses. Mais là, on voulait vraiment jouer à ça à deux. Oui. On a eu bien du fun. Puis ça m'a inspiré, dans le fond, la prochaine soirée Funzo qui a, pour ceux qui nous écoutent, qui a lieu demain soir. Exact. Compétition de Tetris Attack. Puis le monde capote. Hein? Le monde, il aime ce jeu-là. Il est écœurant, ce jeu-là. En versus, là, c'est vraiment très agressif. Là. Ça va marcher au bout. Là. Tout le monde se targue d'être genre le meilleur à Tetris Attack. J'ai vraiment hâte de voir ça. Fait que j'ai passé du bon temps. Tetris Attack, on a trippé. Dinner, encore une fois, merci Renaud. C'était une belle découverte. C'est vraiment cool. Fait que c'est ça qui est arrivé. Nice! En fin de semaine. Bon, écoute-donc. Fait qu'on est rendu où? On est rendu à la pause musicale. Entre-temps, est-ce qu'on prend une couple de questions du public ou... En fait, on va aller en pause parce qu'il a l'air d'avoir des problèmes techniques présentement dans le chat. Fait que mettre en pause et je vais aller regarder ça en même temps. C'est parfait. Ça. Parfait. Fait que Bruno, call la musique. Oui, la musique, je me souviens plus du titre, en fait, mais c'est... Je l'ai ici. Hey, non, je l'ai, c'est vrai. Je l'ai. Attends une minute. C'est compliqué. Là. Technologie, man. Oui, la musique, on va aller écouter Air Faust par Frédéric Tordendal de Meshuggah. c'est tiré du jeu Wolfenstein The New Order. Je voulais mettre ça parce que, Christy, c'est assez rare qu'on a des trames sonores métal. Exact. Puis c'est un bon jeu, hein? Oui, le jeu, il est bon. Va falloir que j'y joue parce que j'ai pas joué encore, mais il y a juste du bon là-dedans. Ah, là. Ouais, tout le monde qui m'en parle, ça a l'air cœur. Hein. Exact. On va aller écouter ça. Yes! Attends, là, laisse-moi sortir. Ben là, ça serait rendu à moi, mais là, c'est ça qu'on se demande. On a-tu des réponses, dans le fond, qu'on pourrait dire? Oui, on a des réponses sur Twitter. Parce qu'on a eu, on avait dit que ce soir, on allait parler de nos souhaits du E3, en fait. C'est quoi nos souhaits? C'est quoi? Moi, je vais donner des prédictions pour le E3. Dans la dernière partie du show, dans le fond. Oui, dans la dernière partie du show. Puis là, dans le fond, on vous a posé la question. Vous autres, c'était quoi vos souhaits pour le E3? Je vais en donner deux, trois de la chute parce que là, je ne les ai pas screenés vu qu'on a oublié de poser la question. Il y a Nicolas Bissonnette sur Twitter qui dit n'importe quoi qu'on n'a jamais vu. Pas un 666 millième Call of Duty. Ouais. Same like last year, but new graphics. Ouais. Renaud Dorval qui dit gameplay de X et Zelda Wii U. Un teaser de soit F-Zero, Star Fox ou Metroid sur Wii U et 3DS. Oui. Et l'annonce d'un nouvel IP. Oui. Véro Langelier qui dit des infos sur Battlefront 3. Quoi ça, Battlefront? Je sais pas. C'est... Non, même que Battlefield, je connais, mais Battlefront, j'avoue que je le connais pas en tout. Il me semble le nom me dit quelque chose, mais ça me dit rien en tout. Ça sent une vieille licence. Je vais essayer. Ah, Battlefront, c'est les jeux Star Wars. Okay, c'est ça. Oui, Star Wars. Et voilà. Hey, on joue presque. Pas vraiment. Des jeux de Star Wars. C'est chien. En plus, j'ai fait deux critiques de Battlefront à Monsieur Net. Ah ouais? J'étais comme ça. Me dit quoi, mec? Il y a FG Roberge qui dit une date de sortie pour The Crew, un Infamous Vita, un nouveau Rayman. Oui. Et des gros jeux pour la Vita. All right. Mm. Bon. Je garde le reste pour plus tard. Sur ça, justement, ça parlait de Vita. Ça me permet de faire un excellent segue. Ben oui. Et voilà. Oui. Segue nous ça. Segue. Hey, un petit Zardoz, man. Un petit quoi? Zardoz. Zardoz, il est là. J'étais pris à dépourvu. Jeff est encore en vacances. T'es encore dans le sud. Il est super slow sur les Zardoz. Ouais, je mérite juste ça pour moi-même. Je suis désolé. Sad, JF. C'est ça, non? J'ai fait le saut pour acheter un jeu pour en parler à notre public parce que sur Vita, on se dit tout le temps, bon, il faut plus de jeux AAA. Il n'y en a pas assez des jeux 3A. Ouais. Je veux dire, dans le fond, des jeux de grande qualité, de grands studios, de ci, de ça. On ne pourrait pas dire de grande qualité. Il y a des jeux de grande qualité qui sont indépendants. Là, ça, j'ai dit ça tout croche. Mais dans le sens que les gens veulent des jeux qui ont pris 3 ans à faire puis une équipe de 480. Des gros projets. Là. Des gros projets. Parce que c'est vrai que la Vita, il y a quand même beaucoup de jeux indépendants. Ça commence. Pour ça, t'as acheté une Vita. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Des fois aussi, ça, tu commences à dire, ben là, c'est parce que je me suis acheté une machine qui allait me donner la même expérience que ma console de salon. Ouais. Mais là, je me retrouve à jouer à des jeux auxquels j'aurais pu jouer sur un Game Boy. Exact. Fait que tu sais, tu te poses des questions. L'impression que le dernier AAA, c'est Gravity Rush. Ben, tu sais, c'est... Tu sais, des jeux de même, là, qui sortent de nulle part, qui sont big, là, pour Vita. On dirait qu'il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Puis, il y en a, en fait, mais il y en a un peu plus au Japon. Puis, les jeux qui sortent, il y a une grosse avancée sur les RPG. Ouais. Sur Vita, ils commencent à en avoir de plus en plus. Un style pas beaucoup à Rétro Nouveau. Exactement. Désolé pour les fans. Ben, tu sais, moi, c'est les action RPG surtout, là. Ouais. Toi, je sais que les turn-based, ça te rebute pas tant que ça. Ah, ça me rebute pas du tout. Fait que. Ça, il y en a, mon gars. Ce qui me rebute, c'est mon horaire personnel. C'est ça. C'est vraiment juste ça, le problème. Puis pas assez de temps aux toilettes. Exact. fait que j'ai pas le temps d'aller aux toilettes ben longtemps non plus. Il faut que ça roule le matin, les affaires. Là. Crème solaire sur les enfants, brosser les dents du petit, sortir les déchets. Un horaire chargé. Un horaire chargé. Ok, anyway. Ouais, continue dans les jeux. Cette grosse intro pour dire que j'ai acheté Borderlands 2 sur Vita. Oui. Parce que Borderlands 2. Frank en avait parlé beaucoup au dernier épisode. Il en avait parlé beaucoup parce que c'est un excellent jeu. Moi, j'ai joué sur PS3 à ce jeu-là. Puis j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment. C'est un first-person shooter, Borderlands. Ouais. Et puis là-dedans, t'arrêtes pas d'aller ouvrir des coffres un peu partout pour essayer de trouver des affaires, trouver des nouvelles armes. Ouais, c'est le loot. Qui est le fun. Le loot est le fun. Ouais. Tu sais jamais qu'est-ce que tu vas trouver. T'es comme, je vais peut-être trouver un super bon gun. Puis là, tu rouvres, puis finalement, tu tombes sur le gun écœurant, puis t'es au milieu d'une bataille, puis tu pognes ton gun, puis tu tripes avec ton nouveau jouet. Les guns, il y en a plein là-dedans. Je vais juste faire une parenthèse, vu que tu parles de gun. Là, ouais. Sur la même qu'il va avoir au local de Papa Cassette, il y a un gun de chaque bord. Oh. Fait que on va pouvoir jouer à Alien The Gun. Aïe, aïe. The Gun is good. Fait que les jeux de gun, Terminator 2, man. On peut jouer à tout ça, là, parce qu'il y a des guns à la machine. Aïe, ça va être magie. Je peux te coucher là. Ah, tu peux te coucher là. J'ai acheté deux futons aujourd'hui. All right. Je sais pas comment on va taper ça, man. Faudrait peut-être arrêter le show, là. Bon, ben, salut tout le monde. C'est écœurant, man. Wow. Ah, c'est génial. C'est cool. Fait que, les guns continuent. Ouais, c'est ça. Fait que pour revenir à Borderlands 2, qu'est-ce que je disais? Ouais, je parlais des guns. Tu parlais des guns. Ouais. Fait que c'est ça, c'est le fun parce que t'as beaucoup de guns là-dedans à ramasser, puis c'est ça qui est cool dans ce jeu-là, puis aussi tout le dialogue qu'il y a là-dedans, c'est vraiment bien écrit, c'est drôle. Ouais, la musique est bonne. Ouais, la musique est bonne, mais la musique est bonne, ça, je dirais pas tant parce qu'il y a pas beaucoup de musique, c'est plus de l'ambiance. Il y a pas de musique en jeu, mais... Exact, tu sais, comme la toune qu'on a jouée dans l'épisode 5, elle était écœurante. C'est la musique d'ouverture. C'est ça, c'est la musique d'ouverture, après ça, tu l'as plus pantoute. Ouais. Mais t'as vraiment un feeling de te promener dans un désert perdu. tendu, puis t'as la chienne là-dedans. Tu sais jamais quand est-ce qu'il y a du monde qui vont sortir de là. Ça fait bien gros penser à Mad Max, ce jeu-là. Oui, oui, oui. Fait que c'est, le jeu est super le fun. Le jeu a eu que des bonnes notes sur les consoles de salon. C'est un succès phénoménal, Borderlands. Puis c'est un jeu qui est très, très, très, très aimé de ses fans. Ouais. Ce qui veut dire que si tu fais une erreur ou tu fais quelque chose que les gens aimaient beaucoup sur la console mais qu'ils n'aimeront pas sur une console portable, ben tu vas te faire traiter de jeu de marde. Ouais. Puis c'est ça qui est arrivé avec la version Vita, c'est que la version Vita, le jeu est très beau, c'est l'expérience Borderlands. Sauf qu'ils ont dû faire des compromis parce que la Vita, c'est pas aussi fort qu'une 360 ou qu'une PS3. Bien ou sûr. Encore moins qu'un PC. Fait que les personnages, au lieu de rester à terre quand ils meurent, ben ils éclatent. Ils éclatent en sang. Fait que là, ils restent pas dans le tableau. Ils sont pas obligés de rester spawnés là. Okay. Des fois, quand t'avances... C'est un problème, ça? Attends, je vais te dire les problèmes puis tu me diras si c'est vraiment des problèmes pour toi. Parce que pour certains joueurs... L'impression que ça, c'en est pas un. Là. Ouais. Faut vraiment être chialeux. Il y a plein de joueurs qui disaient que c'était inacceptable. Okay, okay. Il peut pas avoir plus qu'une dizaine d'ennemis à l'écran à la fois. Alors que sur console, tu peux te retrouver des fois avec une vingtaine d'ennemis à l'écran à la fois. OK. Il y a aussi des fois, pendant que tu te promènes dans ton niveau, des textures qui vont popper, qui vont apparaître. Fait que, mettons, tu te promènes sur la neige, mais tu vois pas les petits grains qu'il y a sur la neige. Ils apparaissent un peu flous, puis là, whoop, tout d'un coup, ils apparaissent clean, ben crisp. Il y a ça. OK. Aussi... Une autre affaire qu'il y a dans ce jeu-là, c'est que t'as pas nécessairement du 30 frames par seconde tout le temps. Des fois, t'as une baisse de frames quand tu vas jouer en ligne. Ouais. Le jeu en ligne est pas super tight parce que c'est important d'avoir un flux vraiment bon dans le jeu en ligne. Faut que ton expérience soit top-notch. En ligne, t'as pas le temps. Faut que t'aies le temps de réagir quand même contre les autres joueurs. Puis si t'as une perte de frames, tu vas peut-être manquer les secondes qu'il te faut pour rester en vie. Okay. Mais dans l'expérience hors ligne, dans l'expérience de la campagne, cette drop de frame-là dérange jamais. Jusqu'à date, ça ne m'a pas dérangé. Ça fait 8 heures à peu près que je passe dans le jeu puis ça ne m'a jamais dérangé. En ligne, par contre, ça m'a dérangé. Ouais. Après ça, les contrôles. Les contrôles pour la Vita, évidemment, la Vita n'a pas deux gâchettes. Ben de ouais. chaque côté. Ah, ben ouais. Là, de chaque un côté. Il n'y a pas quatre gâchettes, je ouais, veux dire. Ouais, c'est ça. À cause de ça, ça peut créer des problèmes parce qu'il faut mapper ces deux autres boutons-là quelque part. Mm-hmm. Eux autres, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de les mettre sur le pavé tactile arrière. Ouais. Si tu tapes à droite, ça fait quelque chose. Tu tapes à gauche, ça fait quelque chose. OK. Moi, je suis super habitué avec ce truc-là. Au début, je trouvais ça weird. Quand j'ai pris le jeu en main, j'ai fait comme « Ouais, je sais pas si je vais aimer ça. » Il me semble que je l'accroche tout le temps. Ouais. Mais tu t'habitues, tu joues avec tes deux index sur les gâchettes. Puis après ça, tu tiens tes deux majeurs un petit peu dans les airs en arrière de ta console. Okay. Puis tu tapes quand c'est le temps. À droite, c'est pour frapper. Puis à gauche, c'est pour courir. C'est deux boutons que tu vas te servir quand même assez souvent. Puis jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de problème à les utiliser. Vraiment, là, je te dirais que j'ai eu des problèmes durant la demi-heure que j'ai commencé. Okay. Puis après ça, je me suis habitué. Maintenant, là, je suis rendu super habitué. Ça va bien au bout. Exact. Fait que c'est ça. Ça, c'est le plus grand problème de Borderlands. Puis c'est un problème qu'on peut vraiment passer par-dessus. Là. Moi, j'ai du fun présentement. Là, du gros fun. C'est un jeu que j'ai de la misère à mettre à terre. Je le trouve écœurant, tu sais. C'est sûr que l'expérience sur console de salon est meilleure parce que... Ben là, c'est tous les problèmes que tu m'as dit dans ta première partie avant de parler des contrôles. C'était tous des problèmes genre de secondaire, à mon avis. Là. Ben, à mon avis les picots aussi. Sur la neige, hey, on s'en sac de ouais. ça. Là. C'est normal, t'es dans une console portable. Ah non, c'est sûr. C'est quoi, là? Puis quand t'achètes la version portable, en plus, t'as tout le contenu téléchargeable qu'il y a eu avec le jeu. Okay. Pour 40$, tu sais. Ton jeu te coûte 40$, puis t'as tout. Fait que, tu sais, pour moi, c'est un bon deal. Puis oui, des fois, il y a des pertes à gauche puis à droite. Des fois, il y a des pertes de frame. Des fois, comme aujourd'hui, je joue une game, puis un moment donné, il y a une fille qui est en train de me parler. Puis là, il y a un bout de son dialogue qui est coupé. OK. Tu sais, oui, ça m'a fait chier sur le coup, mais ça n'a pas fait comme « Ah, fuck this game », puis je pitch ma PS Vita dans des poubelles. C'est des petites affaires, c'est des petits irritants, mais c'est pas des irritants qui sont assez gros pour dire « Ce jeu-là, c'est de la merde, c'est un mauvais port, puis on devrait pas l'acheter. Ouais. » Les gens ont vraiment été hyper cruels avec ce jeu-là. Ils ont vraiment fait comme « Non, 30% ce jeu-là, là, c'est vraiment de la merde. » Ah ouais, 30%? Ah ouais, il y en a qui sont vraiment allés graves, là, qui ont dit que c'était inacceptable pour un jeu comme ça. T'sais, excuse-moi, mais si tu veux la vraie grosse expérience, achète-toi la vraie grosse affaire. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la version portable. Puis ce qui est intéressant avec cette version-là, c'est que tu peux jouer n'importe où. Puis en plus de ça, c'est cross-save. Ouais. Fait que si tu as la version sur console, tu peux aussi commencer une game sur ta PS3 puis la finir sur ta PS Vita. Ouais. Chose que j'ai faite qui fonctionne à merveille. Ouais. Puis en plus de ça, Borderlands 2 était gratuit sur PlayStation Plus. Ah, OK. Fait que là, moi, j'ai les deux pour un prix, puis c'est génial. J'ai une bonne expérience, c'est le fun. Puis sérieux, je vais pas en plaindre de ce jeu-là. T'sais, si je l'avais critiqué à Monsieur Net, je pense que j'aurais peut-être donné genre un 7.5 ou un 8 même. Mm-hmm. Parce que c'est un bon jeu. C'est un jeu qui vaut 40$. Même si, d'après moi, ça vaut quand même... oui, ça vaut pleinement le 40$ parce que t'as beaucoup de stock. T'sais. C'est un jeu, là, ça va durer, man, 30 heures, 40 heures facile. Il y a du stock à découvrir là-dedans, là, en masse. Là. Fait que, oh oui, il y a du monde aussi qui ont chialé. Attends, une dernière affaire avant que j'arrête, là. Il y a du monde qui ont chialé à cause que le jeu, c'est un jeu next-gen qui joue sur une grosse TV. Ouais. Là, eux autres, ils ont tous ratissé leurs affaires. Ouais. Il y a du monde qui ont chialé que le bouton X ou le bouton carré, il était trop petit dans l'écran. Puis que les écritures étaient trop petites à l'écran pour lire. Parce que, dans le fond, quand tu le mets, ton ratio, quand tu es sur une télé, c'est plus grand. Ouais. Puis quand tu es sur une PS Vita, ben, c'est plus petit. Fait qu'ils n'ont pas adapté le lettrage à la Vita. Ils l'ont gardé comme il était sur console. Je présume que quand tu fais une affaire de même, c'est que tu peux pas adapter chaque détail. Non. Là, si, sinon, tu passerais des années. Non, puis il faut qu'il passe à autre chose, faut qu'il optimise. Il y a déjà beaucoup de travail qui est mis à l'optimisation pour un jeu comme ça. Mais moi, je jouais à Guacamelee sur ma PS3, puis je l'ai pogné sur ma Vita. Puis au début, j'étais c'est comme dommage lettre. Ou c'est pas pareil. T'sais, sa TV, là, c'est sharp. Là. Oui, puis là, tu drops sa Vita. Il y a une drop, là, sérieux. Si t'as jamais joué, tu t'en rendras pas compte. Moi, j'ai joué juste à Vita à Guacamelee. Je le trouve incroyable, le jeu, puis super beau. Il est super beau. J'imagine que sur ta télé, il va exploser. Gros, si j'écoute ça. Oui, vraiment, là, c'est bien plus sharp. Là. Mais ça, c'est tout le temps. Mais c'est pas le temps grave. Même aussi. Je me suis habitué aussi. Je me suis dit, bon, OK, c'est une version, c'est une petite version, c'est la même affaire, mais pognée dans une petite machine. Exact. C'est normal qu'il y ait des pertes, là. C'est ça. La titre. Tu sais, c'est comme, joue à Flower, sur la PS4, puis joue sur la PS Vita. Mm-hmm. Tu sais, ça, c'est drôle parce qu'il y a du monde aussi qui ont comparé, tu sais, puis qu'ils faisaient la critique de la version PS Vita, puis là, il disait, mais c'est sûr, c'est pas la version PS4, là, mais tu sais, c'est bon, là, tu sais. Come on, là. C'est pas un jeu portable. Mais oui. Il se mange tout le temps à la claque. Mais c'est parce qu'en même temps, tu peux pas espérer avoir exactement la même affaire. Mais non. La seule fois où c'est exactement la même affaire, c'est si tu joues en remote play à un jeu de PS4, tu sais. Ouais. Mais sinon, c'est sûr que ça sera pas exactement la même chose. Mais les gens qui jouent à du portable la plupart du temps, puis le monde qui joue à PS Vita parce qu'ils veulent des gros jeux. Ouais. Moi, je pense que ces gens-là vont être satisfaits parce que, justement, ils savent qu'un jeu portable, il faut que tu fasses des compromis. Il y a des affaires que tu peux pas avoir, que tu peux pas faire. Il y a des jeux, par contre, avec les contrôles tactiles, que ça a été mappé, puis que ça a été mal mappé, puis que ça va mal, puis que c'est tout croche, comme Jack and Daxter. Ouais. Ça, c'est épouvantable sur la PS Vita à cause des contrôles tactiles. Ils en ont mis partout, puis ils en ont trop mis pour rien. T'sais. Ouais. Là-dedans, au moins, ils en ont pas mis pour rien. Ceux-là qui ont mis, ben, il n'y avait pas le choix de les mettre là. Là, tu parles d'en dessous, là. Ouais, en dessous. Parce que moi, ce que j'ai de la misère avec ma Vita, c'est quand il faut que je pèse dessus. Elle est tellement large que, genre, faut que je lâche mon appui. Faut que tu lâches. Faut que je lâche d'un bord, puis là, vu que c'est lourd, tu sais, là, ça tombe. Puis là, je pèse comme un gros nul. Tu sais, tu comprends ce que je dis? Ouais, je comprends très bien. Ce qui est bon avec ma 3DS, tu sais, c'est que même si je pèse dans le milieu de l'écran, c'est petit, fait que mon doigt se rend. Mais sur une Vita, faut que tu lâches d'un côté, puis là, ça pend dans les mains, là. Tu sais, c'est vraiment pas agréable. Il y a des jeux où c'est bien intégré. Quand tu tapes, là, tu sais, des titres, là, quand tu cherches là, dans le store, là, t'sais, faut que tu tiens une main et tu tapes. Exact. Avec ton enfant, exact. Gros doigts. Ouais. Ou t'as des longs doigts de pianiste, peut-être que tu peux en sortir des longs doigts squelettiques. Mais tu sais, il y a des jeux que c'est bien intégré, comme, mettons, Unit 13 sur Vita, je trouvais ça cool, parce que, mettons, pour lancer une grenade, ils ont comme mis un bouton dans l'écran, en bas, à droite. Ouais. Fait que t'es juste à côté, tes boutons, puis tu pèses, puis ça se fait rapidement. Il ouais. y a des moyens de bien l'intégrer, c'est juste, c'est pas donné à tout le monde, tu sais, mais sérieusement, en tout cas, si vous aimez vraiment ça, Borderlands 2, et puis si vous avez une pièce Vita, vous savez pas à quoi jouer, c'est un bon jeu, là. Fait qu'on l'achète? Oh, oui, on l'achète. I'd buy that for a dollar. Yes! Voilà! Bon, moi, je vais parler du fameux Demon's Crest au Super Nintendo, qui est... Jeff, on dirait que tu vas faire de quoi? Non, je cherche les infos. Là. Ah, c'est bon, vas-y. Moi, dès que vous partez sur un jeu, je m'envoie sur le wiki puis je regarde ça pour les infos complémentaires. Fait que, comme on disait, c'est la suite, dans le fond, de Gargoyle's Quest. Ouais. Puis, c'est avec Firebrand, dans le fond, le même ouais. démon qu'il y a à l'intérieur. Je pense que ça serait le troisième volet parce qu'il y a eu Gargoyle's Quest ouais. 2 au... Est-ce que j'haïs ça de dire ça? Ouais. 2 au NES, puis le premier était au Game Boy. Puis voilà, dans le fond, en gros, c'est le retour de Firebrand, puis il faut qu'il ouais. ramasse des affaires, des reliques, puis c'est réglé, c'est pas plus compliqué que ça. Mais c'est un jeu quand même de grande valeur, qui vaut à peu près une centaine de dollars lui aussi. 100$? Oh, ouais. Moi, je parle juste de des jeux qui valent 100$ ouais, aujourd'hui. En moyen, depuis que t'as eu ta ristourne. Ouais, ouais, ouais, je me dépasse. Le gars, il y a juste 60$, mais il achète 400$ de jeu. Yeah, j'ai du cash! Je vais aller loin dans la vie. Lendemain, endetté pour mourir. Ouais, il se vend 110$ sur eBay, wow. Demon's Crest. Même ouais. pas de boîte, rien. Non, juste loose, là, tout seul. Ouais, loose. Ouais. Fait que, c'est un jeu de Capcom, dans le fond, puis ouais. c'est sorti un peu tard sur la NES. 94, il est sorti. Ce qui veut dire qu'elle bénéficie genre de toutes les skills de, ouais. de Capcom qui ont fait des tonnes de jeux avant de faire ce jeu-là. Soundtrack de fou, des tableaux vraiment hot. Dans le fond... c'est un platformer, ça, hein? Ouais, c'est une plateforme. Mais y a-tu un côté RPG? Pas vraiment, je vais y venir. Okay. Dans le fond, t'es Firebrand, c'est un démon qui peut voler ouais. sur place. T'sais, tu voles à l'horizontale. Tu peux pas t'envoler dans les ouais, airs, mais ça. Quand tu sautes, tu peux locker dans les airs puis voler. Tu craches des balles de feu avec ta bouche. Puis dans le fond, tu te promènes dans des mondes. En fait, c'est un univers, c'est une map. Comme ouais. Final Fantasy 3. Puis tu te promets, tu sors du tableau à la fin d'un niveau. Puis là, t'as le mode 7 de la Super NES, là, puis tu vogues au-dessus du continent. Un peu comme ActRaiser. Ouais, mais c'est vraiment en, comment dire, en point de fuite, tu sais. OK. C'est, ton bonhomme, il va vers l'avant, puis tu passes au-dessus de la map, là. OK. Puis quand tu pèses ce bouton, ta gargouille, elle descend dans le niveau que tu choisis. OK. Fait qu'il y a plusieurs niveaux. Il y en a 5-6. Puis tu acquiers des pouvoirs. Là, tu es une gargouille normale, t'es Firebrand, mais tu acquiers, mettons, le skill de te transformer en gargouille de roche. Okay. Fait que là, la gargouille de roche, elle a fait un plaqué, elle plaque, elle vole pas, mais ouais. elle fait un dash puis elle plaque. Puis ça peut comme détruire des parcelles de tableau qui vont te mener à d'autres parties d'un tableau. Okay. Puis tu peux être aussi une gargouille de l'eau, comme ça, au début, quand tu tombes dans l'eau, tu meurs, mais après ça, tu peux te morpher en gargouille de l'eau puis aller dans l'eau, puis c'est fantastique. Puis en gargouille de ptérodactyle, là, style, ouais, là. Ouais. Fait que là, tu peux voler à des places. Fait que c'est toutes des skills que tu débarres, puis ça, tu les changes dans ton menu Start. Quand tu mets okay. Start, tu décides quelle sorte de gargouille que t'es, quelle sorte de balle que tu lances, puis aussi tu peux acheter, il y a des shops où est-ce que tu peux acheter de la magie, que tu peux acheter des potions, fait que tu peux tout équiper ça dans ton menu là. Fait que c'est quand même assez RPG. C'est pareil, RPG là. Dans le sens que tu refais les mêmes c'est niveaux. Ça. Parce que tu sais qu'il y a une place que tu n'es pas capable de passer. D'un okay. coup, t'as battu un boss, puis là, tu as acquéri le pouvoir de la gargouille de roche. Là, tu te ouais, dis, ouais. Ah, dans le niveau 2, il y a une place qui était bloquée à cause d'une roche. Fait que tu y retournes, tu sais. Okay. Fait que c'est ça qui est super le fun. Puis tu te promènes de même, tu réexplores les tableaux, puis ils t'amènent ailleurs, tu sais. C'est comme deux tableaux en un, là. Okay. Fait que ça, c'est vraiment hot. La musique est très, très cool. On va l'entendre tantôt. On va mettre une track. C'est très église, là. Tu sais, du clavier, clavecin ouais, ouais. d'église, là. Vraiment, vraiment top. C'est vraiment démoniaque aussi. C'est hyper démoniaque, tu sais. Le premier tableau, ça se passe dans un cimetière. Puis là, il y a comme des fantômes, tu sais, des draps. Tu sais, des fantômes ouais. en draps, là, qui avancent vers toi. Fantôme old school. Exact. Mais c'est toute une ambiance morte, là, avec ouais. un background foncé. Puis mais tu sais, ça vient quand même de Ghosts and Goblins, ce personnage-là. Oui, dans Ghosts and Goblins, les petits... C'est un boss, les petits maudits de monde marde rouge, ouais. là, qui est dans les niveaux, là. Mais c'est lui, ça. Ouais, ça vient de là. On a une information dans la chat room, mais fait intéressant. Firebrand était un boss dans le jeu de combat SNK versus Capcom. Oh! Ah ouais? Ouais, quelqu'un qui nous a dit ça dans la chat room. C'est-tu ouais. Renault qui nous a dit ça? Non, c'est Xirvet. Ah, Xirvet. Lui, oui, c'est. Il nous écrit, genre, il nous écrit tout le temps le lendemain qu'on publie un épisode. Là, il nous suit, il est très tight. Nice. Salut, Xirvet. Salut, man. Fait que effectivement, ben oui, sûrement qu'on peut voir Firebrand dans des jeux comme ça. Puis c'est ça, man. Tu refais les niveaux, les boss sont intéressants. Ouais. Là, moi, j'ai comme un petit peu abdiqué. Je suis rendu dans un niveau de glace, puis il y a une espèce de loup, là. Oh, man. Qui oh, tue, des loups de glace. Des loups de glace, là. Hé, hey, batarnache. C'est dur. Ben, il y a aussi des... quand tu te promènes au-dessus de la map, t'as des affaires cachées. Des fois, tu te dis... Il me semble que c'est un bout de forêt là, il a de l'air tout seul sur le bout de l'île. Je vais dropper là, voir s'il y a quelque chose. Puis tu droppes, puis là, whoop, il y a comme un gars qui il fait un concours de headbutt. Parce que Firebrand, il y a une attaque secondaire. Chaque personnage a deux attaques. Puis l'attaque secondaire de Firebrand, c'est un coup de tête, un headbutt. Il se retourne, il fait face au fond de l'écran, puis là, il donne un coup de tête. Fait que là, la game, c'est que tu payes 20$, puis tu essaies de péter des affaires à grands coups de tête, puis tu peux faire 100$. T'sais. Ça, j'ai trouvé ça un peu dur, puis personnellement, je m'en foutais pas mal. Là. Ouais. Fait que moi, vraiment, j'achetais de la potion, j'achetais de la magie, puis je m'en allais. Mais même à ça, les potions, c'est... en tout cas, j'ai pas trouvé vraiment d'utilité. Fait que bien sûr, la bonne vieille potion de vie. Ouais. Ça, c'est tout le temps. T'as rien que besoin de ça pour passer à travers un jeu rétro. Ah, cette potion-là, elle stun les ennemis pendant 5 secondes. Ouais, je m'en sac, là. T'sais, donne-moi plus de vie, c'est clair que je suis capable de tout faire avec plus de vie. Fait que c'est ça. Mais tu sais, ils les ont mis, puis c'est bien correct. Puis il y a un système de password aussi à la Castlevania. Combien de caractères? 16, je pense. 4 x 4. Puis c'est des lettres qu'il y a là-dedans, par exemple. Là, ABC. OK. Fait que c'est correct. Moi, ce que je fais, en tout cas, si vous avez un téléphone qui prend des photos, si vous avez un téléphone intelligent, prenez des photos de vos passwords. Ouais. Ça va pas mal plus vite que de noter ça sur un papier. Là. Fait que moi, quand je joue, ben je retourne dans mes photos dans mon téléphone puis je vais voir la photo. Fait que c'est plus simple comme ça. Parce que c'est pratique, ça. C'est super pratique. Dans le temps, les feuilles. Là. Non, j'ai perdu ma feuille! Ben oui, là, mon frère s'en est servi. Puis tu notes mal un chiffre parce qu'à l'écran, ça sort d'une façon. Ouais. Tu pensais que c'était un U minuscule, mais finalement, c'était un V parce que tu joues à Faxanadu. Puis ils ont des lettres. C'est dans Faxanadu qu'il y a des logos, genre, ou des signes. Oui, c'est dans quoi, ça? Je pense que c'est il y a des petites coches là, puis des lettres avec des lettres minuscules chier. Avec des empattements. Ouais. Là, tu comprends rien. Comme si tu fais du grec, t'es comme calé, j'ai un cubitaire. Ah, j'ai renversé ce coulet, tu mets la feuille de password. Ah, un vrai cauchemar. c'est ça. Mais non, c'est un jeu, écoutez, c'est vraiment, vraiment bon. Là. Des heures de plaisir. Là, je suis bloqué, puis là, j'ai lâché. Ah. Ben, je vais y revenir, par exemple. Mais c'est ça, la gargouille, tu colles sur les murs aussi. Tu sais, la mécanique est bonne. Ouais. Ça se contrôle bien, là, tu sais. Puis c'est le fun d'utiliser les attaques spéciales des autres aussi, puis d'avoir tout ça à portée de main en tout temps. Donc, c'est un jeu que je recommande fortement à tout le monde. C'est sûr que c'est pas donné, là. Si vous êtes des gens d'émulation, jouez à ça. Puis si vous voulez un super bel item de collection, le fun, parce que moi, collectionner des affaires plates, comme des Action 52, whatever, que ça vaut 300$ puis c'est rien que la merde, ça m'intéresse pas pendant tout. Donc, j'aime pas mal mieux, genre, m'acheter un jeu à 80-100$ qui est vraiment le fun. Ou Strawberry Shortcake. Ouais, c'est ça, hein. J'ai même pas regardé la valeur là, encore. Fait que j'ai fini de parler de ça. Combien j'ai payé ça? Fait que commence sur ton prochain jeu. Puis juste avant d'enchaîner, juste dire à ceux qui nous écoutent en direct, qui font des commentaires sur YouTube, venez sur retronouveau.ca, c'est là qu'on parle en direct. Oui, c'est vrai. Il y a souvent un flot de commentaires qui se passe, fait que les gens ont peut-être pas compris. On a une page en direct avec un chat room en dessous du vidéo. Exact. Donc, retronouveau.ca/en-direct. Ouais, vous allez voir la petite lumière rouge clignote. Dès que ça clignote, on est en direct. Quand la lumière rouge clignote, on est là. Venez on commenter. On ne dira jamais à cette place-là. Exactement. Ouais. Fait que, vas-y, mon bru-bru. Génial. Hey, ben moi, je vais vous parler du jeu que probablement vous avez entendu parler de pas mal dernièrement. Ouais, c'est clair. Mario Kart 8 est enfin sorti. Attends un peu. Ah, t'es-tu Strawberry Shortcake Musical Matchups. Ouais. Cassette seulement, 3$. Avec le manuel, 4$. Complet, 10$. Oh! Quel cauchemar! Tu l'avais dit complet, toi? Non, j'ai juste la cassette. Ah, Colin, si on l'avait eu complet, on aurait peut-être pu voir les instructions. On comprenait rien, man. Hey, pour 1$, on peut avoir les instructions. Vas-y, un autre wacky chapeau. Ah! boy. Ouais, fait que c'est ça, Mario Kart 8. Ouais, hate. Hate. Mario Kart 8. Surtout d'ailleurs, si vous pouvez chercher ça sur Internet, il y a une vidéo, il y a des replays dans Mario Kart 8, puis à un moment donné, tu vois Luigi détruire un autre véhicule, puis il passe à côté, puis il fait un regard de haine. C'est l'année de Luigi qui se poursuit. Luigi fait ça dans le jeu. Oui, ben c'est parce que en fait, tu dans le jeu, tu peux regarder des replays par la suite. Puis tu vois justement les faits saillants de ta course, t'sais, puis c'est pas mal le fun. Puis dans celui-là, ils ont mis la toune Riding Dirty. Puis tu vois Luigi qui arrive, il lance une tortue sur un autre, puis il passe à côté. Puis juste au moment où il passe à côté, il le regarde avec des gros yeux, genre, écœurant, m'a tué. C'est donc ben hot. C'est vraiment, j'avais jamais vu ça. Même, tu sais, j'ai regardé des replays dans le jeu, puis il me semble qu'ils sont jamais evil de même. Mais là, tu sais, tu le vois, là, Luigi, il est vraiment evil. Ça, c'est juste Luigi ou ils font tout ça à être evil? Ben là, je vais vérifier ça de près quand je vais jouer, parce que j'ai vu la vidéo aujourd'hui, puis j'ai trouvé ça très drôle. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, bref, Mario Kart 8 est enfin sorti, puis je pense sincèrement, en quelques mots, que ça va vendre des Wii U comme ça, pas de bon sens. Sûr. Déjà, c'est la première grosse licence qu'on attendait, dans le fond. C'est pas mal le premier gros jeu qu'on attendait. Il y avait Pikmin 3 que les gens attendaient beaucoup parce que c'était un nouveau. Oui, mais Pikmin, ça va tout le temps être en dessous de Mario Kart. C'est ça. Mario Kart, c'est un ambassadeur pour Nintendo. Là. Ça fait vendre des consoles. Attends, il y a eu Chibi Robo. Ouais, il y a eu Chibi Robo. Ne l'oublions pas. C'est un excellent jeu. Mais attends, Chibi Robo, il était sur 3DS. Il était pas sur Wii U. Ouais. Ouais. Il y en a sur GameCube, par exemple, aussi avant. Là. Ah, c'était de là vraiment. Ah non, c'est là. Mais c'est ça, Mario Kart, en fait, j'ai regardé, il y a deux jours, les ventes étaient rendues à 1,2 million. OK. Ce qui est quand même gros, puis il se vendait là, en masse là, de consoles avec ça. Il y a beaucoup de consoles qui se sont vendues. C'est pas un hasard si les gens passent en magasin, essaient d'avoir le fameux bundle Wii U Mario Kart, puis il est sold out. Là. Exact. Puis ça, c'est génial, c'était jamais arrivé avant. Si tu veux une Wii U, là, t'en as une, c'est pas compliqué. Puis là, c'est quand même difficile avec Mario Kart. Ce qui prouve que le jeu fait bien sa job. Dans Mario Kart, ce qui est le fun, c'est que toutes les courses qu'il y a dans ce jeu-là, ils ont toutes retravaillé, en fait. Même les courses classiques, là-dedans, il y a le fait qu'il n'y a plus de gravité. Fait qu'à un certain point, tu roules, ton char, les roues se tournent de côté à l'horizontale, puis ça devient comme une espèce de pas de vaisseau, mais quasiment. Là. Ouais, ça flotte au-dessus. Là. C'est ça, ça flotte au-dessus de la track, puis t'es comme collé sur la track, puis là, finalement, tu vas virer à l'envers sur la track. Je pensais que je sentirais un peu plus ce feeling-là d'être à l'envers. Mais ça se fait niveau. Par défaut, ça? Ça se fait tout seul? Oui, ça se fait tout seul. À un moment donné, tu passes une espèce de barre bleue sur la piste, puis tes roues changent. Ah, d'accord. Puis là, ça veut dire que t'es dans un bout où t'as besoin de gravité. Ouais. Mais ce qui est le fun, c'est que le design des courses par rapport à ça, permet beaucoup de liberté. Tu sais, comme entre autres, à un moment donné, ben tu roules, tu es à l'horizontale, puis là, tu vois sur le côté que tu peux monter sur le mur, tu sais, sur le mur à droite, puis là, c'est comme, oups, tu montes sur le mur, puis là, tu es de côté, puis tu vois ton autre ennemi qui est au loin, puis tu pitches une tortue pendant que tu es sur le mur, puis lui, il peut pas te pogner. Fait qu'il y a plein de trucs bien intéressants à faire avec ça. Il y a aussi le fait que quand tu te promènes puis que tu es à l'envers, toi, tu vas te voir à l'endroit dans ton écran, mais tu vas voir toute la piste qui est autour, un peu partout, puis qui se promène de tous les côtés. Ça, c'est quelque chose qui n'aurait jamais été possible sur les autres consoles parce qu'il n'y avait pas assez de puissance, vraiment. Exact. Les pistes comme telles sont super bien designées. Il y a plein de trucs à découvrir, des passages secrets, tout ça. Maintenant, il y a des nouvelles améliorations, des power-ups. Entre autres, il y a le Crazy 8, je pense qu'il appelle, que tu as tous les items autour de toi. Il y avait le Lucky 8. Lucky 8, puis il y avait aussi le Lucky 7 dans Mario Kart 7. Ouais. Puis c'est ça, il y a ça. Mais sinon, dans les affaires les plus intéressantes, maintenant, tu as une espèce de klaxon qui te permet de détruire la blue shell, la coquille bleue qui détruit le premier joueur. Okay. Fait que tu te promènes avec ce klaxon-là. C'est comme une espèce de boîte, une espèce de petit speaker. Puis là, tu vois la coccinelle bleue arriver au-dessus de toi, tu pèses là-dessus, ça l'efface. T'as plus rien. C'est vraiment écœurant. C'est vraiment trippant. Ça a l'air niaiseux. C'est un minuscule détail. Là, mais juste pouvoir détruire la coquille bleue, là, ouais, ça change toute la game. Parce okay. que avant, t'étais sûr de perdre quasiment toutes les fois que ça arrivait. C'était, là, c'était... un race killer. Ça. Oh, tu voyais ça arriver, c'est comme, c'est fini. Là, je sac ta manette à terre puis je m'en vais. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, je m'essaye plus. C'est fini, tu sais. Mais c'est ça, c'est le fun parce qu'ils ont... Ils ont amélioré le jeu dans le sens que les courses sont vraiment meilleures. Maintenant, tu peux organiser ton véhicule avant de partir ta course. Fait que tu peux changer le corps du véhicule, les roues, puis le parachute. OK. Juste l'esthétique ou... C'est ça, c'est pas juste esthétique. OK. Il y avait ça dans Mario Kart sur la Wii, mais les stats changeaient pas tant que ça, tandis que là, tu vois vraiment, t'as vraiment un diagramme de tes stats, okay, puis tu peux voir que, avec telle affaire, je vais pouvoir avoir plus de vitesse. Ah, lui, je vais pouvoir avoir peut-être une meilleure accélération. Fait que là, tu peux vraiment jouer avec ça, puis aussi avec les personnages, parce que les personnages aussi, ça va changer d'un à l'autre. Ouais. Fait que tout ça va changer en fonction de ce que tu vas choisir, puis tu vas peut-être perdre ou gagner à cause de ça. T'sais, des fois, il y en a qui sont meilleurs avec des gros joueurs que des petits joueurs. Il y en a qui vont tout le temps prendre Baby Mario, puis il y en a qui vont tout le temps prendre Donkey Kong. Ça, c'était tout le temps ça dans le temps. Ouais. Mais c'est le fun. C'est vraiment réussi de ce côté-là. Je trouve ça le fun comme dimension qu'ils ont ajouté. Aussi, quand t'es en espèce de overboard ou je sais pas trop quoi, tu peux bumper les autres. Puis quand tu bumpes les autres, ça te donne un spin, puis ça te donne de la puissance de plus. Okay. Fait que tu peux avancer plus vite. Le drifting là-dedans, c'est super important. Si tu maîtrises pas le drifting, tu réussiras pas. Là. Okay. Ça, c'est vraiment super important dans ce jeu-là. Aussi, dans ce jeu-là, il y a un mode en ligne. Le mode en ligne est vraiment très réussi. Puis ça, c'est comme, c'est nouveau pour Nintendo parce que c'est pas les chefs là, en ligne jusqu'à la date. Mais là-dedans, c'est vraiment top-notch comme expérience. J'ai eu aucune perte de signal. Ça fonctionne super bien. La seule fois que j'ai été un peu déçu dans le mode en ligne, c'est qu'on peut pas parler à nos adversaires quand on est en ligne. Ouais, moi, ça ferait mon affaire, ça. Mais non, mais attends, OK. Pas de gossage. Ça, c'est dans le... Tu sais, moi, je dis pas de parler à nos adversaires pendant qu'on fait la course. Ouais. Mais quand on a fini la course, si je joue avec des chums, j'aimerais ça pouvoir leur dire « Hey, c'était cool, telle affaire, blablabla. » Là, c'est juste, t'es là, tu vois tes mis à l'écran, puis ils te donnent des mots prédéfinis que tu peux peser dessus puis faire comme « Bon jeu, c'était génial. Ouf, j'ai passé. » Tu sais, des affaires comme plates, vraiment génériques, très familial, tu sais, c'est sûr que Nintendo veut contrôler quand même pour garder une expérience familiale, mais ça reste que moi, si je joue avec des chums, j'aimerais ça pouvoir jaser après la game, tu sais. Pareil comme, tu sais, toi puis moi, on a fait une vraie game de go-kart ensemble, en vrai. On a fait du go-kart. C'est ça. C'était, c'était facile d'en parler après, mais je sais pas si moi, après jouer, j'ai envie d'aller sur le clavier avec mon analogue stick. Puis de... Exactement. Pas aller sur ton clavier. C'est juste que Nintendo, quand ils vendaient la Wii U, quand ils ont vendu le concept au E3, une des affaires qu'ils vendaient le plus, c'était « Hey, c'est cool ». T'as pas besoin de casque avec un micro tout ça. Il y a un micro sur ton gamepad. Ouais. Fait que quand tu vas chatter, tu vas avoir des speakers sur ton gamepad puis un micro sur ton gamepad. Fait que tu parles dedans. Tu parles dedans. Fait que tu parles avec ta manette des mains. Ton chum t'entend. Toi, tu peux le... Tu sais, fait que juste ça, là, c'est un petit détail, mais qui aurait fait une grosse différence quand même. Mais pourquoi ils font pas ça, voyons? Parce qu'ils veulent contrôler ce qui se dit en ligne. Okay. C'est sûr que c'est la seule et unique raison. Mais sinon, le mode en ligne est excellent. Sinon, pour terminer, parce que Mario Kart, c'est génial. C'est génial partout. Tout le monde s'entend aussi en ligne pour dire sur Internet. En ligne, c'est tight, là. Ça n'a pas de sens. Tout le monde aime ça. C'est super bon. Puis les courses, c'est les meilleures pistes que j'ai eues. Moi, c'est la meilleure expérience de Mario Kart que j'ai eue. C'est sûr que j'ai... Moi, il y a une place spéciale dans mon cœur pour Mario Kart Double Dash à cause de la formule qu'il y avait dans Double Dash. C'était comme nouveau, puis c'était un autre style de gameplay. Je sais que GF, toi aussi, tu l'aimes beaucoup, celui-là. Fait que, tu sais, c'est ce genre de nouveauté-là que je voulais, parce que dans les autres, tu sentais pas vraiment une grande nouveauté. Ouais. Ils ont mis des motos dans celui-là sur Wii. C'était le fun. Il y avait des belles pistes, tout ça. Mais là, sur Wii U, c'est, on est à un autre niveau avec les véhicules, on est à un autre niveau avec les pistes. Ouais. Puis les pistes aussi, c'est ça que je voulais dire. Regardez tous les détails qu'il y a dans la piste. C'est mongol le nombre le nombre de références qu'il y a à tous les jeux de Mario. Là, ouais. C'est incroyable. Là. Même la fameuse course sur Galaxy, moi, elle me faisait triper. Ouais. Parce que je capote Galaxy puis je veux mon petit candy tout le temps. Il n'y arrive pas. mais c'est ça. Bref, pour terminer là-dessus, moi, je joue tout le temps au mode Battle depuis le Super Nintendo. Le mode Battle, c'est vraiment une des meilleures affaires de Mario Kart. Là, je vois tes ouais, yeux de chevreuil, mais toi, tu joues pas à Mario Kart. Je suis pas un gars de jeu de karting, en fait. Pas du tout, là. C'est ça, mais dans Mario Kart, il y a tout le temps eu un mode qui s'appelle le mode Battle où t'as trois ballons au-dessus de ton cœur. Ouais, ça, je sais c'est quoi, par exemple. J'ai joué pas mal au Super NES à ça, là. Et voilà. C'est le fun en maudit. Ouais. Tu sais, au Super NES, là, moi, je me souviens qu'avec des chums, on passait beaucoup plus de temps à jouer à Battle exact. Qu'à faire des courses. Exact. Parce que faire des courses, à un moment donné, on avait fait le tour, puis bon, c'était ça. That's it. Mm-hmm. Mode Battle, c'était tout le temps cool. Puis pourtant, il y avait moins de tableaux que les courses. Là. Les courses, t'en avais 8. Puis ça, ben, t'avais comme 4 niveaux. Puis ouais. that's it, tu sais. Puis même sur Nintendo 64, le mode Battle, c'était écœurant. Espèce de gros bang avec la lave. Puis j'ai des super bons souvenirs reliés à ça. Pour cela de la Wii U, je me suis dit que ça va être le meilleur mode Battle ever avec toute la puissance graphique qu'il y a dans cette machine-là. Le mode Battle, ils l'ont complètement changé. Ah ouais? Maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est que tu pars dans le mode Battle, puis c'est une partie d'une des pistes. À toutes les fois. Il y a, je pense, 3 ou 4 pistes. Puis c'est une partie de cette piste-là. Puis tu vas rouler, pareil comme dans une course. Puis les autres joueurs vont partir à un autre moment. Puis t'es pas face à face ni rien. Tout le monde roule dans le même sens. C'est comme une course. C'est pareil comme une course. C'est pas une arène. Sauf que contrairement à une course, tu peux virer de bord puis aller dans le sens contraire. Puis on te dira pas que tu vas dans le sens contraire. OK. Puis le but, ben, c'est de détruire l'autre personnage plutôt que de gagner. Fait que. Mais je comprends pas, c'est comme une ça. Partie de la piste de course au lieu d'être en forme d'arène. C'est exact, quoi? C'est plus une arène, c'est une partie de la course, tu sais. Puis ça, c'est un major turn-off, là. C'est épouvantable. Ah ouais, OK. Moi, pour moi, c'est vraiment épouvantable, là. C'est une grosse connerie là, qui a été faite, là. Parce que, en plus, c'est pas comme un mode qui fonctionnait pas, que les gens aimaient pas, puis qu'il n'a jamais marché. C'était une recette gagnante. Il a tout le temps été là. Ouais. Dans tous les Mario Kart, il y a un mode Battle fiable. Tu sais exactement à quoi t'attendre. Puis même quand c'est exactement la même affaire que l'autre jeu, tu fais comme, c'est malade. J'ai du fun au bout, tu sais. Ben oui. Fait que c'est ça qui est plate, c'est que c'était vraiment le fun, c'était pas brisé, ça a jamais été brisé. Puis là, tout d'un coup, ils ont décidé de changer ça, puis pas de changer ça pour essayer de faire quelque chose de mieux. On dirait vraiment que c'est une affaire qu'ils ont faite. Ils ont fait tout le jeu, ouais. Ils l'ont optimisé au bout pour que ça soit le meilleur vendeur de Nintendo. Ils ont botché ça à la fin. C'est ça. Puis là, ils ont fait comme « Fuck le mode Battle! » Puis là, il n'y avait pas le temps de faire des arènes. Ils ont fait comme « Ah, fuck it, là, donne-lui une partie là, du Mushroom Cup, puis ils s'amuseront là-dedans. » De toute façon, le monde chiale tout le temps sur Internet. Ils chialeront encore. Ils chialeront sur Internet. That's it, tu sais. Puis je trouve ça vraiment dommage parce que moi, c'est un gros point faible du jeu. Je trouve que ça aurait été le fun de l'avoir. Nintendo a pas éclipser l'idée d'avoir du DLC pour ce jeu-là. Ouais. Fait que, tu sais, ça va-tu être des nouvelles courses, ça va-tu être des nouveaux personnages, ça va-tu être un bon mode battle? Moi, j'espère que ça va être un bon mode battle parce qu'avoir plus de courses, pour l'instant, je m'en sac. Ça me dérange pas pantoute de pas en avoir. T'sais. Ouais, il y en a assez. C'est ça. Mm. Mais c'est ça. Bref, ce jeu-là, achetez ça tout de suite. C'est un jeu pour s'acheter une Wii U aussi. Ouais. C'est vraiment... tu peux pas jouer à ça sur une autre console. T'auras pas ce feeling-là non plus sur une autre console. C'est vraiment Nintendo. C'est le fun. C'est familial. C'est super cool. C'est vraiment un super bon jeu, sauf qu'il y a un abus de trompette épouvantable dans la musique. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que ce soir, j'ai pas mis une toune de Mario Kart parce trop que je trouve trompette. Que la musique, moi, là. C'est vraiment gosse. Oui, exact. Fait que c'est ça. Mais sinon, malade, man. Il y a quelqu'un dans le chat, Bruno, qui dit que t'es dans l'erreur pour le micro. Apparemment qu'avec le lobby ami en appuyant sur moins, tu peux utiliser le micro. Pour Pour vrai? Ouais, c'est ce que la personne, c'est Xirvet qui nous dit ça. Ben, Colin, Xirvet, ça fait deux fois que tu sauves notre show à soir. Une chance que Xirvet est là. Fait qu'apparemment qu'on peut utiliser le micro. C'est génial, man. Je vais essayer ça, moi. Yes, merci. Tu feras un petit update sur Twitter, Facebook là-dessus. Fantastique. Ouais, c'est ça. Parce qu'on va avoir des commentaires négatifs, là. Oh, dans, ça va une ouais, exact. Mal, là. Ouais, c'est ça. On... Ben, gars, on le dit, là, live, ouais, on le dit, que ouais, je me suis trompé. Laissez pas de commentaires en dessous. Xirvet nous a ramené à l'ordre. Ouais, exact. Et hey, puis en passant, là, une autre affaire. Quand je fais Monsieur Net, je fais de la recherche en mongol pour faire mes critiques. Mais quand je fais Rétro Nouveau, c'est différent. Tu botches tout ça. Je botche pas tout ça, mais je le fais plus relax. Ouais, tout c'est ça. J'ai pas d'horaire. Fait que désolé s'il y a eu un oubli, mais pis, merci beaucoup. Xirvet, il dit aussi qu'il y a au Japon, il y a un DLC de Mercedes-Benz. Oui, ouais, ça, oui, c'est vrai. Hein, ça, il y a eu une pub de Mercedes-Benz. C'est vraiment bizarre, fucké. Ça, affaire, ben, beaucoup de pubs pour Nintendo là-bas. Là. Mais ouais. Tu sais, ça aussi, c'est une autre affaire. On n'est pas habitué de voir ça, mais ouais. Moi, je m'en sacre. Je m'en sacre d'avoir une Mercedes. Non, mais moi, c'est pas juste ça. Je me dis, ah, Nintendo s'aventure là-dedans. Puis là, c'est. Ouais. Je me sens pas comme. Oh, Nintendo est comme violé par la méchante publicité, là, tu sais. Eh oui. C'est comme une faille, là, dans le ghetto magique bonbon de Nintendo. Genre, eh ah, oui. Ben, tant mieux. Embrassez ça, la pub. Puis, tu sais, eh comme. Oui. Ouvrez ça, là, Nintendo, là. C'était ghetto. Mais même aussi, rose c'est. Bonbon, là. C'est drôle, c'est dans le podcast Nintendo Voice Chat de IGN qui ont dit. C'est quand même assez curieux comme affaire parce que. Mercedes et Nintendo, c'est deux compagnies qui veulent pas qu'on touche à leur marque vraiment. Ouais. Là, Mercedes permet que tu utilises mon char, man, tu pitches des affaires dessus, tu le détruis, tu fais plein d'affaires avec la Mercedes. Il va être dans des situations embarrassantes qu'on peut pas contrôler. Puis, dans un club de changer. Ouais, c'est ça. Parqué en avant d'un club de changer. Puis du côté de Nintendo, ils font une pub avec Mercedes où Mario, c'est comme une espèce de gros bonhomme moustachu super musclé avec une espèce de petit Goomba vraiment creepy puis slimy, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Fait que des deux parties, ils ont comme fait « Fuck it, il n'y a plus de règles pour un instant, puis ouais. On s'associe. » Ben, c'est le fun. Fait que non, c'est le fun. C'est le fun, c'est vraiment... Mais c'est vraiment bizarre. C'est, ouais. Toute cette affaire-là est bizarre, là. Tu sais, il n'y a pas de... Tu te dis pas, hey, c'est quoi la première affaire que tu prendrais dans Mario Kart 8, toi, depuis. Mercedes. Ouais, Mercedes. X3. Ouais. C'est compliqué les noms de Mercedes, je m'en souviens jamais. Et Honda S2000. Ouais, c'est ça. Simple. Honda S2000. Hey, je vais enchaîner avec un jeu de NES. Oui. Qui s'appelle Kabuki Quantum Fighter. Hey, ça fait longtemps que je regarde la pochette de celui-là, puis je veux que t'en parles. Ouais, hein. Ben, ouais. C'est une pochette assez badass, pareil. C'est un jeu badass, ça, dans un sens. C'est fait. Sors l'affiche, GF. Je l'ai devant moi. Hein. C'est fait par HAL Laboratory. Pour ceux qui. D'ailleurs. T'as souvent parlé de HAL. J'ai fait une chronique Papa Cassette dans une capsule détachée sur HAL. Ouais. Puis c'est une des moins écoutées. En fait, je pense que c'est elle qui est le moins écoutée. Parce qu'on ne sait pas c'est quoi, probablement. Parce que personne ne sait c'est quoi. C'est tellement mais drôle HAL, comme ça. H-A-L sur les covers de NES. Allez voir les archives, d'ailleurs. Il y a plein de stocks que vous n'avez probablement pas vus. Vous savez la quantité d'heures de travail qu'il y a dans les archives. Il y a peut-être des affaires que vous allez aimer. Ah, c'est ça. Il y a du stock là-dedans. Mais c'est ça, HAL, dans le fond, qui a tout le temps appartenu à Nintendo, qui ont fait Kirby, puis quoi d'autre? Les Kirby. Les Kirby, puis des tonnes d'affaires pour Nintendo. Mais avant, dans l'époque de la NES, ils faisaient des jeux comme Joust, puis ça, puis Air Fortress, puis tu sais, des jeux de Lolo. Ouais. C'est des genres de jeux de même. Fait que Kabuki Quantum Fighter, dans le fond, tu es... Écoute, la marde est pognée. Ouais. Il y a comme les systèmes informatiques mondiaux sont comme pris d'assaut là, par virus ou on sait pas quoi. Là, okay. Il y a quelque chose qui manipule le système. Puis là, ces affaires-là pourraient envoyer les missiles nucléaires partout, faire sauter à terre n'importe quand. T'as pas le contrôle. Ouais. Alors là, ils prennent un dude, un colonel d'armée. Scott O'Connor. Yes, un jeune, il y a 25 ans, hein, ouais, je pense. Exactement ça. Tu t'as fait bien vite ta recherche. J'ai bien joué, man. Tu vois, moi je fais mes... Moi, quand je joue, je fais mes affaires comme il faut. Puis, dans le fond, c'est un peu comme la matrice. Il couche sur un lit, puis là, il transporte son esprit. Il transforme son esprit en data, puis il l'envoie dans le système informatique là, mondial. Puis il faut qu'il aille combattre la menace à travers 5 ou 6 niveaux à peu près. Fait que dans 42 ans, on va pouvoir faire cette technologie-là parce que c'est en 2056 que ça se passe. Ouais, c'est ça. Ça sera pas long. Là. Ça en vient. Là. À 70 ans, on va voir ça. Puis, ça c'est... arrivait souvent quand même dans le temps que le futur c'était en 2008 ou une affaire de même. Ça, c'est, là, c'est beaucoup c'est de films futuristes de même. Mais moi, faire une affaire futuriste, je me paderais au max. Là, je mettrais 4800. Ben ouais. Megaman, ça a tout le temps été 20XX. Ouais, c'est ça. Ah, fait que c'est en 2000 quelque chose. ça s'en vient. Mais ouais, c'est ça. Puis dans le fond, ce qu'ils disent au début, c'est que OK, colonel, on vous branche, on n'a jamais testé cette technologie-là sur un humain. Fait qu'on sait pas en quoi vous allez vous transformer une fois dans la machine. Puis là, il se transforme en acteur kabuki. Il y a un acteur kabuki, c'est un genre de je pense qu'au Japon, le théâtre kabuki... C'est kabuki des... dancer, que c'est marqué dans le wiki. C'est ça, c'est des genres de théâtre de danse là, avec des longs cheveux rouges. Fait que dans ce jeu-là, tu attaques à grands coups de cheveux. Quand tu pèses le bouton d'attaque, ton bonhomme, il headbutt par en avant, puis tes longs cheveux, ils fouettent. C'est l'ancêtre de Shantae. Oui, totalement. Eh c'est exactement comme Shantae. C'est ça qui est... Avec tes cheveux. Malheureusement, quand tu te penches, par exemple, ton attaque au sol, c'est juste un petit coup de poing. Puis c'est à peine si ton poing, il dépasse ton visage. Ah, si là, bon. C'est... Ah, t'as pas de portée quand t'es penché. T'es mieux de headbanger. Ben, tu peux pas... Tu peux, des fois, il y a juste... Tu sais, les bobites qu'il faut que tu te penches pour les tuer parce qu'ils t'oublient. Il y en a, tu sais. Tu peux pas les headbanger. Il faut que tu te penches absolument. Ça, c'est chiant, man. Ah, ça, c'est pas juste, là, tu sais. Ça, c'est un détail. Bon, j'aimerais mieux me battre avec mes cheveux. Ben oui, tout le temps. Puis, ce qu'on remarque à ce jeu-là, c'est que c'est très, très, très semblable à Batman au NES. Ouais. Le premier Batman, là. Tu sais, les niveaux, le graphisme, là, ça se ressemble, mon gars, là. C'est comme un clone. Pourtant, quasiment. Batman, c'est Sunsoft qui fait ça, il me semble. Exact. Fait que ils se sont inspirés, ou je sais pas qui est sorti en premier. J'ai l'impression que Kabuki est sorti en deuxième. Mais la musique est bonne, puis tout. Puis c'est vraiment un peu les mêmes genres de mécaniques. On peut pas coller sur les murs comme Batman, mais on a des sub-weapons aussi qu'on ramasse à la fin de chaque niveau. Donc, tu peux donner des coups de cheveux, puis tout. Puis quand tu payes le select, tu peux choisir ton autre attaque. Okay. Puis tu gagnes une attaque nouvelle à chaque niveau que tu passes. Bien sûr, comme souvent ça le fait dans les jeux NES, les autres attaques, c'est un peu de la merde. Ça finit que tu fais tout le temps le jeu avec ton attaque de base. Là, sauf à un moment donné, t'allumes, tu te fais tout le temps péter à la même place. Tu te dis, bon, je vais essayer mon attaque spéciale qui lance une balle de feu. Ah, ben ouais, ça claire ça, ce monde-là, fait que je peux continuer. Donc, tu sais, je vais pas triper vraiment à utiliser cette attaque spéciale-là. Puis c'est ça. Puis aussi, la mécanique là-dedans de platforming qu'il y a, c'est comme des crochets que tu t'accroches avec tes mains dans les airs. Puis t'es comme... Comment dire? Comme des anneaux. Tu sais, comme des anneaux au plafond. Là, t'es suspendu, puis là, tu fais un front flip. Puis là, tu peux te jumper d'anneau en anneau comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? Oh, oui. Puis pendant que t'es accroché, t'as les pieds qui pendent vers le bas, puis là, t'as une attaque de coup de pied. T'sais. Fait que ça, c'est l'élément platforming du jeu. Okay. Tu peux pas grimper ces murs comme Ninja Gaiden 3. Puis tu peux pas rien faire d'autre que genre sauter puis t'accrocher sur ces affaires-là. Ouais. Fait que c'est correct. C'est une belle idée. Mais c'est, ça sert pas à grand chose. Ouais. T'as des niveaux, t'as des bouts de niveau à l'horizontale aussi qui montent vers le haut. Il faut que tu te dépêches à monter des fois. Puis t'as bien des bouts là, de platforming avec ça. Puis j'ai trouvé aussi les contrôles un peu boiteux au sens que quand tu sautes puis t'es dans les airs, si tu pèses par en bas, ton bonhomme il va dropper tout de suite sur la plateforme. Là tu dis ok, des fois je vais être dans les airs puis je vais être compromis puis il va falloir que je droppe tout de suite. Ouais. Mais non, ça arrive jamais. Ils l'ont juste comme mis comme une option, mais en jouant ça, ça le fait tout le temps. Tu l'accroches très souvent. Fait que souvent tu droppes sur un ennemi pour rien ou tu droppes dans le trou à cause qu'ils ont laissé ça. Fait que ça c'est une mauvaise idée là. C'est une bonne idée mais inutile qu'ils ont pas enlevé. Ça c'était un programmeur qui ont clairé avant la fin du jeu. C'est ça, mais c'est pas trop stiff, là, tu sais. Puis les boss, il y a un boss à la fin de chaque niveau. Les boss sont pas... tu sais, ils sont visuellement pas impressionnants, là. Okay. Même le boss de fin, là, il est pas malade, là, tu sais. Tu le fais, là, puis that's it. Mais c'est parce que déjà, l'idée de départ aussi, c'est un peu ridicule comme jeu. Ben, moi je trouve que c'était... Au contraire, je trouve que c'est comme... Tu sais, ils ont travaillé, là. Ils ont écrit un scénario. Puis t'as des séquences aussi entre chaque niveau. Où est-ce que, mettons, après le niveau 2, ils disent « Oh shit, on n'entend plus parler du colonel. Il est où le colonel? » Puis là, il y a un développement dans l'histoire. D'un coup, ils se rendent compte que ce qui contrôle les machines, c'est le satellite de telle affaire dans le ciel. Okay. Fait que là, c'est « Oh shit, OK, il a bloqué cette partie du réseau-là. Faut qu'on envoie le colonel dans l'autre partie du réseau. Lui, il répond, OK, envoyez-moi là. Là, tu sens, pour vrai, là, tu okay. sens comme, un, tu sens comme une urgence entre le colonel qui est dans le système puis le crew, tu sais, de l'armée okay. qui parle à distance, là. Tu sais, tu te sens coincé là-dedans. Ça, pour vrai, le scénario, il est, vrai, ben, il est cool, tight. Ce là. C'est super bien fait. C'est pas cheesy. Là. C'est même ben, très c'est parce beau. Que tu te dis qu'ils ont essayé de le transformer puis que finalement, il est en kabuki. C'est un peu... Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Un peu comique. Un moment donné, quand même, dans l'histoire, ils disent... Lui, le même colonel, dit « Ouais, je suis arrivé puis je suis en kabuki. Je sais pas pourquoi. » Puis là, dans l'histoire, ils disent « Ah, ben, c'est pas toi là que ton grand-père était un grand acteur kabuki. » Genre « Ah ouais, ben, c'est tout. » mais par exemple, quand j'ai fini le jeu, à la fin, il y a comme un personnage qui a vraiment l'air d'un un kabuki, mais très, très cartoony, là. Il est à genoux, puis là, il fait des signes comme ça, puis il dit « Suivez-moi! » Vous irez voir sur Instagram, là. Suivez par Gazette sur Instagram, je l'ai instagrammé. Ouais, je l'ai vu. Puis il dit « Suivez-moi dans ma prochaine aventure. » Comme si ça allait devenir plus cartoony, ce ouais. jeu-là, puis qu'il allait avoir une suite, puis tout ça. Puis je sais que quand on a game chassé à GameX, à Saint-Jérôme avec Carl, ils ont pogné un jeu de Genesis qui est un beat'em up qui est supposé être le genre de suite de jeu-là. OK. J'ai oublié le nom. Ah ouais. Carl est dans le chatroom, fait que peut-être qu'après la pause, il va pouvoir nous donner des informations là-dessus. Ah ouais, Carl, il est là. Je vais lui demander. Tu peux lui demander ça. Fait que il y a comme de quoi de louche à la fin de ce jeu-là qui laisse sous-entendre des choses. Il y a comme plus de profondeur, tu sais, qu'on croit. Fait que c'est ça, dans le fond. Musique est bonne, tout est bien. C'est un petit peu répétitif, mais on s'y fait. Puis les boss sont moyens. Mais c'est un jeu que tu finis. J'ai réussi à finir ce jeu-là avec la dernière vie de mon dernier continu. Okay. c'est correct. Ça m'a demandé un challenge, mais j'ai recommencé et j'ai réussi. Puis c'est pas un jeu qui coûte cher, ça, en passant. Okay. Hein. Fait que c'est genre entre 10 et 15 piastres, là, max. Okay. Max. Donc, si vous le voyez, moi, je vous dis, achetez-le parce que c'est un bon petit... C'est un très bon petit jeu pour le... À 15 piastres, il vous en donne beaucoup, là, tu sais. Okay. Puis c'est un bel ajout dans votre collection. Fait que voilà, ça fait longtemps que j'avais ce jeu-là, puis ça fait longtemps que je me disais ouais. « Hey, là, faut que je le batte, ce jeu-là, faut que je le batte. » Et là, je l'ai plugué, puis je l'ai battu, puis c'est réglé, puis j'en ai parlé, puis je suis bien content, puis j'ai aimé mon expérience. Bon. Alors, voilà. Colin. Fait que là, c'est à toi de lancer à la pause musicale. Ah oui, on s'en va en musique. Oui, on s'en va en musique. OK, fait qu'on s'en va en musique avec de la musique de Demon's Crest. La track s'appelle « Dance of the Snowy Baron ». Les chips, nos compliments, coupe grasse, hein? Ben épaisse, là. Ouais. Des chips ben baveuses. J'aime ça, les coupes épaisses. Ouais. Ah, j'ai mis de la graisse sur le sandboard, là. Ah, il y a Carl Robert qui répond à ta question, Dom. Le jeu que tu demandais pour Kabuki Quantum Fighters, c'est Mystical Fighters, la suite. Exact. Ben, yeah. J'aimerais ça que tu checkes, que tu sortes la page wiki de ce jeu-là. J'aimerais en savoir plus. C'est quoi le lien entre les deux? Parce que ça, c'est fait par deux compagnies différentes. Okay. Mystical Fighters est fait par DreamWorks. Ben, c'est ça? Dream... C'est pas long. Puis, j'ai pas l'impression que c'est les suites des aventures du colonel, là. C'est développé par Kid Corp et publié par Taito Corporation sur Sega. Genesis? Ouais. Sega Mega Drive. Ouais, ça, c'est le Genesis, ouais. Hein? C'est le nom du Genesis en Europe. Ils disent que tu contrôles un kabuki, mais c'est à peu près la seule affaire qu'ils disent qui est en relation. Ouais, là. Vraiment. Il n'y a vraiment pas d'informations sur ce jeu-là. Ouais, hein? Non. Hmm. C'est soit un hidden gem ou un jeu de marde. Non, c'est un bon jeu, par exemple. On tu seras avec tes cheveux, c'est à peu près la seule affaire. C'est un très bon, bon jeu, mais je veux dire, au niveau technique ou qui l'a fait ou quoi, ça semble pas être venir de la même place pantoute. C'est bon. En tout cas, si Carl il dit que c'est la suite puis que c'est bon, puis je l'ai vu. On va lui faire confiance, c'est lui. C'est un power chaser après tout. Oui. C'est entre les power chasers. Mais ça. Fait que. Très bonne idée. On est rendu à parler du E3. Ben oui, on est rendu à parler du E3. Ben, m'a te laissé commencer. Parce ben que oui. Je suis pas tout à fait au courant. Je savais même pas que c'était quand. Ben là, c'est ça. C'est plus le côté nouveau, le 3. Mais je vais commencer justement en disant mes prédictions et mes souhaits pour le 3. Ouais. Je vais vous dire ça. Moi, je vais tout te dire là, si ça va arriver ou pas. Tu me diras ça si ça va arriver. Tu avais dit que le deuxième stick de la 3DS allait pas arriver, puis ouais. Il est pas arrivé. Il est jamais arrivé. Tu vois, man, je suis clairvoyant. Ouais, ouais, c'est ça. C'est quoi ces idées-là de chez Papa Cassette où on vend des jeux là? Ça devrait être une boutique de clairvoyance. C'est clair, je lis l'avenir. Viens chez nous. Toi, oh, tu vas nulle part dans la vie. C'est ça. C'est ça. Un bel accueil. Ah oh ouais, c'est clair. Fait que c'est ça. Fait que mes prédictions pour le 3 qui s'en vient, ça va être la semaine prochaine si vous nous écoutez présentement en direct. Fait que c'est le 9 juin prochain, du 9 au 11, il me semble. C'est un lundi, ça? Oui, c'est un lundi. OK. C'est lundi que ça commence, lundi prochain. Puis c'est ça, bref, mes prédictions par rapport à ça, c'est pas mal les affaires qui, d'après moi, vont arriver. Ouais. Je me trompe peut-être, mais c'est basé. Je te corrigerai, comme on dit. Tu me corrigeras, tu sais. D'après moi, Microsoft va avoir un E3 très léger en matière de Kinect, parce que... Oui, je pense qu'ils en parleront pas pantoute, là, ben, parce écoute, que... Maintenant, il n'y a plus de Kinect avec la console? Ben, c'est qu'en fait, tu peux l'acheter avec la console quand même, mais c'est à partir, je pense, du 6 juin, la Kinect va être vendue aussi séparément ou avec la console. Fait que tu peux acheter la console sans Kinect maintenant. Fait qu'on nous dit, dans le fond, que ça ne sert à rien, finalement. Ben, ça montre aussi une grande demande du marché. Ouais, les fans l'ont demandé. Un foin, foin, foin. Je vais le remettre, là. Mais... Oui, les exactement. Fans ont demandé de ne pas avoir tu sais, ta belle est-ce machine qui capture le jeu. Il y a quelqu'un chez Microsoft qui a dit « Les boys, l'avenir, c'est là-dedans. Ah ouais, ça va être fou le monde, puis les affaires, puis tout. » Puis les gens disent « Non, on ne veut pas de ça. » C'est clair que ce gars-là a tellement perdu sa job. Hey, là, crime. Ça, c'est la coche. Lui, il est à côté. C'est ça. Mais c'est surtout que la Kinect, en fait, c'est que les jeux qui sont sortis avec la Kinect, c'est des jeux de party et tout ça, mais on s'en sac, t'as pas ça, de grande expérience cérébrale intéressante avec la Kinect. Fait que, bref, c'est ça. T'sais. Puis, ils ont eu une raclée quand même assez violente l'an passé au E3. Fait que ça va être l'occasion parfaite de reconquérir les fans. Puis là, ils ont besoin de le faire. Là, ils ont déjà eu une baisse de prix. Ouais. Pour la Xbox One, qui est une très bonne nouvelle, parce que dans le fond, la baisse de prix à cause que plus de Kinect. Ouais. Fait que là, elle est rendue le même prix que la PS3. Elle est le même prix que la PS4. 4, oui. Ouais. Fait que vu qu'elle est le même prix que la PS4, au moins, ils sont côte à côte, puis il n'y en a pas un qui semble meilleur que l'autre, exact, en fait. Exact. Fait que c'est ça. C'est le temps là, de rentrer avec les gros canons. Puis d'après moi, il y a du gameplay du nouveau Halo qui va être présenté. L'année passée, il avait montré un petit bout. C'était juste un trailer. C'était une cinématique. Mais là, d'après moi, cette année, on va avoir du gameplay. Fait que ça, c'est mes prédictions pour Microsoft. Ils vont rien dire, je veux dire, à part Halo, là, puis Non, ils vont dire bien des affaires. Moi, ce que je dis, dans le fond, mes prédictions, là, c'est pas tout ce qui va se passer au E3. C'est les affaires que, d'après moi, ils vont se passer. Fait que dans les prédictions, je dis 2-3 affaires, mais pas plus, parce que sinon, c'est sûr, je vais me fourrer. T'sais, ils vont parler d'Halo, il va avoir un nouveau Gears of War. C'est ça. Moi, les affaires que, d'après moi, vont arriver, je suis plus sûr, ça serait mais ça. Mais sinon, si on en parle un peu, on peut en parler un petit peu? Ben oui, on peut en parler un peu. Et penses-tu que ça va... Parce que, il me semble, la dernière fois, c'était très concentré médias, multimédia. Exactement. Puis, les channels. Ben, c'est ça, justement. Très orienté, plus... plateforme d'écoute de TV que ouais. genre gaming, là, tu sais. C'est ça que je trouvais plate un peu, moi. Ben moi aussi, je trouve ça plate. Je trouve ça... Puis je connais pas assez ça pour savoir si les gens utilisent vraiment ça. Genre, yeah, ESPN sur ma Xbox One, tu sais. Mais whatever. C'est parce que ce qui est bien aussi là-dedans pour un public comme toi, c'est que c'est le public comme toi que Microsoft veut rejoindre. T'sais, les gens qui sont pas gamers. Pas, mon gars, là. Non, mais c'est ça. Mais c'est les consoles next-gen, c'est un peu ça aussi. Ils essaient de rejoindre ces gens-là qui jouent pas encore, qui ont pas de console chez eux, puis qui veulent vraiment la meilleure expérience possible. Puis eux autres, ils ont décidé d'y aller du côté du divertissement plus que du jeu. D'après moi, c'est une erreur totale parce que, je veux dire, c'est le fun de l'offrir. Mais en même temps, tu peux pas baser toute ta conférence, toutes tes affaires là-dessus. T'sais, parce que c'est un jeu vidéo à la base. Ben oui. C'est ça, là. C'est pour ça numéro qu'on l'achète. Numéro un, jeu vidéo. Ouais. Numéro deux, pour eux, en tout cas, faire des affaires multimédia de même. Ouais. Fait que... Mais en tout cas, peut-être... Mais ils ont répété beaucoup que c'était une expérience. Que c'est une expérience la Xbox One. Puis que tu vis une expérience. Moi, je veux jouer à des jeux vidéo. Peut-être c'est moi qui est old school, là. Ben, je le suis sur certaines choses. Puis je suis très bouché sur bien des affaires. Puis moi, j'étais un gars qui veut pas se casser la tête. Ouais. Si j'ai déjà tout ça chez nous sous plusieurs formes, j'ai pas besoin d'une machine de plus qui me l'offre encore plus. Ben non. Tu comprends, tu sais? Ça, c'est comme Nintendo, genre, qui m'offre un nouveau réseau social à travers sa console pour parler avec du monde. Hey, moi, je suis Facebook, Twitter, man. Ça me tient occupé bien en masse. J'ai pas besoin d'un autre réseau social dans ma vie. Tu comprends? Il me semble que c'est les jeux en premier. Tout le temps. Oh, tout le temps, tout le temps, tout le temps, là. Ben c'est pour ça qu'on joue, c'est pour ça qu'on fait un podcast présentement. Ben oui, ben oui. C'est pas à cause qu'on peut écouter la TV dans plusieurs fenêtres. Puis il me semble que ça serait pour ça qu'il y aurait des E3, là, t'sais. Mais en même temps, c'est vrai que les E3 l'année passée étaient très concentrés machine, console, hardware. Là, j'ai l'impression que cette année, ça va être pas mal plus software. Ça là, va être là, pas on mal va s'amuser, plus software là. Cette année, c'est sûr et certain. Mais justement, je pensais pas le faire demain, mais là, je vais le faire demain. Mais là, j'ai dit mes prédictions pour Microsoft. Là, je vais dire c'est quoi mes souhaits pour Microsoft. Oui. Faisons ça demain. Moi, je veux plus de jeux exclusifs parce qu'il n'y a pas eu grand chose d'exclusif au Microsoft, des titres qu'on n'avait jamais vus auparavant. Vraiment, ça a été. Il y a un nouveau jeu là, qui a de l'air malade. Là. Ben, Sunset Overdrive, ça a l'air débile. Ça a de l'air hot. Ça a l'air écœurant. Tu vois, moi, c'est des jeux de même qui me feraient acheter une Xbox. Ah, totalement. Ça serait pas le fait que tu peux checker tel poste de TV. Non, moi, quand j'ai vu Sunset Overdrive, j'étais malade. Non, moi, je veux ce jeu-là. Là. Fait que, tu sais, c'est. Ça, c'est un des jeux qui me donne le goût d'en avoir une chez nous. Mais tu sais, c'est sûr que je peux pas acheter une console à cause de un jeu. Non, c'est ça. Sauf Mario Kart et Wii U. Ouais, c'est ça. Mais les Wii U, c'est 200$ de moins. Mais la Wii U aussi, en même temps, il y avait d'autres jeux avant ça qui m'intéressaient qu'on retrouve pas sur les autres consoles. Fait que, bref, plus de jeux exclusifs. Il y a le jeu de Remedy aussi qui s'en vient, qui a l'air vraiment écœurant. Puis c'est dommage, parce que je me souviens pas du titre présentement. Mais c'est ça, c'est les créateurs de Max Payne et de tous ces jeux-là avec l'espèce de on peut geler le temps finalement et puis se promener à l'intérieur de tout ça. Fait que bref, j'espère qu'il va y avoir plus d'exclusifs comme ça qui vont faire comme je devrais peut-être aller voir du côté d'Xbox. Moins de shooter parce que Xbox, c'est vraiment, c'est bizarre parce que Sony puis Nintendo sont vraiment orientés très Japon. Sony a une orientation aussi un peu plus américaine, mais mélangée avec le Japon. Mais tu sens vraiment que l'essence du Japon est là quand même. Ben, c'est les compagnies japonaises. C'est ça. Mais Microsoft, c'est américain all the way. Là. Exact. C'est, on va jouer une game de football, puis après ça, on va tirer des talibans. c'est tellement ça. Là, t'sais. c'est, fait que, moi, j'espère qu'il va avoir peut-être un peu moins de ça, un peu moins de feeling que tu t'en vas jouer à une console, tu sais, chez ton meilleur ami douche ou chez un frat boy qui va te casser la gueule après que tu aies pris la manette, tu sais. Ouais. Fait que, c'est ça que ça dégage. C'est vraiment gamer, le public, dans le fond. C'est ça, c'est un peu vraiment gamer. Là. Mais je dirais pas que c'est le public. Je les ai vus à Place Versailles. Là. C'est vrai. Chez Big Games. Ah, chez Big Games, Ils magasinaient les Call of Duty Ghosts, là, en spécial. Les Call of Duty. Call of Duty. Duty. Ah, c'est vrai. Mais c'est ça, bref, moins de shooter, une approche peut-être un petit peu moins juste America, fuck yeah, tu sais. Ouais. Être un petit peu plus originaux, puis ils sont capables d'être originaux. T'sais, Microsoft Studios ont sorti des jeux écœurants, ils ont sorti des super bons platformers puis d'autres jeux originaux. Alan Wake, c'en était un qui n'a pas une approche super américaine, bang bang. plus de jeux comme ça. Se concentrer sur le jeu plutôt que le divertissement. C'est comme un on peu disait. Ce que tu disais tantôt. Exact. C'est vraiment ça. Là, t'sais, comme lâcher le divertissement, la TV, l'expérience, on s'en sac. Là, c'est vraiment, on veut des jeux là, en masse. Puis la machine a été présentée, le monde sait ce qu'elle fait. Là, exact. That's it. Puis, un autre de mes souhaits, qui est vraiment un souhait random, mais Christy, j'en veux un nouveau Banjo-Kazooie. Ouais, oui. Ça serait un nouveau Banjo, là. On a eu Kazooie, on a eu Tooie, puis là, ça serait Zooie. Ouais, c'est ça, exact. Mais un nouveau Banjo, c'est parce que ça c'était fait par Rare. Ouais. Puis là, Rare... Ben, c'est ça. Il était concentré sur la Kinect. Exact. Fait que là, la Kinect est morte. Ouais. Genre, fait que là, ils n'ont plus rien à faire. Ben, c'est ça. Fait que là, ils vont pouvoir travailler sur les licences de Rare. Ben oui. Pourquoi est-ce qu'ils ne déterrent pas ces licences-là? Ça leur appartient maintenant? Ben, ça leur appartient. Puis, ils ont déterré, en fait, ils ont pu sortir les jeux classiques à gauche pas à droite, mais ils n'ont pas... Tu veux dire? Ils n'ont pas refait de... Ben, mettons Banjo, tu peux jouer sur ta 360, puis des jeux comme ça. Le premier Banjo? Rare, ouais. OK. Perfect Dark, ils ont fait un autre Perfect Dark à un moment donné. Ah ouais? Oui. OK. Fait que, tu sais, c'est... Ben, ils ont refait le premier Perfect Dark, là. Ouais. OK. Fait que, tu sais, c'est... Ben, ça, c'est cool. Ben, mon Dieu, ça, hey, c'est cool, imagine. Sauf que c'est ça, ça serait le fun qu'ils reviennent en force. C'est comme si t'avais un bazooka, tu sais. Ouais. Fallait que t'ailles à la guerre, t'as un bazooka, mais tu le déballes pas. Tu t'en sers pour, genre, jouer au baseball avec, là, tu sais, comme batte de baseball. Hey, t'as un bazooka! Pour jouer au softball. Il y a un tank qui arrive. Il y a un tank qui arrive. Ah, non, on sort pas de bazooka, on s'en sert pour jouer au baseball, là. Fais d'autres choses, parle de multimédia, tu sais. Hey, man. Ouais. Le monde, il attend tout ça un peu que Rare sorte la cachette, puis qu'ils reviennent, bang, mon gars, avec leur hit, là, ça serait génial. Ça serait écœurant, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. C'est même pas eux qui ont fait Killer Instinct, en plus. Non, là. C'est pas eux autres. Tabarnak. Puis d'ailleurs, c'est vrai, je m'y suis pas vraiment intéressé dernièrement, mais je sais pas où sont Rare présentement. Ouais. Puis ils se font rares. Ils sont sûrement au bar Folum à côté. Ils sont en train de pleurer, là, puis boire leur vie. Hey, mais, m'avoir su. Par ailleurs, comment ça va les indies sur, chez Microsoft, là? C'est-tu ben, supporté? Présentement, ça va pas bien. Parce qu'ils se sont tous poussés chez Sony. Ouais. Puis le modèle d'affaires est plus intéressant chez Sony. Ouais, ils ont un plus grand spotlight. Leurs affaires sont tight. Ils ont une section à eux autres. Puis tout ça. Fait que tu vois, pour un consommateur comme moi, c'est important. Ben moi, j'aime les jeux indie. Ouais. Ben j'essaye, des amis. En tout cas, j'ai pas de PC. Fait que ça en bloque une très grande partie. Mais malgré tout, tu sais, ça m'intéresse beaucoup. Là, mais je te dirais qu'auparavant, je t'aurais dit achète-toi une 360 là. Parce que les jeux indépendants, c'était sur 360. Ils étaient là. Puis. C'était les meilleurs jeux étaient là, puis dès qu'ils sortaient, c'était sur 360. Ouais, ça a switché. Ça a vraiment changé là, avec Sony maintenant, fait que coudon, tu sais. Mais moi, en fait, j'espère qu'en 2015, les indépendants vont avoir leur place sur toutes les consoles, puis ils vont avoir un même modèle d'affaires brillant pour eux autres. Ils rushent assez de même. Ouais, c'est clair. Que t'as pas besoin de lui mettre d'autres bâtons dans les roues, puis qu'ils se demandent avec quelle compagnie s'en aller, puis qui donne plus, puis qui fait quoi, tu sais. C'est beaucoup aussi au niveau de la difficulté de développer sur d'autres plateformes. Tu sais, il y a des plateformes dures, là. La 3DS, d'après les gars de Tribute, là, c'est pas facile de sortir un jeu là-dessus. Fait que pas mal plus facile sur Vita, tu sais. Ouais. Fait que c'est pour ça que Mercenary va être sur Vita, tu sais, bien avant la 3DS. Mais moi, j'ai demandé à Jonathan Lavigne, fais-moi donc Ninja Senki, là, tu sais. Ben c'est à 3DS, mais ça me semble que ça serait facile, ça. C'est comme Mega Man, tu sais, c'est full pixel. Il dit, non, c'est compliqué, c'est la si 3DS. C'est pas facile que ça. Le kit de développement de 3DS, c'est pas simple. Ouais. Fait que. Puis là, aussi, Microsoft ont annoncé, je pense que c'était aujourd'hui qu'ils ont annoncé ça, qu'il y avait maintenant plus de puissance dans le kit de développement qui allait aider les développeurs à réussir mieux et plus facilement de faire des jeux pour la Xbox One. Fait quand même, il y a des belles nouvelles qui s'en viennent du côté de Microsoft. Je pense que peut-être en 2015, ça va être plus intéressant pour eux autres. Ils ont eu un mauvais départ, puis là, une raclée, ça aide tout le temps. Exact. Nintendo en ont eu une. Sony en a eu une salée, là, vraiment. Eux autres, ils ont mangé de la merde avec la PS3. Ça n'a aucun sens. Ils ont eu le problème avec le PlayStation Network. Il a fallu qu'ils fassent des excuses. Qu'ils donnent du cash à tout le monde. Il a fallu qu'ils regagnent des fans. Ils ont perdu énormément d'argent. Puis maintenant, tout le monde sont comme Sony. Ouais. Mais faut pas oublier que Sony a fait ces moves-là parce qu'ils ont mangé de la merde. Exact. S'ils étaient les kings depuis le début, on n'aurait pas la compagnie qu'on a là présentement. Moi, je pense que c'est bon pour n'importe quelle compagnie de se faire sacrer une volée. Et c'est bon dans la vie aussi, Bruno. Oui, oui, c'est bon dans la vie. Non, mais c'est vrai. Tu fais écrire ça à la porte de ta job, tu dis ouais, OK, il y a de quoi que je fais pas correct. Puis là, tu te retrousses les manches, tu te remontes les bretelles, puis tu vas à la guerre, man. Ouais, puis tu cherches c'est quoi qui fait que ça marche pas ton affaire. Puis t'sais. Tu t'améliores. C'est important. Exactement. Bon. Fait que tu as une belle... belle leçon de vie. Une belle leçon de ténacité. Tu t'en souviens-tu de ces livres-là qu'on avait quand on était kids, man? J'ai les tous chez Maurice nous Richard, encore. Une leçon de ténacité, là, c'est le livre que j'ai genre le plus regardé avec mon fils. On a regardé ce livre-là de Maurice Richard. Ah ouais. C'est fou, là. Puis c'est super bon. Ah oui, c'est super bon. C'est bien écrit, c'est bien dessiné. Ah non, c'est ça. Il y a beaucoup de textes là-dedans, par exemple. Ouais, ben, tu veux pas lire ça au complet, c'est lourd. Mais oui, ce livre-là de Maurice Richard, là, mon fils a adoré. Bon. Vraiment. Fait que très important pour lui. Puis le pire, c'est que je disais, tu sais, quand il voulait pas se forcer, je disais, Maurice, pense à Maurice. C'est vrai, ça, il prenait ça bien d'accord. Pense au Rocket. Il se faisait taper sa tête pendant qu'il jouait au hockey. Des coups de bois. Des coups de bâton, pas sur la tête! Aïe, aïe. Fait que voici mes prédictions pour Nintendo. Ah, je pensais que t'allais me dire tes prédictions pour la Ouya. Moi, je pense que la Ouya, le chien est mort. Il y a du monde qui pense que c'est l'année de la Ouya. C'est drôle, j'ai lu ça sur Twitter aujourd'hui qu'il y a certaines personnes qui pensent que la Ouya va faire un espèce d'effet surprise incroyable, coup de théâtre ou E3. Que personne va s'attendre, parce que c'est vrai, personne ne s'attend à rien de la Ouya présentement. Il y aura rien, personne ne l'achète, tout le monde s'en sac. Towerfall est rendu sur PS4, fait que tout le monde s'en sac. Ils veulent plus acheter de Ouya parce que le jeu y est rendu sur une autre console. Mm-hmm. Fait que je sais pas, je sais pas s'il va arriver quelque chose, mais moi je m'attends à rien de cette console-là. Rien en fait, là, en fait ça existe plus dans ma tête. Je trouve que c'est un beau concept. La machine est super belle, mais la manette vaut pas de la... Fait que, bref. L'émulation, tant vendu, c'est super compliqué. Ah, c'est pas évident. Non, c'est ça. Non, on va passer à autre chose. Fait que mes prédictions pour Nintendo. Ouais. Moi, je dis que Nintendo va annoncer quoi? Va annoncer Star Fox sur Wii U. Un nouveau Star Fox au lieu de Metroid ou un nouveau c'est Zelda? C'est parce que Star Fox, ça fait vraiment longtemps. Mais vraiment, vraiment longtemps. Puis il y a eu quand même plusieurs fois où les gens de Nintendo ont fait des clins d'œil à Star Fox à gauche et à droite puis tout ça. T'sais, c'est une licence, on voit que les gens chez Nintendo aiment la licence de Star Fox. Ils ont fait le Star Fox pour 3DS aussi. Qui est, un remake de 64. C'est ça, un remake de 64. Je l'ai trouvé bon, moi, quand même. Oui, moi, je l'ai trouvé très bon. Ouais. Puis souvent, ça peut quand même te donner un indice qu'il y a quelque chose qui se travaille. Ouais, quand on tente de quand ramener là, quelque par chose, exemple, ça fait un bon bout de temps, mais c'est une licence qui est encore vivante et que les fans en ont encore beaucoup. T'sais. Les femmes aussi. Fait que, moi, je pense que c'est Star Fox. Je pense pas que c'est Metroid qui s'en vient cette année. Je pense que Metroid, il est encore trop tôt pour annoncer de quoi. Ils vont peut-être dire qu'un nouveau Metroid s'en vient. Mais je pense qu'on va avoir cette année un trailer de Do a Barrel Roll ou une affaire de même. Ouais, ça serait hot ça. Je suis sûr qu'il va se passer de quoi. Exact. Aussi, je pense qu'ils vont démontrer leur stratégie sur les jeux mobiles puis les autres stratégies qui n'ont pas rapport avec la Wii U ni la 3DS parce qu'ils ont besoin d'avoir un plan. Tu penses qu'ils vont faire le grand saut là? Je suis persuadé qu'ils vont faire le grand saut parce qu'ils en ont parlé beaucoup en entrevue du fait qu'ils regardaient toutes les possibilités point de vue mobile de ce qu'ils pourraient faire parce que c'est une compagnie qu'il faut qu'ils se remontent présentement. Exact. Ils ont besoin de faire des choses puis de sortir de leur zone mais de confort. T'sais. Pour eux autres, faire ça dans leur tête, c'est comme si toi, t'avais un commerce puis tu rentrais des vidéos poker. Là, tu comprends? C'est sale pour eux autres de faire ça, mais c'est de l'argent garanti. Mais le pire là-dedans, là, c'est que on l'a dit souvent ça, mais ça serait les kings du jeu mobile. Ben, parce que probablement. Pour ce qui est de le gameplay des jeux de Nintendo, c'est tellement simple la plupart du temps puis ça fonctionne super bien. Ouais, c'est souvent genre un bouton puis ton bouton, si tu pèses par en haut, ben il devient d'autres choses. T'sais. Ils ont été capables pendant longtemps de se démerder avec un D-pad puis deux boutons. Exact. Puis non seulement ça, les jeux de touch là comme la DS là, c'est ça que c'est là. C'est exactement un jeu de mobile. Un iPhone là. Ben oui. Le jeu de feu d'artifice là que tu m'as refilé là. Ben oui, voyons Colin. Spar. Pas météore. Shit, c'est chiant ça que je mentionne pas. C'est un méchant bon jeu, ça. En tout cas, c'est un jeu de feu d'artifice. C'est un jeu de feu d'artifice. Pour 3DS. Mais. Non, mais pour DS. Moi, on cherche pour DS, là. Ah non, c'est pour DS, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Puis. Big Bang. Big Bang Mini. C'est ça. Big Bang Mini, c'est écœurant. Puis Big Bang Mini, que tu peux jouer. Je jouais à ça, puis je me disais, mon Dieu, c'est tellement un jeu pour iOS. Ben, ça, fait, Nintendo faisait des jeux iOS avant même qu'il y ait des jeux iOS. Ben oui. T'sais. March of the Mini, c'est un jeu iOS toutes ces aussi. Totalement. Ils ont plein de jeux qui se font très bien sur une console mobile. Fait que moi, je pense que. Je pense que les gens font vraiment un grand drame avec ça. Mais c'est pas un drame, Krim. Si vous voulez que vos Nintendo aient de l'argent pour bâtir d'autres studios, avoir plus de monde dans l'équipe, plus de jeux, plus de staff. Mais Microsoft, c'est ce que Sony, tout le monde font veut. Pas ça, eux autres. Ben, Microsoft et Sony font ça, ça quand même. Oui, oui. Microsoft, ils ont certaines licences, ils ont certains jeux qui vont se retrouver sur des plateformes mobiles. Ils ont fait un Halo sur les tablettes. Ah ouais? OK. Ils jouent pas nécessairement sur console. Ben, en fait, maintenant, ils jouent sur console, mais c'est de la merde sur console, vu que ça a été fait pour les tablettes. Ouais. Sony a décidé de faire plein de petits jeux. Ils ont tout le temps une version un peu compagnon de leurs applications sur mobile. Il y a des jeux vidéo dernièrement. Même Squaresoft a refait toutes les Final Fantasy ou whatever. Là, le dernier Dragon Quest qui est sorti est sorti sur mobile au complet pour 20$. T'sais. OK. Puis le jeu est super beau, vraiment intéressant. Même moi qui joue jamais à des RPG, j'ai le goût de l'acheter. Exact. Fait qu'il y a un avenir là-dedans. Puis au Japon, c'est super big de jouer sur mobile. Ben oui. Fait que non, ça s'en vient d'après moi au E3, on va avoir des nouvelles de ça. Puis d'après moi, il va y avoir très peu de temps qui va être consacré à la 3DS. Et il n'y aura presque rien sur la 3DS, puis la majorité, ça va être sur la Wii U. Sauf qu'on se souvient que dans les autres E3, souvent, la 3DS avait un autre mini-événement où ils montraient des jeux, mais on savait tout c'était quoi les jeux, puis c'était quoi qui se passait. Ouais, puis, c'est ça. T'sais, la 3DS, elle se vend, elle va super bien. Ben oui, elle n'a pas besoin d'aide présentement. Absolument t'sais. Pas. Mais Nintendo, il n'y aura pas de stage. C'est une conférence vidéo. Ils font comme ils ont fait... l'an passé, c'était ça qu'ils avaient fait, il me semble. Reggie n'était pas là? Oui, c'était l'an passé qu'ils avaient fait ça. Puis Reggie avait fait comme une mini-conférence en lieu fermé. Ça n'avait pas été filmé, il me semble. Okay. Mais c'est ça, de faire un Nintendo Direct... C'est pas une mauvaise chose, en fait, parce qu'ils sauvent énormément de cash puis ils contrôlent tout leur contenu. Ben ils sont sûrs t'es et certains... T'es pas obligé d'engager un imbécile là, de gars par rapport. Là, ouais, c'est ça. Vient, genre, Non, puis je veux dire, ils ont pas de spark. T'sais, ils sont pas... Nintendo, c'est pas une compagnie avec des annonceurs fous qui te font rire puis qui te font capoter. Non, c'est ça. Puis moi, j'ai trouvé ça le fun comment ils ont fait leur vidéo sur Mario Kart. Ils en ont fait un autre sur Tomodachi Life. Mm-hmm. Puis c'est des vidéos qui sont bien faites, qui sont contrôlées, qui sont produites, qui sont bien réalisées, tu sais. Ouais. Fait que tu sais, t'as comme une demi-heure jam-pack avec de l'habillage graphique puis plein de choses qui te donnent le goût d'acheter le jeu. Fait que c'est de ça qu'ils ont besoin. Ils font très bien jusqu'à la date. Moi, les Nintendo Direct, sérieux, j'ai rien contre ça. Je trouve que c'est génial. Moi, je suis content. Hey, il y a un Nintendo Direct. Ah ouais? Ouais. Ah, coudonc, je vais mettre ça dans le coin de mon écran pendant que je travaille. Ben c'est oui. le fun, ça. Tu peux même le regarder si t'as 3DS, t'as Wii U. Je trouve ça génial comme contenu. Je trouve que c'est du bon service aux fans. Ouais. Puis maintenant, mes souhaits pour Nintendo... Au moins, pas un, pas deux, pas trois, mais 4 jeux originaux sur Wii U. Fait que là, quand je dis jeux originaux sur Wii U, je parle de jeux qui viennent de Nintendo. Fait que... Des nouvelles franchises, quoi? Des nouvelles franchises ou des anciennes franchises de Nintendo qui reviennent, mais 4 jeux originaux qui viennent des studios de Nintendo. Genre un Kirby, un Kirby. Un Metroid. Ben, check, regarde. Metroid, Kirby. Star Fox. F-Zero, ça pourrait être le fun. Ouais. Star Fox. Ouais. J'aimerais beaucoup, beaucoup aussi... j'aimerais ça qu'il y ait... Qui donc? Mario Galaxy. Ah ouais, ben c'est sûr. Là, je voudrais bien regarder mes jeux NES puis sortir quelque chose, mais on a mis du décor devant. J'ai pas d'idée. Non, mais c'est ça, bref. Kid Icarus. Ah ouais, pourquoi pas? Ben, ça serait cool, mais c'était supposé être ça, oui, ça. Ça aurait été très bon, là, d'ailleurs. Ils l'ont mis 3DS, c'était tough un peu à tenir dans tes mains, mais tu sais, ça pourrait être pas pire, ça. Ça serait le fun. Ils pourraient faire la suite, là. Oui. De Uprising. C'est ça? Ouais. Kid Icarus Uprising. Kid Icarus Uprising. La suite, ça serait hot, là. Ouais, ça serait moi, j'ai adoré ce jeu-là, d'ailleurs. Ouais, moi, c'était juste les contrôles, mais je trouvais que c'était vraiment un bon jeu. Fait. Mais Zelda, là, je sais pas comment elle s'appelle, là, Kings of... Zelda, ils disent qu'il va y avoir des nouvelles à ce 3-là. Le nouveau Zelda, pas le Zelda qui est dans le fond Dynasty Warriors slash Zelda. Mais ils vont en parler de ça aussi. Ils vont en parler de ça, puis ça a l'air que Zelda Williams, la fille de Robin Williams, est là pour faire une annonce. Elle a dit sur Twitter qu'elle allait être là. Fait que, tu sais, si elle est là, c'est sûr qu'ils vont parler de Zelda. C'est sûr qu'il y a de quoi de Zelda quelque part. Exact. Puis il y en a en plus. Je suis allé voir de quoi aujourd'hui, puis l'an passé, ils ont dit, quand ils ont montré le tech démo de Zelda Wii U, ils ont dit, ah, il est encore trop tôt. Fait que l'été prochain, au prochain E3, on va avoir beaucoup plus de détails pour vous autres, le Zelda Wii U. Fait que ça veut dire que c'était dans les plans, c'est ça qu'ils vont faire, puis that's all, tu sais. Ouais. C'est ça, bref, des jeux. Un nouveau Wrecking Crew, là. Hey, ouais! Pourquoi pas? Non, mais en multi, là. Ouais. Tu sais, toute la gang, là, tu fesses à grands coups de marteau. Là, exact. Il faut que tu te dépêches. Ben, moi, il y aurait une twist à faire avec ça. Moi, je trouve qu'il y a une twist à faire avec ça, mais il y a une twist à faire avec les personnages qui ont comme été mis de côté de Nintendo, de toutes les jeux qui étaient la pochette noire, les action series ou je sais pas trop quoi. Ben, souvent, c'était Mario qui avait sous une autre forme, là. Mais tu sais, comme Ice Climber. Ouais. Tu sais, j'aimerais ça que les bonhommes. Climber, un nouveau Ice Climber, ça serait écœurant. Ça serait génial, tu sais. Un Ice Climber qui est vraiment big, là. Un gros quest, tu sais. Ouais, à deux, là. Ouais. Genre avec un maillet, puis genre un 3D platformer, Ice Climber. T'aimerais ça. C'est malade, tu montes ta montagne, mon gars. Ben oui, tu sais, t'as plusieurs montagnes. Ah, ça serait. T'essayes de pogner une aubergine. Pas en bas. Mais ouais, ça serait le fun quand même de ramener ces jeux-là. Parce que NES Remix, c'est bien le fun. Mais ça serait le fun d'amener ces personnages-là en 3D. Puis tu sais, avec le gamepad, là, puis tout ça, là, tu préfères un genre de Gyromite, là? Oui. Tu sais, il y en a un qui contrôle les piliers avec le pad, l'autre avec la Wiimote, il fait avancer le bonhomme, tu sais. Tu pourrais mixer ça, là, puis ramener ça, faire de quoi te popper, pas en tout, man. C'est vrai, man. Ça serait très cool. Ça serait vraiment cool. Y a plein de titres de Nintendo qui peuvent, peuvent prendre, là. Parce que tu sais, là, il y a comme un All-Star Fighter. Mais moi, j'aimerais ça un moment donné que Nintendo fasse un All-Star Platformer. Ouais, c'est ça. Ça serait écœurant, man. Tous ces personnages-là ensemble dans une histoire complètement ridicule, tu sais. Ouais. Ça serait génial. Bref, de la connectivité entre la 3DS et la Wii U. Ouais. Ça manque beaucoup, je trouve, parce que, tu sais, Sony, ils réussissent vraiment là, avec la Vita et la PS4. Tu sens vraiment que les deux ont besoin d'être ensemble, qu'il faut acheter les deux vraiment pour avoir l'expérience complète. Mm. Nintendo, il lui manque ça, puis ça pourrait être le fun qu'il y ait ça pourrait être le fun qu'il y ait de la connectivité, même qu'on puisse te dire, ben, garde la Wii U, tu peux pas jouer à un jeu de Wii U sur ta 3DS, mais admettons, tu pourrais jouer à une partie du jeu ou peut-être, je sais pas, moi, t'es dans Mario Kart, puis tu peux tout gérer tes tournois puis les affaires que tu veux faire dans Mario Kart 8, admettons. Ouais, c'est ça. Les faire à l'avance, genre un truc de manager. Ouais, ça serait cool, ça. Ou, tu sais, customiser tes personnages. Tu sais, des petites applications qui sont pas compliquées, que tu peux downloader en extra, tu sais. Exact. Ça serait le fun qu'il y ait une connectivité entre ces deux-là. Surtout que maintenant, Nintendo a décidé de centraliser toutes les affaires en te pluguant sur ton Nintendo ID, je me souviens pas. Ça, c'est correct, ça, parce que j'étais assez tanné de rentrer ma date de naissance dans ton fatiguant. Ça, c'était ridicule. Mais au moins, là aussi, tu sais, t'as plus d'affaires de. Ben, il y a des points pour la Wii, il y a des points pour la Wii U, puis il y a des points pour la 3DS. Non, non. Là, c'est tout est la même affaire, tout est ensemble. Ton portefeuille, c'est un portefeuille. Moi, pas 10, là, ça serait la première affaire que j'essaierais de régler si je faisais des jeux vidéo dans la vie, Là, tu dis, faut que ça soit user friendly, là. Exact. Fait que faut que ça soit une affaire pour tout le monde. Ouais. Éliminer toutes les étapes puis faites un avec ça. Ben oui. L'euro, man. Ben c'est ça que c'est. Ouais, exact. Faut que ça soit simple, là. Puis tant mieux s'ils l'ont fait, là. Puis aussi que ça soit simple, tu sais, je l'ai pas écrit sur ma feuille, mais tu sais, je disais connectivité entre la 3DS et la Wii U, mais ça serait bien aussi qu'il y ait une solution mobile, qu'il y ait un e-shop sur cellulaire. Comme ça, tu pourrais magasiner pendant que tu es dans le bus, acheter un jeu on the go, puis qu'il se download chez vous quand tu arrives chez vous, t'sais, ou qu'il se download chez vous pendant que ta console est pluggée chez vous. T'sais. Ouais. Fait que, c'est parce que le magasinage compulsif, c'est une technique qui est hyper croche, mais qui marche. Mais ça marche. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, c'est des fois, là, tu vas arriver, là, tu vas venir de voir une annonce de Nintendo, c'est comme, t'es à job, puis là, tu veux l'acheter, c'est comme, ah, bye, tu sais, puis là, c'est comme, tu cliques, that's it, tu y NES passes Remix. Même pas, là, comme si tu pitchais ton argent dans ton ouais. écran, mais ça marche, ces affaires-là, tu sais. Ouais. Fait que même moi, je me suis fait avoir de même dernièrement, j'ai acheté Watch Dogs de ma job sur le store de Sony, ouais. dans mon browser à job, j'étais comme, ah non, je le veux, je l'ai cliqué, puis that's it, c'était acheté, c'était fait. Exact. 60$ net passé, tu sais. Fait que sont partis de l'épicerie. Ouais, c'est ça, tu sais. Les kids mangeront pas. On achètera du ballon. Je peux hacker des affaires. Non, moi, je peux hacker des affaires. 6 mini poulets pas cher. Le pack jumbo. Là. Ouais, ouais. Pas mauvais, pareil. Ouais, c'est ça. Tu fais un bout avec ça. Ouais, mais ça, man. Hey, ça coûte à rien. Ça coûte à rien. Ça quand coûte j'étais étudiant, j'en achetais de temps en temps. Même des fois, je m'en faisais cuire dans poêle, man. Ouais, ça, c'est un vieux classique. Ouais. Ouais. Des sandwichs là, au simili poulet cuit dans le poêle ouais. avec la moutarde. Mmh. C'est un vrai régal. À part de ça, je voulais qu'il y ait une solution pour jouer plus loin de notre console avec le gamepad. Ouais, ça. Ça, le Near Field Communication. Ouais. C'est un peu proche. Ben, c'est de la merde. Nous autres, on s'imaginait là, qu'on pouvait. Parce que Retro Nouveau a un manoir. Oui. Puis on pensait pouvoir. Toi, tu pensais que la Wii U allait être à une partie du manoir. Oui. Puis genre quatre étages plus haut qu'on allait pouvoir jouer sur le ben, gamepad. Ça a été génial. Ça marche pas dans notre manoir. Non. Fait qu'il faut que tu sois dans la même pièce. À distance d'un crachat, comme mon oncle dit dans les pierres à feu. Juste à distance d'un crachat de chez vous. C'est tellement une unité de mesure. Ça, c'est bon pour la commission des Geekers. Hein, si vous écoutez en passant, une unité de mesure, là, en distance. À là, distance d'un crachat. Ça veut dire que t'es pas mal proche. Fait que, ouais, tu peux pas mais aller bien loin. Tu peux pas aller bien loin. Tu sais, techniquement, tu peux aller peut-être à 3 mètres. Puis, c'est une vraie grand chose, tu sais. On rêve tous quand même de jouer à notre game puis de se rendre dans notre chambre ou d'aller aux toilettes. Ah ouais, ouais. Mais tu sais, moi, de me rendre dans mon lit, je trouve ça quand même intéressant de pouvoir continuer ma game dans mon lit. Totalement. Puis là, avec ça, ce que je fais finalement, c'est que, ben, des fois, des semaines, je décide que, tu sais, j'ai une grosse semaine, je sais que je vais me coucher tôt et tout ça. Je déplug ma Wii U, je la plug dans ma chambre, pas d'écran. Puis je pogne mon gamepad, puis je joue dans ma chambre parce que je suis proche de la console, parce que j'amène la console. Ouais, ouais, puis ouais. C'est cool ça quand même pour la Wii U parce que je suis allé à. On retourne à Ottawa bientôt. J'étais allé à Ottawa parce que ma blonde avait fait un marathon. Ouais, ouais. Le fameux marathon de Ottawa. Puis on était dans une chambre d'hôtel où il n'y avait pas de TV, il n'y avait rien. J'avais amené la Wii U seulement avec le gamepad. Puis je pouvais jouer à Sonic Lost World, exact. Un jeu de qualité next-gen, dans ma chambre. T'sais. Juste la console avec le power supply. Oui, juste la console avec le power supply, puis ton gamepad, puis tes setés. c'est génial ça. J'avoue que ça, c'est pas pire, par tu exemple. Tu peux l'amener au camping. Là, c'est déjà plus portable qu'une Virtual Boy. Oui, pas mal. Vraiment. Fait que c'est ça, une solution pour ça, s'il vous plaît, peut-être un petit gadget, un bidule, n'importe quoi, là, qui permettrait d'avoir une extension de signal. Parce que ça existe pour le Wi-Fi, en fait. Tu peux avoir une extension de signal Wi-Fi pour ta maison, puis tu plugues ça dans le mur, puis ça communique avec ça, puis finalement, ça agrandit ton signal, tu sais. Ça, il faudrait qu'il le fasse. Et une dernière affaire que je souhaite, une baisse de prix pour la Wii U. Ouais, elle est à combien, là? Là, elle est à, si je me trompe pas, je pense qu'elle est 349. Ouais, ils peuvent mettre ça à 300. Ouais, on 50 pièces. Pourquoi c'est pas? Rien pour 300, tu sais, c'est parce que là, tu sais, tu veux dominer le marché. Moi, je vais l'acheter quand elle va tomber à 2,70. JF, il check. 353, ça, c'est le pack de luxe avec Mario Kart chez Future Shop. C'est ça. Sinon, 303. Ah, 300. 300, rendu à 300, là. Ouais. Avec rien. Là. Avec rien. Avec ben, le pad, là, mais rien de avec d'extra. Mario pis tout. Mais tu sais, ça pourrait être intéressant quand même qu'ils mettent juste la console, puis ils la mettent moins cher, juste pour, tu sais, juste gagner là, la compétition qui se pose encore des questions. Puis la Wii, entre autres, c'était un peu pour ça que les familles l'achetaient. La Wii, ça coûtait elle était moins cher que les autres. C'est puis ça. Elle avait du virtuel console dedans. Ouais, exact. Puis aussi, ouvrir tout grand les portes de la Virtual Console. Arrêtez de nous donner ça au compte-gouttes, là. Ah ben ça, on le dit à chaque émission, je pense. À toutes les fois. Mais c'est parce qu'en fait, tu sais, pourquoi Sony réussit si bien présentement, c'est que entre les jeux AAA, il y a des jeux indépendants qui sortent de façon très régulière. Ouais, c'est ça. Tu te rends jamais compte qu'il n'y a pas de jeu. Tu as tout le temps des jeux à jouer. Il y a tout le temps quelque chose. Exact. Tandis que Nintendo, c'est tout le temps plus rough, tu sais. Puis des fois, il y a des... Tu sais, la plupart du temps, quand tu as un jeu qui n'est pas de la Virtual Console, c'est soit un jeu de pêche ou un jeu de petits poissons qui pètent des ballons. Puis ouais, des affaires comme... plate, qui s'intéresse vraiment. Il y en a pas. Tellement de cette crap-là là, dans le store de la 3DS, des jeux que tu te dis, qu'est-ce que c'est ça? Qui c'est qui a fait ça? Ouais, c'est qui ces gens-là et ces jeux-là? Je comprends pas, tu sais. Moi, je m'essaye tout le temps, puis à toutes les fois, je fais comme, non, ouais, un effort, man. Puis là, j'essaye, puis là, je suis comme, Colin, pourquoi j'ai acheté ça? C'est vraiment pas bon. C'est tout le temps décevant. C'est vraiment décevant. Fait que, tu sais, moins de ça, puis plus de jeux qui ont fait leur preuve, Colin, puis que, tu sais, les fans de Nintendo sont parmi les seuls fans au monde qui sont prêts à acheter le même produit 4-5 fois sur des consoles différentes. Fait que profitez de ça, tabarnouche, puis remplissez vos poches. C'est à 3DS, des jeux comme Pushmo puis Crashmo, ça a bien marché, ça. Ben oui. C'est des nouveaux jeux, ça. Exact. Que je sache, là, ça existait pas. C'est une nouvelle licence, ça n'existait pas avant la 3DS. Faites-en des jeux de même, quoi que la 3DS va bien. Là, c'est pas son problème, là, mais quand même. Ça, c'est quand tu vois ça sur le store, tu sais, tu dis c'est une valeur sûre. Ça, exact. Pas de problème avec ça. Là. Oh oui, vraiment. Fait que c'est ça pour Nintendo. Et maintenant, mes prédictions pour Sony. Ouais. Moi, je pense que Sony va annoncer God of War ou Infamous sur Vita. Je pense que ça s'en vient. Puis je pense aussi qu'il va y avoir beaucoup de titres sur PS4, puis il va y avoir très peu de choses sur PS3. Ça va être vraiment là, ils vont passer à autre chose, comme là, dire, il y a encore beaucoup de support pour la PS3, nanana. Ils vont encore le dire, mais je pense que le support pour la PS3, ça a besoin de commencer à s'estomper s'ils veulent que les gens passent à la PS4. Exact. Puis les indépendants vont encore avoir beaucoup de place, d'après moi, parce que ça a été un gros point fort pour eux autres. Puis s'ils laissent tomber maintenant, ils perdent la compétition bien raide. Eux autres, ils vont s'en aller de l'autre bord où les gens vont les percevoir comme ceux-là qui ont voulu profiter des indépendants pour se ramener au top puis qu'ils ont laissé tomber en cours de route. Ah, j'espère. Moi, les indépendants, j'ai ça bien à cœur. J'espère qu'ils vont les tenir et que ça va bien aller. Là. Mais d'après moi, oui, il n'y a pas de doute là-dessus. Ils vont continuer parce qu'en fait, ils peuvent pas changer leur formule. C'est ça qui les a ramenés. C'est fait ça. Puis le nouveau Uncharted va être dévoilé avec gameplay et tout le kit. Ça, je suis pas mal sûr et certain. Ils ont déjà présenté un teaser. Il y avait déjà leur approche un peu. Puis il s'est passé beaucoup de choses à l'intérieur de l'équipe qui fait Uncharted. Mais le projet est toujours en cours. Fait que d'après moi, ils vont réussir à montrer de quoi. Mais là, des Uncharted, ils en ont fait 3 sur la PS3. Oui. Sacrement, ils n'ont pas perdu de temps, hein, pareil. Perdu de temps. Ça fait un bout quand même parce que... La PS3 roule depuis longtemps. Oui. Puis depuis 2006, si je me trompe pas. Puis le premier Uncharted est sorti pas en même temps que le lancement de la PS3, mais pas très longtemps après. Peut-être un an après, je pense. OK. Puis ils en ont fait un genre aux 2 ans. Là. T'sais, ça a été un peu comme... T'sais, ça n'a pas été aussi pire qu'Assassin's Creed, admettons. Ouais. Il y en a quand même pas mal. T'sais. Il y en a 3 sur la PS3, il y en a un sur la Vita. That's it. Ouais. Sinon, il y a un. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, il me semble que c'est beaucoup. Ben non, c'est pas beaucoup parce que si tu considères le nombre d'années, tu sais, si tu considères Mais tu sais, des Sly, là. Ouais. Il y en a 3, puis des Jack, il y en a 3. Il y a 4 Sly. Ouais. Mais ça remonte quand même à PS2, tu sais. Ouais. Fait que j'ai comme l'impression que les Uncharted sont compressés. Non. Comparé à ces anciennes licences-là, si je peux dire. Regarde le nombre d'années, tu sais. La PS3, sortie en 2006. Puis on est en 2014. En 2006? Ouais. Ah ouais, ça fait il me semble longtemps. Que c'est en 2006. Jeff, tu peux-tu checker, voir? Je regarde ça à l'instant. Parce que il me semble que c'est 2006, mais je me trompe peut-être. Là. Peut-être que c'était un peu plus tard que ça. Ouais, 11 novembre 2006. Et voilà. Ah, fait que, ça fait bien longtemps. Ça 7 fait vraiment... novembre aux États-Unis. Ouais. Ça fait vraiment longtemps, mais ils ont rushé au début. Il n'y a personne qui voulait acheter une PS3 au début. Elle était trop chère. Ouais. Elle était grosse, elle était laide. Elle plantait. Elle coûtait 700$, je crois. Ouais, 700$. Ah, c'est... Je me souviens d'être sorti de là avec. Je suis sorti du Future Shop avec Heavenly Sword, la PlayStation, puis une manette. puis ma facture est à peu près comme 850, quasiment 900$. Hey, t'es malade, mon gars. Puis j'avais t'es rien. Vraiment malade. Sérieux, là. Mais c'est parce que moi, c'était comme, j'avais vu ça, j'ai fait comme, c'est le next gen. Hey. Puis tu sais, Heavenly Sword, moi, c'est exactement mon genre de jeu. Ouais, c'est un bon jeu. Là, j'étais comme, Christy, c'est ça que je veux. Hey, écoute, j'avais pas de kid, j'avais rien. Là, ouais, c'est ça. Là, j'avais rien à payer, j'étais en appartement, tu sais. c'est comme, c'était facile, là. Ouais. Mais là, tu sais, je paierais plus jamais ce prix-là. Puis hey, même qu'à ce moment-là, je sais pas justement quelle roche m'est tombée sur la tête pour que j'achète ça. Le Sibili Poulette en spécial. tu dis, je vais en prendre une grande quantité. Exact. Mais non, j'ai acheté ça. Puis écoute, je me suis plongé là-dedans. De toute façon, j'avais payé aussi ma TV HD. Je l'avais payé 1500$. Ouais. C'est, maintenant, ça coûte comme 400$ ouais, une TV HD de même. Ça. Mais bon, c'est ça, différentes époques. Mais si tu considères que ça fait aussi longtemps que ça, ouais, c'est ouais. sorti, c'est pas si pire que ça, tu sais. Oh non, ça fait 8 ans qu'elle est sortie, puis il y en a eu 3. C'est pas trop pire. Puis celui-là qu'il y a eu sur Vita, c'est pas le même studio qui l'a fait. OK. Fait que, tu sais, c'est pas Naughty Dog. Mm-hmm. Naughty Dog, ils ont fait les 3 Uncharted plus The Last of Us. Fait que, tu sais ça, d'après moi, bref, ça s'en vient, ça va être dévoilé, cette affaire-là. Surtout que c'est ça qui fait vendre des consoles. Uncharted, ça fait vendre énormément de consoles. Ouais. The Last of Us aussi. Mais ouais. Là, The Last of Us, ça a l'air qu'il sort à la fin de la semaine prochaine. Moi, ça, il sort à la fin de la semaine prochaine. Sur PS4. Sorti à Noël, ça, Caltor. Sur PS4. Un nouveau, là? Non, remastered. Ah, sans ils font, de ça. Non! Je pensais que moi, je l'ai pas joué. Moi, je veux le faire en, voilà. Sur PS4. Merci, JF. Je vais aller chercher le monde qui ont, comme moi, qui ont un backlog épouvantable de jeux. Ah, exact. Okay, possiblement, là. Tu sais, oh. T'aimes bien avoir la meilleure version possible. Ah, oh, ben d'accord. Ben possible, d'accord. J'ai l'impression qu'il y a plus de monde qui avait joué que de monde qui avait pas joué, par exemple. C'est vrai. Ça dépend, par exemple, si c'est au sacrifice de nouveaux jeux qui font ça, tu sais. Ben, s'ils se privent de faire des nouveaux jeux pour remasteriser des jeux de PS3, c'est une meilleure manière. Sony sont pas les kings du remasterizing. Non, là, il me semble qu'ils font rien que ça. Ils en font beaucoup. Ils en ont fait là. Pas mal, mais c'est parce qu'aussi ça fonctionne. Les remasters, tu sais, ça a fait ses preuves. Puis présentement, la PS4 a besoin de jeux. Là. C'est pas la console qui a le plus de jeux. Puis moi, je pense que c'est un très bon move. Surtout que le jeu, ils vont sortir puis il va avoir déjà le DLC dedans. Mm-hmm. C'est tout ce que tu veux. Ouais, Puis c'est le jeu le plus. C'est un des jeux les plus importants de l'histoire du jeu vidéo. T'sais, ils ont gagné une tonne de prix. C'est vraiment un jeu phénoménal. Fait que je pense qu'ils vont en vendre autant, sinon plus, de la version PS3. Il y a du monde qui n'ont même pas acheté de PS3. Tu sais, moi, j'en connais beaucoup de monde qui était sur 360. Ouais. Puis qu'au 3, il y avait le choix entre continuer sur Xbox One puis ou aller sur PS4. Ils ont fait le choix à PS4. Ouais, ouais. Fait que tous les jeux de PS3, ils ont jamais joué. Fait que ces gens-là attendent justement ces versions-là avec impatience parce qu'ils vont pouvoir jouer. T'sais. Ils vont sortir aussi Metro Redux. Tu as les deux jeux pour le prix d'un, puis c'est la meilleure version possible, la version que tu aurais sur PC. T'sais. Okay. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Si ça prend pas trop de temps de développement, évidemment, puis que ça enlève pas la chance d'avoir des vrais bons jeux originaux. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que bref, pour Sony, je souhaite... Hotline Miami 2. ben, ouais. Il s'en vient. Je sais, puis je capote le jeu. Sérieux, là, ce jeu-là est en train de devenir genre un de mes meilleurs jeux de tous les temps. Là. Je capote là-dessus. Là. C'est vraiment bon. C'est bon. All around. Ah ouais. C'est malade, malade, malade. Non, il n'y a rien de mauvais à jouer. Puis vu que je l'ai pogné en retard, ben là, j'ai la chance que le 2 s'en vient très bientôt. Ouais. Donc là, c'est vraiment cool. Là, c'est comme si tu commençais à manger des huîtres. Là. Ouais. Puis là, la semaine prochaine au bureau, il y a un 5 à 7 d'huîtres. Là, ouais. Totalement random. Là, t'es bien excité. Il y a des huîtres partout dans ta vie soudainement. Là, tu tripes, man. Aïe, aïe. Veux-tu des métaphores? T'as fait des métaphores. Oh, Sony, bref, des jeux AAA sur Vita. Ouais. Parce que la Vita a notre besoin. Là, ouais, vraiment, c'est ça qu'on disait tantôt. C'est très indépendant, mais il faut des jeux AAA, puis pas juste des RPG japonais, parce que là, on sent que c'est vraiment au Japon, ça se travaille en masse sur Vita, puis il y a des jeux qui se font, puis ils les amènent en Amérique du Nord, mais on a besoin aussi d'un peu de travail de notre côté aussi. Fait ouais. que je souhaite que ça s'en vienne. Puis je pense en fait qu'ils vont en annoncer, ils laisseront pas la Vita dans le coin puis faire comme la merde. Ah ben non, ils vont en parler. Ah, on parlait pas aussi, excuse pour revenir sur la PS4, il n'y a pas une PS4 Slim. Non, mais c'est vrai. Non, mais comme j'ai fait des recherches sur un peu sur Internet tantôt, puis il y a du monde qui parlait de ça, puis S4 Slim. Mais non, elle n'est pas rendue là. On n'est pas rendu là. Non, on n'est vraiment pas rendu là. La plupart du temps, ça, ils sortent ça dans les... des dernières années pour remousser les ventes. Là. Le monde pour les gars comme moi qui n'achètent, dans le fond, c'est clair. Exact. Parce que la PlayStation 3, il y a eu, je pense qu'il y a eu 4 redesigns à peu près. Ouais. Le dernier, moi, j'ai pris l'avant-dernier, je pense. Ouais. Parce que le dernier, je l'aime pas pantoute, moi. Le dernier modèle, que ça ressemble à. Ouais. Ça ressemble à rien. On dirait que c'est fait en petite. Bon, tous les modèles de PlayStation 3, j'ai tout trouvé très moyen. Ouais, c'est pas la plus belle des consoles. Les consoles next-gen, je trouve pas ça bien beau, de toute façon. La PS4, je la trouvais très belle. Mais c'est plus next-gen d'après dans la tête de bien du monde, de toute façon. Ouais. Mais sinon, non, je trouve tout ça très moyen. Bon. C'est dit, Non, c'est vrai. Le Wii U, ça a l'air de rien. Là. Ça, c'est la console Wii U, qui a le plus l'air de rien. Ouais. De rien là. C'est un tube. Là. Une Wii U, c'est un hard drive. Comme. Ah oui, c'est ça. C'est vraiment comme un hard drive plate. C'est bon, ben, m'ouvrir ma job de photographe. c'est vraiment comme la même affaire. Moi, je souhaite le retour de Jak and Daxter sur PS4. Ouais. Mais là, Jak and Daxter, c'est pas Naughty Dog, c'est Naughty Dog qui travaille là-dessus. Mais je souhaite ça, mais je sais bien que ça n'a pas de bon sens comme souhait, parce que Naughty Dog, il travaille soit sur le prochain Last of Us, puis c'est sûr qu'il travaille sur Uncharted. Fait que je pense pas que ça va arriver. En faire un sur Vita, man. Ben oui, sauf que là, tu sais... C'est un duo qui a comme été abandonné. C'est ça que je trouve triste. Ouais. Parce que Ratchet & Clank, il y a eu beaucoup de support, mais Jak and Daxter, il n'y en a pas eu à cause que c'est Naughty Dog et qu'il travaillait sur d'autres licences. T'sais. Ouais. Mais je sais pas. J'ai comme l'impression qu'Insomniac devrait prendre Jak and Daxter pour faire un jeu. Mais il y a eu des nouvelles au mois de mars qui disaient que Naughty Dog fermait pas la porte à un Jak 4. Non, c'est ça. Il ferme pas la porte, mais c'est pas... Il y a rien eu encore. T'sais. Ça, c'est comme... Ils disent, s'ils se font donner la bonne storyline, la bonne histoire à raconter, ils vont y penser de faire peut-être un Jack 4. Bon. Selon ce que je lis. Mais c'est parce qu'on a inventé une histoire. Ben ouais, gang de lâche. C'est quoi l'affaire? L'affaire aussi qui arrive, là, moi, j'espère vraiment que Naughty Dog, c'est pas juste dit, ah, maintenant, on est bon dans un jeu deep, triste et déprimant. Ouais, ouais, ouais. Fait que là, on fait plus rien de wacky, on fait plus rien de drôle. Ouais. Là, tout est triste et déprimant, puis c'est ça qu'il faut dans la vie. The Dark Knight, ça a fonctionné. Ouais. The Last of Us, ça fonctionne. Faut être deep. Ben, c'est peut-être... c'est un peu... Je vois ça comme un peu comme un groupe de musique là, qui explore. Là. Tu fais un album, puis après ça, tu sors un autre album complètement à côté de ce que tu faisais. Puis là, ça a du succès. Puis là, tu reviens. C'est peut-être ça là, aussi. Oui, mais il y a comme une volonté de l'industrie puis de beaucoup de fans de rendre tout dark de nos jours. Depuis The Dark Knight, je trouve que tout le monde... Le plaisir familial là, ou le plaisir un peu naïf, là, ça doit plus exister. Là, il faut que tout soit dark. Ouais. Il faut absolument que ça soit dark. Là. Ouais, fait que ça, moi, ce côté-là, de tout le temps vouloir être dark dans tout, là, calique, là, donnez-moi un break. Il faudrait que des fois, il y ait des affaires un petit peu plus up la vie. Là. Tu l'as dit sur le blog, ça manque de couleurs dans la vie. Oui, ça manque des grosses couleurs. Là. Ouais. Check Super Adventure Island. Ouais, check-les, lui. Il y a pas de trop, des kiwis, des boomerangs, oui. Une casquette avec une calotte pétée dans le milieu. Des kiwis puis des bananes, puis il kick le ciel. Il était cœur. Exact, man, des gros fantômes heureux, là. Mais oui. C'est ça qui... Il en faut vraiment, là. Fait que, non, on a besoin d'un retour d'une licence comme ça. Moi, je veux des détails sur le PlayStation Now, parce que le PlayStation Now, je sais pas si t'en avais entendu parler. Non. PlayStation Now, c'est un... Non, j'en ai pas entendu parler. PlayStation Now, c'est un service de location de jeux de PlayStation qui se fait via le cloud. OK. Fait que dans le fond, tu peux jouer à des jeux de PS3 sur ta Vita, sur ta PlayStation 3, sur ta PlayStation 4 ou même sur un téléviseur de Sony avec une DualShock. Me semble que ça me stresserait, ça. C'est comme si, ah, je vais louer ce jeu-là. Fuck, là, j'ai loué ce jeu-là. Faut vraiment que je le finisse. Non, c'est terminé. Ah, faut que je repaye. Comme dans le temps, man. Mais c'est ça, mais c'est intéressant. Ce qui est le plus intéressant là-dedans, c'est que tu vas pouvoir, admettons, jouer justement The Last of Us sur ta Vita, pas nécessairement à côté de ta PlayStation, tu sais. Ouais. Puis tu vas pouvoir jouer à des jeux de PS3 sur ta PS4 aussi, chose que tu peux pas faire présentement. OK. Fait que ça moi je trouve ça intéressant quand même, tu sais, comme mettons Mafia 2 que je parlais tantôt. Ouais. Je trouve que ça serait pas pire quand même que je peux jouer sur ma Vita à distance, tu sais. Fait que j'ai hâte de voir ça va être quoi les détails de ça. C'est quelque chose qu'on va pouvoir jouer en Wi-Fi n'importe où? C'est-tu quelque chose qu'on va pouvoir jouer en 3G? C'est-tu quelque chose qu'on va pouvoir jouer en remote play très près de notre console? Ouais. C'est les détails que je vais avoir, puis surtout justement le prix puis les modalités. Ça va-tu être 4,99 puis tu l'as pour 3 heures? Ou ça va être 4,99 puis tu l'as pour une fin de semaine, tu sais? Ouais. Fait que c'est ça. Tout dépendant de ça, ça va être intéressant parce que là, le bêta est en test présentement. Puis il y a des gens qui le testent présentement, puis il n'y a pas eu vraiment de nouvelles par rapport à ça. C'est un bêta qui est fermé. C'est drôle, ça, pareil. Sauf que cet été, ils vont donner des détails là-dessus. Puis au E3, j'espère qu'ils vont donner tous les gros détails parce que c'est un bon service quand même assez intéressant. Sûrement. Pour les gens à la bourse serrée. Parler pas. Ouais, les bourses serrées. Ouais. J'imagine une petite bourse le ouais. Bien serrée. Tu sais, à rap juste les scènes. Exact, là, c'est exact. Bien serré. Beaucoup sur de cordons, mais peu de cuir. Bien serré. Puis, un peu comme mon souhait de Nintendo, j'espère qu'on va avoir un gadget qui va nous permettre de jouer en remote plus loin avec la PlayStation Vita. Parce que, comme la Wii U, on peut jouer avec le gamepad proche de la Wii U, puis on va pouvoir continuer notre game. Avec la Vita, on peut faire la même affaire. J'ai joué à plusieurs jeux avec ma Vita de PlayStation, entre autres Infamous, qui était vraiment très bien faite sur Vita. Fait que, tu sais, ça, j'espère pouvoir faire ça puis me promener un peu partout dans ma maison. Puis même, à la limite, aller à l'extérieur puis avoir une petite con. Mais tu sais, peut-être pas dans l'autobus, mais tu sais, au moins, tu sais, je suis sur mon terrain, dans ma maison. Donne-moi, s'il te plaît, un gadget qui me permet d'aller jouer nous, dans ma cour. Barnac. Ouais, chez nous, aussi. Cher ici, là. Peux-tu jouer chez nous? Fait que c'est ça, tu sais, on veut juste pouvoir jouer où on veut, quand on veut, puis là, ben, ça nous permettrait de le faire. Je pense que... T'avais-tu terminé? Ben, je voulais juste dire rapidement que j'ai bien hâte de voir du gameplay de ces jeux-là qui ont déjà été annoncés dans l'horaire des choses qui vont être montrées au E3. Far Cry 4. Ouais. Parce que le troisième était écœurant. The Order, qui est un nouveau jeu de PlayStation, je trouve ça a l'air écœurant. Sunset Overdrive, je veux en voir plus parce que là, j'ai l'impression que c'est tout le temps la même affaire qui se passe. Puis Sonic Boom, qui est mon jeu le plus attendu du E3. Ouais, le nouveau Sonic, là, que le monde a chié. Là, ça... Alors, moi, j'embarque à 100 000 à l'heure. Là. Je trouve ça vraiment cool ce qu'ils ont fait. Fait que... Moi, il y a deux jeux qu'on a parlé dans le E3, dans notre épisode E3 de l'année passée. Oui. Que j'en ai pas entendu parler. Cyberpunk. Oui, je sais que t'allais dire ça. What's up with that? C'est rien passé. C'est mort, ça aura pas lieu. Il y a rien. Ben, je sais pas si ça aura pas lieu, mais il y a pas eu de nouvelles. J'ai pas vu de nouvelles par rapport à ça. Puis l'autre, Mad Max. Mad Max, il y a des gens qui ont joué. Ah ouais? Ouais, il y a des gens qui ont joué à une partie du jeu puis qui disent que c'est épouvantable. Fait que je sais pas. Je sais pas rendu. Parce que de la manière qu'ils le présentent puis de la manière que les. Ben, c'était un les trailer, gens là, parlent, mais il y avait aucun gameplay, là, tu sais. Mais de la manière que j'en parle, c'est un jeu de char. Ouais. Ben, c'est un jeu de char que ça tombe bien, c'est des chars. Ouais. Puis tu sais, ils ont mis un trailer, puis tu vois que tu peux customiser ton char. Ouais. Puis c'est West Coast Customs. Oh, non, il y a tu exhibit pour customiser ton char. Ben, voyons. Va t'installer un PlayStation dans ton char. Pour vrai, dans Mad Max. LCD screen. Oh. Ouais. Ouais, dans Mad Max, tu peux jouer à I heard char. You like cars. Ouais. So we put a car in your car. Non, mais sérieux, ça n'a aucun sens. C'est complètement ridicule. C'est un film, Mad Max. Oui, c'est pas juste un film, c'est un film culte. Ben, totalement. Les gens qui aiment Mad Max, là, ils veulent pas que tu détruises la licence. Non, là. Ils sont-tu malades, eux autres, fait de faire ça? À quoi c'est quoi, ils ont-tu manqué de cash puis ils ont fait de la pub? Je sais pas, man, mais juste de mettre ça dans c'est le trailer, ça demande des couilles en acier. Parce c'est dégueulasse. Ça vient, c'est mort. C'est épouvantable. À la limite, il aurait pu juste montrer que tu peux customiser ton char, mais pas le logo de West Coast. Ben non, là. C'est ça. C'est quoi l'affaire? Ouais, c'est comme ton char va pouvoir faire une suspension, mon gars. C'est, ça sera probablement pas ça. Avec du easy dans ton char, tu sais. S'il y a du easy, par exemple, on va l'acheter. Mais c'est ça. Jusqu'à date, c'est décevant. Puis souvent, quand un studio montre absolument rien comme ça, c'est soit mauvais signe ou il y a des problèmes avec la production, puis coudon, ils attendent un peu. Mais j'ai hâte d'en voir plus quand même, parce que moi, Mad Max, j'aime beaucoup le film. Ben oui, moi aussi, ça, je trouve ça le fun. Puis, we don't need another hero. Puis il y avait, je pense que Hyperkin va avoir un espace aussi là-bas pour parler de la Retron 5 qui est déjà sortie, ou que il y a déjà des gens qui ont commencé à la recevoir pour la tester puis en parler puis tout ça. Est-ce que tu as vu si les gens l'aiment ou? J'ai juste vu un review, un message de Gamester. 81, j'ai oublié son nom, en tout cas. J'ai oublié son numéro à Ouais, fin. C'est ça. Mais j'en ai parlé au dernier show. Mais là, j'étais un peu fatigué, donc j'ai oublié. Mais ça avait de l'air pas pire. Si cette console-là est à la hauteur, puis que. Ben d'ailleurs, j'aimerais la tester, en fait. Si je vois ça marche. Tu sais, je vais pas l'acheter pour la tester, genre, en grande primeur à rétro niveau. Je vais attendre de voir si c'est de la merde ou pas. Puis je vais l'acheter, puis j'en parlerai par après. Ben oui. De toute façon. Mais si ça marche bien, je vais en mettre une dans mon local, ça c'est sûr. Puis ça pourrait être pas pire. Les manettes, j'ai vraiment l'impression que c'est la pire merde sur Terre, par exemple. Juste à les regarder, là, c'est lait, là. C'est lait. Ça n'a aucun sens. Mais on peut mettre des manettes originales là-dedans, donc ça, c'est winner. Puis donc c'est ça, je pense qu'il va y avoir un boot là-bas, puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va sortir de ça. J'ai hâte d'avoir plus de commentaires, là, qu'elle soit répandue, puis vendue, puis... J'ai l'impression que c'est vraiment comme un gros step là, comparé à leurs anciens produits. Puis là, c'est comme do or die. Là, s'il y a des jeux qui marchent pas, ou s'il y a des glitches de son sur certains jeux, là, le monde, ils vont pas embarquer. Mais si ça fonctionne, ben ça va leur donner du cash pour peut-être la Retron 6 qui est encore plus... genre peut-être la 64 va embarquer, peut-être qu'on va avoir des disques, là, tu sais. Je sais pas, où la limite de l'émulation, mais voilà. Ça fait que ça, c'est bien intéressant, j'ai hâte de voir ça. Mais j'ai l'impression que parce que là, il y a comme un gros revival du rétro. J'ai l'impression que le rétro, genre les consoles rétro vont avoir leur place au E3. Peut-être. Parce qu'il y a eu aussi dernièrement, j'ai vu ça sur Internet. Analogue. Le développeur qui a fait un nouveau Game Boy, genre. Il a fait comme un super beau Game Boy, vraiment propre, vraiment clean, puis refait du début à la fin, packagé, puis tout ça. Okay. Tu l'achètes, puis c'est un Game Boy neuf, en fait. Puis c'est super beau, c'est vraiment un bel objet, mais qui fonctionne en plus de ça. Je sais pas ce que c'est, ça, pantoute. OK, je t'enverrai le lien, mais c'est vraiment intéressant parce que tu vois qu'il y a des gens qui travaillent sur des nouvelles consoles, mais qui jouent des vieux jeux, en fait. Ouais. Puis ça, c'est jusqu'à la date, il n'y a pas de gagnant. Tu sais, il n'y a personne qui a dit encore, celle-là, c'est vraiment la meilleure, admettons, pour jouer au NES, Super NES, Genesis, tu sais. Ouais, ben c'est pas mal à Hyperkin qui sont tout seuls dans cette course-là. Ben c'est ça, mais... même d'améliorer leurs propres produits. Par contre, il y a un produit de luxe, comme la compagnie Analog, qui ont annoncé la Analog NT. Mm-hmm. Ça, dans le fond, ils font une NES dans laquelle tu peux jouer aussi des jeux Famicom, puis ça coûte genre 500$. Puis c'est pas de l'émulation là, comme une Retron. Là. C'est direct le signal. Ah, c'est celle-là que j'ai vu que tu peux même acheter des manettes neuves en condition parfaite et tout ça. Ben, c'est des manettes third party, par exemple. Mais n'importe quelle manette sont pluggables. Puis tu peux avoir une sortie HDMI, tu peux ajouter des customizations. C'est ça, j'ai vu la même Puis ça revient quand même pas mal cher. Par contre, le signal est pur, là, tu sais. Ouais. C'est comme le real shit, là. Tu sais, t'auras jamais comme un NES qui va sortir aussi clean que ça au niveau du son et de l'image. C'est parfait. Mais il y a des gens qui modifient des consoles qui peuvent faire... cette conversion RGB-là en rajoutant le truc. Comme celui que tu as parlé dans l'épisode comme 5 de Sato, il travaille là-dessus présentement. Michael Larouche aussi, il est beaucoup là-dedans. Lui, il est upscaler présentement, puis il a amélioré le signal, décompresser les signaux dans le fond pour avoir le real shit. Mais cela dit, Puis Analog, c'est eux qui avaient fait aussi la Neo Geo CMVS, okay. comme Carl, oui. qui est un board d'arcade dans lequel tu branches des cassettes JAMA d'arcade, carrément. Oh, oui. Dans ta TV, c'est une arcade, là. Aye, c'est le real aye. Shit, comme on a essayé en Tremblant. Oui. Ben ça, ça coûte 600$. Okay. Mais eux, ils font la console, comme la NT, la Nintendo oh, NES, oui. c'est un bloc d'aluminium complet, là, tight. Puis c'est sculpté là-dedans, puis c'est un objet de luxe. Ouais, c'est mais, ça. Mais... de très grande qualité. Ouais. Enfin, moi, ça m'attire vraiment. Ouais, c'est vraiment cool. Moi, avoir du cash, là, moi qui est un fanboy de NES en plus, ouais, là, ouais. c'est clair que c'est quelque chose que j'ai de besoin. Là, mais en tout cas, fait que peut-être ça aussi, ça va être présent là-bas. Je sais pas, mais ça pour dire, comme tu dis, il y a des compagnies qui refont des consoles rétro pour que ça soit plus facile pour les gens aujourd'hui de jouer au rétro, puis pour comme mettre ça de plus de qualité, là, comme Analog le font. Là. Non, c'est important et c'est intéressant. C'est le fun, quand même d'avoir c'est le fun ça, que ça existe. Fun. Fait que y avait-tu des gens qui avaient donné des commentaires sur le match? Je peux aller fouiller dans le Twitter. Yes. Moi, je sais que vous n'en parlerez pas, mais j'ai très hâte de voir les images du NHL 15. Oui. Le prochain jeu de hockey, premier sur Next Gen. Ah oui, c'est vrai, parce qu'il n'y en a pas encore. Non, c'est le premier qui va sortir. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est Piqué Subban du Canadien qui va faire la pochette ou Patrice Bergeron. C'est quand qu'on va le savoir? Cette semaine, probablement, ça finissait hier, je pense, les votations. Oh! Go Piqué. Yes. OK, c'est les gens qui votent. Ouais, tu votes. Il y avait comme, je pense qu'il y avait 8 personnes au début qui allaient faire le cover. Puis en finale, ben, il y a un gars du Canadien puis un gars des Bruins de Boston. Cette rivalité qui se poursuit jusqu'à cette pochette d'NHL. Mais ça, c'est fou. C'est fort. Il y aurait dû mettre Ginette, man. Il y a eu plein de monde qui ont fait la pochette d'NHL avec Ginette dessus. Je l'ai vu, c'était vraiment très drôle. Il y a Mathieu Gélina qui nous dit la série Yakuza traduite en anglais. Il dit ça arrivera probablement jamais. Lui, il dit Vanquish 2. Oui. Plein d'action RPG superbe comme Toukiden. Et puis, il redit encore Vanquish 2. Yes. On continue ici. Ça, on l'a dit tantôt. J'essaie de... Excusez, j'ai pas screené les trucs. JS Babin qui dit qu'il veut pour le PS4 une manette qui brise pas aussi vite et un nouveau Gears of War et un Halo aussi et plus de jeux indie et des nouvelles licences. Gears of War, d'après moi, ça va arriver. On va avoir un teaser ou quelque chose. Frank Courchain qui dit que son souhait, c'est qu'il y a un jeu intéressant non annoncé encore qui va sortir en 2014. Il y a peu de chances que ça arrive. Ouais, parce que Sony, présentement, semble vraiment tout reporter à 2015. C'est ça qui est épeurant. C'est pour ça que E3, faut qu'il rectifie ça. Là. Mathieu Lamar qui dit qu'il veut un Metroid. Il dit aussi, comme Bruno, qu'il veut avoir un Mario Galaxy 3. Il va brailler de joie si jamais ça arrive. Ah, moi avec, man. Je vais brûler un lampion. Je vais probablement sortir un drapeau avec la face à Mario dessus. Maxime Haim qui dit « Shulk de Xenoblade dans Smash ferait mon E3. » Et Colin! comment tu dis? Shulk? C'est ça qu'il a écrit. C'est moi qui avait un des personnages, ça, de Xenoblade. Shulk. C'est comme Hulk avec un S au début. OK, OK. Amigo qui attend X sur Wii U, la suite de Xenoblade, et son rêve serait une annonce d'un nouveau Final Fantasy tactique sur console. Et Colin, mais là, Final Fantasy vient d'en avoir un qui est sorti, Realm Reborn, fait que je sais pas à quel point ça va arriver. Et finalement, on a Alain Labonté qui dit des gros titres pour PS Vita. Oui, tabarnouche, s'il vous plaît. Ouais, mais PS Vita, faut qu'il se passe quelque chose quand même, là. Ouais. C'était moi, je sais pas, je viens d'acheter la mienne. Ouais. J'ai bien du retard. Là. En fait, c'est une console qui a vraiment beaucoup de support. Puis là, les gens commencent à l'acheter pis tout. Mais pour que les gens veuillent vraiment l'acheter, il faut qu'il y ait des titres impressionnants dessus. Ouais. Là, j'ai déclenché de quoi? Il y a plein de monde dans le chat qui dit « Yes sir, un gamer sportif dans la gang. Go, Abs, go. Hey, ouais. Si vous êtes fan de hockey, suivez mon podcast de hockey. » Ben oui, suivez la soirée du podcast à GF. Ouais, un excellent podcast. Moi, je l'écoute la minute qui sort. Ça achève. Il nous reste un épisode parce que le Canadien est éliminé. Mais on revient l'année prochaine. C'est officiel. Là. Exact. La prochaine saison. Fait que ça fait le tour pour les suggestions du monde pour le 3 cette année. Hey, moi, je voulais dire au monde... oubliez pas d'aller écouter Rétro Nouveau TV5. Oui. Ouais. On a fait ça, puis c'était pas mal comique. On a joué on a joué à Infamous Second Son, finalement. On a fini par y jouer. J'ai pu y jouer. Ah oui, on a fini par y jouer. Puis tu t'es perdu, en plus. Je me suis perdu à la papa cassette. Ouais. Il n'y avait pas de map, fait que je me suis perdu. Il n'y avait pas moyen de se perdre là. Je me suis perdu quand même. Ah oui. Crime, écoute. Mais un très bon épisode. Et puis, allez écouter ça. Donnez-nous vos commentaires. Ben sérieusement, oui. Vos commentaires, c'est ça notre paye. Partagez aussi, ça nous aide énormément quand vous partagez ce qu'on fait. Parce que nous autres, mentalement, là, en tout cas, c'est moi qui l'impose dans ma tête puis que je le partage avec les gars. Moi, j'aimerais que chacun de nos épisodes, d'ici la fin de l'année, atteigne le chiffre magique de 1000. Ça sent bien quand même. 1000 vues. Ouais. Tu vois, le premier a dépassé, ça c'est facile parce que c'était nouveau, là, tu sais. Mais ça se maintient quand même, tu sais, ça va pas en descendant. On est toujours autour de 800-900 facile. C'est ça, mais il y a quand même un petit boost à avoir. Là, j'aimerais un beau chiffre rond, là, tu sais. Ouais. Ça serait fun. Ça passe bien. Exact. Dans les quatre chiffres. Hein? Mais ouais, c'est ça. Puis aussi, une autre affaire qu'on dit jamais, mais allez vous abonner et allez rater finalement, allez donner vos 5 étoiles, vos 4 étoiles sur iTunes, donner des critiques sur iTunes. Parce que ça aussi, ça aide beaucoup. Ça nous aide à monter plus haut sur iTunes puis à avoir découvrir plus par de vues, personnes. Se faire découvrir, c'est ça. Parce que c'est fou comment est-ce qu'il y a du monde qui nous découvre, comme présentement. Oui. Il y a tout le temps des nouvelles... vagues de découvertes. C'est ça. C'est fascinant. Mon cher, je savais pas que vous existiez. Fait que c'est le fun. Comme là, dans le chat, il y a quelqu'un qui est revenu qui dit « Je savais pas que vous aviez recommencé à faire des podcasts. Il vous écoutait il y a 2-3 ans. » Puis là, il a su qu'on avait recommencé. Ouais, c'est génial. Ben c'est ça. Puis pour ces gens-là d'ailleurs qui se disent « Ah, c'est cool ce podcast-là, mais il y en a juste 5 », allez totalement dans nos archives, dans la section podcast. Remplis, on a combien d'épisodes là-dedans? 39? 39. 39 plus des tonnes de vidéos. Une centaine là, de vidéos en, fait que, en archives. Puis moi, je les écoute des fois, nos anciens épisodes. C'est très bon, man. C'est bien cool. Là. Il y a plein d'affaires là-dedans. T'sais. On voit l'évolution aussi. On voit l'évolution, mais tu sais, c'est pas comme tout croche non plus. Non, non, là, non, c'est pas de la C'est la même dynamique, je veux dire. Oui, exact. C'est bien comique, c'est bien le fun. Puis tant qu'à y être, allez donc dans les vidéos écouter notre spécial Halloween de l'année passée. Ouais. Un grand classique. Des c'est affaires vrai, drôles de même, là. C'est toujours agréable. Ah, puis dans les archives aussi, je me souviens plus c'est quel épisode. Je pense que c'est l'épisode 7 où ma blonde m'appelle pour me dire que t'es enceinte. Crevé ses os. Ça, c'est dans le podcast numéro 7, je pense. C'est ça, c'est le numéro 7. Le podcast. Crevé ses os. Ouais, il est facile à spotter. Je pense qu'ils ont 4 minutes, cet épisode. Ouais, c'est ça. Il est vraiment pas long. Fait que allez écouter ça. Gâtez-vous dans les archives. Il y a tellement de bons stocks. En terminant, allez faire un tour sur rzweb.com. Plusieurs web télé, plusieurs podcasts sur ce système-là, sur ce groupe-là. Mon podcast de hockey est là aussi. Et puis, il y a une expansion. Pour ceux qui nous écoutent en direct, il y a une expansion qui va arriver lundi. Oui. Lundi le 12, je pense. Exactement. Puis, pour ceux qui nous écoutent par après, ben allez voir, il y a plusieurs nouveaux shows. On est rendu à peu près à 33 shows. Exactement, 33 shows sur beaucoup de shows. Puis moi, j'aime ça parce que je trouve ça simple. Il y a bien des shows qui ont un site web, mais là, sur leur site web, tu sais... Le site web n'est pas nécessairement en tête. Fait que là, tu cherches qu'est-ce qui est où. Puis là, il faut que tu trouves leur channel. Puis là, il faut que tu trouves leur dernière vidéo, leur dernier podcast ou whatever. Oui. Ce qu'il y a de bon avec réseau, c'est que c'est là. Tu cliques sur l'icône du show, puis bang, tout son matos est là. Fait que c'est super facile. Là. Moi, c'est le même que je navigue quand je veux écouter des nouvelles affaires ou que je cherche des choses. C'est le plus simple. C'est ça, puis c'est un site qui regroupe tous les podcasts que vous aimez, que vous connaissez déjà, mais peut-être que vous allez en découvrir d'autres aussi. Puis c'est surtout ça qui est important. Ouais, c'est tout du québécois en plus, je pense, qui est là-dessus. Exact. Ouais, il y a peut-être un français ou deux. Là. En tout cas, retournez-y régulièrement. Le site est en constante évolution. Ouais. Le site va changer dans les prochains mois, donc suivez tout ce qui est là-dessus. Yes. Ah, puis aussi, j'aimerais rementionner... On finit plus. Ah aussi, je veux dire, j'aime beaucoup ça, les Sunday aux fraises. Les ristournes aussi, c'est bienvenu. Transférez vos ristournes de jardin, on a un bouton don sur la page d'accueil. Moi, c'est ça, j'aimerais rementionner La Manette, fait que lamanette.bigcartel.com, ma boutique de t-shirts. T'as des nouveaux designs qui sont sortis il y a deux semaines. J'ai des nouveaux designs qui sont sortis il y a deux semaines. C'est Kratos, Link, vraiment badass. Ouais, un t-shirt Zelda badass. Là. Ouais, un t-shirt Zelda badass, c'est quand même assez rare. On était dû, le monde entier était dû. Ouais, on l'attendait. Puis aussi un autre de Samus qui est sorti avec un Metroid. Fait que c'est ça, allez voir ça, allez précommander, présenter. Maintenant, vous pouvez précommander pour ces trois designs-là. Les autres aussi, vous pouvez les commander. Puis c'est ça. Présentement, on ship les t-shirts présentement, la première batch qui a été commandée. Fait que soyez patients, ça s'en vient. Je fais tout ça à mitaine. C'est ça. Il n'y a pas de machine qui plie les chandails et qui les met dans des sacs. Non, c'est ça. C'est fait avec amour. Fait que ça s'en vient. Puis merci de votre support. Yes. Tant qu'à ça, papacassette.com aussi pour tous vos besoins en rétro. Ouais, de toute façon, tout est sur retronouveau.ca si vous cherchez les magasins. Ouais, vraiment. Là, j'ai pas grand chose sur le site présentement. Ouais. Mais c'est parce que je tiens ça tranquille. Mais je vais revenir en force avec le local, pimpé, les soirées et un inventaire très large. Très large. J'ai du beau stock. Cool. Dans des boîtes présentement. Oh, là. Oui. Si vous savez à quel point je me retiens de genre juste envoyer plein d'images de ça, là, ça va être génial. Tu vois ton inventaire, les genoux te lâchent. C'est ça, tu sais. Oh, dans des boîtes là, bien rangées. Puis là, je me dis, fuck, j'ai hâte de sortir tout ça. Demain, le monde. C'est ça. Fait qu'on va se laisser avec un remix de Patrice Bourgeot, encore une fois. C'est le remix de la musique de Snowfield à Contra. Yeah. Et, Contra 1 au NES, qui est le cinquième niveau, je crois. Pas le niveau que tu montes, ça? Non, ça, c'est le tableau dans la neige avec les gros trucks. Ah, et puis, puis, c'est quoi le boss de fin là, de ça, non? C'est pas le gros bonhomme qui saute. Ah non, ça, c'est dans la Hyper Zone. Ouais. Ah, c'est une noix, c'est une genre d'affaire qui flotte dans les airs. Là. C'est de la merde. Mais ce qu'on peut se souvenir de ce niveau-là, c'est les gros trucks avec des pics qui te foncent dedans. Ouais. Alors, Snowfield. Donc, merci tout le monde et puis on se voit bientôt. Yes, ciao. Ciao tout le monde. Bye.